sur Skyrock, on écoutait Jules et le ghetto phénomène à ne pas oublier demain soir dans Planète Rap. C'est sur Skyrock où il y a une petite connexion. Hein. Si vous connaissez pas encore, soyez à l'écoute. 20h, 21h, Planète Rap. Et là, 21h pile, c'est parti. La radio libre en direct jusqu'à minuit. Skyrock, Romano. Allô? Oui. Comment vas-tu, beauté? Ça va? Difool. T'es content, Jean-François? Vous êtes vraiment des clochards, hein, sérieux. Merci, Jean-François. Cédric. 1m78, brun, beau gosse, plutôt musclé, bien membré. Moi, je connais pas. Marie. Ah non, tourne-toi, moi, putain, il me fait ça devant. Samy. Ouais, je suis arrivé, j'étais le seul con. Et Karim. Hey, ça raconte, t'es allé fou, ma gueule. Difool Radio Libre. 21h minuit. Tous les soirs sur Skyrock. Et ouais, en direct jusqu'à minuit, on est là, comme je vous le disais. Radio Libre, c'est parti. Merci à vous d'être là. Et du foot à suivre. Salut. Allez, les Bleus. Biélorussie, France, max match qualificatif pour le mondial de 2018 en c'est Russie. Ça. Donc on suit ça avec intérêt, avec attention. On est à un quart d'heure de jeu. Et Skyrock est à fond la caisse là-dessus. Et vous aussi. On donnera donc les notes du match, les notes des Bleus tout à l'heure à la mi-temps. Et puis, bah, vous nous dites ce que vous en pensez si vous matez. Et si vous en avez rien à foutre, vous serez au moins au courant du résultat. Du match, puisqu'on vous tient au courant de tout ce qui se passe, c'est quand même important, histoire de pas avoir l'air d'un con. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, ouais. Oui, quand c'est les vrai. Gens parlent de ça, au moins tu t'es au courant. Au moins t'es au courant. Les allez, les Bleus, vous entendez les supporters de Skyrock, les supporters de la Radio Libre qui sont avec nous. Bonjour Romano. Bon, allez les Bleus. Bah, bon, allez les Bleus. Bah, bon, allez les Bleus à toi aussi. Bonjour la Marie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Bonsoir Cédric, qui est déjà au téléphone avec vous. Ça va Cédric? Ouais, ça va, nickel. Très bien, on joue Contre les Biélorusses. Voilà. Bonjour Samy. Salut, bonsoir tout le monde. Salut à toi et salut Karim. Salut tout le monde. Avant le grand match de vendredi, PSG Saint-Etienne. Ouais, vendredi, il y a PSG Saint-Etienne à suivre dans l'émission. Ah putain. Et ben là, on suit donc les Biélorusses contre les Français. On a fait un petit pronostic ce matin dans le morning. Je sais pas si vous étiez à l'écoute. On l'a fait très tôt, on l'a fait à 6h. Et puis je l'ai rappelé à 9h pour les résultats. 90% des auditeurs de Skyrock pensent qu'on va gagner. En tout cas, ceux qui ont voté ce matin sur les réseaux et au 41-759 sur l'appli. Bah, bien sûr, on sait jamais, Marie. Hein, c'est ouais, le football. Mais bon, tout est possible dans le football, Marie. Tout est possible. Ne partons pas des fêtises. La dernière fois contre les Biélorusses, ils nous avaient mené 2-0 pour qu'on gagne 4-2 quand même. Ah mais ouais. Mais ça n'avait pas été facile. Quelle mémoire du foot. Eh oui, c'est des petites statistiques footballistiques que je vous donne. Encyclopédie du ballon. Mais depuis combien j'ai mis ce matin, moi. Ce matin, t'as mis qu'on allait gagner 3-0, t'as dit. 3-0. Moi, j'ai dit 8-0 pour le délire. Je crois que j'ai dit 3-0, moi. Ah ouais, évidemment, t'as copié sur moi. 3-1, alors j'ai dit. Bon, en tout cas, les pronostics maintenant, c'est fini. Ouais, vous étiez 90% à penser que la France allait gagner. 5% de match nul, 5% pour les Biélorusses. On a rarement eu des résultats comme ça. On va voir si on est. J'espère qu'on sera pas déçus. Hein. On va voir si on va être dans le juste ce soir. Bon, pour le reste, vous pouvez nous appeler. C'est mort pour le 8-0. Mais j'étais pour rire que je disais ça, Blue. Vous nous appelez, vous nous laissez des messages. Bah, comme Blue, les messages sur le 41-759, sur l'appli Skyrock. Bonjour à Héloïse, bonjour à l'Albanais. Il y a Suceur de Gland qui vient d'arriver. Tiff qui est avec nous dans le coin. Bonjour à Thibaut de la team Le Belge, J-Unit. Bonjour à Jordi CRDS. Bonjour Jordi CRDS. Tu as salué Héloïse Doudou. Je sais pas si j'ai salué Héloïse Doudou. Ah bah, il y a la jumelle du 45 aussi, la bonne couille, la table de mixage de Skyrock. Mais tout le monde est là, je vois, c'est bien. Et puis, vous pouvez débarquer ici à n'importe quel moment de l'émission. Vous débarquez, vous nous dites ce que vous voulez, vous nous parlez de ce que vous voulez, vous venez faire les cons avec nous, déchirez tout au long de cette soirée. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi filer un petit coup de main et donner votre avis sur tout ce qui se passe à l'antenne. S'il y a un truc sur lequel vous avez envie de réagir, vous nous dites, c'est jusqu'à minuit et c'est en direct sur Skyrock. Bon, on va démarrer avec le premier de la soirée. C'est qui? C'est Cédric qui me l'amène. Merci. C'est une femme, Cédric, tu as bon goût. Ouais, c'est Clotilde toujours. En direct de Guingamp avec nous ce soir. On aura les doubles appels à suivre. Salut Clotilde. Salut. Et tout le reste, je ne vous ai pas fait le sommaire complet. De toute façon, tu le sais, Clotilde, dans la Radio Libre, tout peut arriver. Oui. Ben oui. Ne flippe pas, Clotilde. Hein. Apparemment. C'est souvent des bonnes choses qui arrivent en dans même temps, l'émission. Moi, elle a parlé à Cédric juste avant. Il faut le temps de s'en remettre aussi. Ah, c'est vrai. Ouais, t'avais pas choisi sur qui t'allais tomber. Il m'a très bien accueilli. Hein. Bravo, Cédric. C'est gentil, bien. Merci. Ah, toi, il est payé pour ça. Bonsoir, félicitations. Ben, c'est gentil comme c'est tout. C'est le team Romano, mais... Ah, tu vas réfléchir à changer de team, c'est ça? Non, peut-être pas non plus. Hein. Non, c'est pas sûr, ouais. Ah. Alors, Clotilde, t'as 19 ans. Je veux pas être méchante, mais. Je veux pas être méchante, mais il faut quand même qu'il fasse quelque chose au clash de la drague pour qu'on vote pour lui. Qui est Cédric, oui, je suis d'accord. Ouais, bah, tu n'es pas méchante, hein. Ça, on est d'accord. Non, t'es réaliste. Oui, c'est du réalisme, comme on dit. Bon, alors, Clotilde, je te présente. T'as 19 ans, t'es à Guingamp, tu fais quoi dans la vie? Parce que ça, je sais pas, dis-moi. Je suis étudiante en esthétique. Très bien, une étudiante en esthétique ce soir. Ça peut servir à certains, ouais. Ah ouais, à moi. Je comprends pourquoi tu votes. Et j'ai fait mode avant. Et t'as fait mode avant. Je comprends pourquoi tu votes Romano, qui connaît une spécialiste de la mode, qui est modéliste, qui s'appelle Pamela. Bah, hein. C'est une bonne copine à moi. Oui. Super sympa. Ouais, je comprends que tu sois. Ah, elle est de la bite, celle-là. Alors, Clotilde, dis-nous pourquoi tu nous appelles. Écoutez bien, Clotilde. Et dans un instant, on lancera donc les familles du double appel dans l'arène. Et puis tout ce que vous voulez tout au long de la soirée. Évidemment, le match de foot pour l'instant, 0-0, 20 minutes de jeu. Et on marque pas contre les Biélorusses. Elle doit être bonne, Clotilde. Allez, à Jules qui donne son avis, qui est très excité derrière sa radio. Je suis en couple. Eh ben voilà, désolé, ça c'est un râteau. Mais bon, mais tu peux être bonne quand même. Hein. Bam, oui, en tout cas, et c'est un beau compliment. Et à cause de mon soutien, non, je suis pas bonne en ce moment. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe, Clotilde ? Ah, merde. Qu'est-ce que t'as ? J'ai eu un traitement à cause de... J'ai fait une crise dépressive, en fait. Et j'ai eu un traitement qui m'a fait gonfler, j'ai pris 15 kilos. Ah, alors est-ce que ça s'est passé entre le moment où tu as appelé Skyrock et que tu es tombé sur Cédric pour la crise dépressive et les 15 kilos de pris et le moment où t'es passé à l'antenne, ou alors est-ce que c'était complètement... J'ai plaisante, bien sûr. Mais alors est-ce que c'était complètement indépendant de ça? J'imagine que ça... C'était dû à quoi? C'était complètement indépendant, c'était au début de l'été, là. Et pourquoi t'as fait une dépression au début de l'été? En fait, j'ai un peu trop abusé du bédo et... Ah, ça t'a fait briller dans la tête. Ah, ça t'a fait ça, le bédo, toi? Ouais. Ah, merde. Non, mais moi, je suis pas cool quand je fume, en fait. T'es comment quand tu fumes? Ah, bah, je suis badeuse. Ah, t'es en dépression, faut pas fumer. Ah ouais, dans ce cas-là, ouais, vaut arrêter, ouais. Non, mais c'est vrai, le bédo, ça fait des effets différents sur tout le monde. Il y en a qui fument un bédo, personne n'a un bédo à me faire fumer, là, ce soir. Ah, non. Désolé. Non, personne. Rien à fumer, mais là, ça fait 2 mois que j'y ai pas touché. Non, ouais, mais c'est pour moi. C'est peut-être mieux. Non, t'as raison. C'était juste pour moi, pour voir un petit peu l'effet que ça me faisait ce soir. C'est à chaque fois que tu fumes un bédo, tu prends 19 kilos, faut arrêter tout de suite. Ah ouais. Non, moi, j'ai un pote à moi, quand il fume, il devient parano. Ah, t'as pris 19 kilos, toi, Clotilde? 15. Non, 15. Ah, 15. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Oui, j'avais noté 15, je me suis dit putain, je me suis trompé de 4 kilos. Je veux dire 15, c'est déjà pas mal. Et ouais, mais c'est pas dû au bédo, c'est dû à la crise dépressive que t'as fait peut-être à cause du bédo. Donc c'est une succession de trucs qui t'est arrivé, toi. Non, mais le bédo a dû déclencher un truc que t'avais en toi, quoi. Exactement. Ouais. Ça vous fait quoi quand vous fumez? Dites-nous si vous avez des potes qui sont un petit peu chelous quand ils fument, parce qu'il y en a qui font n'importe quoi. Donc toi, tu bades. OK. Ah bah tiens, qui c'est qui bade encore? Suceur de gland qui nous envoie un message. Moi, je fume pas et pourtant des fois, je bade. Ouais. Ah. Donc les effets du bédo, les effets du ouinge sur vous, c'est quoi? Alors il y en a qui rigolent. Moi c'est parfois ça me fait rigoler. Ouais. Il y en a qui sont complètement amorphes, c'est-à-dire qui tu fumes un bédo, après tu ne les entends plus de la soirée. Des légumes. Ça fait des vacances d'ailleurs. Ouais, bah ouais. Pour certains. Toi tu déprimes, il y en a qui comme ton pote Cédric qui deviennent parano. Moi ça me fait passer 2 mois en hôpital psychiatrique. Ah ouais, non, mais faut arrêter. Ah ouais, putain, c'est vénère quand même. Ah ouais. La violence. Toi, ça te réussit pas, ouais. C'est vrai que les effets du bédo, c'est pas les mêmes sur tout le monde. Hein. Ah, on en a parlé, là, il y a quoi, une semaine, 15 jours, ouais. C'est vachement variable, en fait. On a parlé du bédo. Ça dépend de l'état. Nous, on a parlé du bédo. On a parlé de juin, quoi. De juin. Ah ouais. Non, mais ça dépend déjà si t'es bien dans ta tête à ce moment-là ou pas, quoi. Mais c'est pour ça, il n'y a pas de cas précis. Chaque personne va réagir différemment. Ouais. Ouais, on nous dit, moi, je dors. C'est Sopra66 qui nous laisse un message. Moi, ça me donne envie de dormir. Quand je fume, moi je rigole trop et je suis posé tranquillou aussi pour Britannus. Ouais, en général t'as pas envie de courir à 100 mètres. Hein. Salut Britannus. Non mais tu sais, je pense que tu recherches. Il y a même des gens qui ont du sous en l'air à cause du bédo. Hein. Moi j'adore sentir. Ça l'allait pas, ils ont fumé, ils ont vrillé. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Certainement. Après ils auraient bu de l'alcool, ils auraient pris autre chose. Ah oui, c'est clair. Ils auraient fait la même chose. Mais c'est que oui, ils avaient déjà un truc en eux qui n'allait pas, quoi. Tiens, on nous demande si à l'hôpital psychiatrique, il n'a pas vu la mère de la gothique. Très beau. Je suis gothique. Ah, mais alors. Ah voilà, on est dedans. Ça va pas, ça va pas, tu vas m'exciter. La gothique, en mais fait. Tu vas m'exciter, Romano. T'as plus agréable qu'elle quand même. Il va se mettre à bander, il va nous faire des trucs dans son slip. Ah, bah là, j'en suis pas loin. T'es de l'érection. Bah oui, t'es tout excité. Et qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral quand ça va pas, toi, Clotilde? Maintenant, je vais voir mon copain et. Bon, bah c'est bien. Ce qui est en fait, dans la période où t'as pris les kilos, c'est quoi quand ça n'allait pas, tu bouffais? Non, c'est à cause des médicaments que j'ai pris. Ah, c'est quoi, j'entends bien. À l'hôpital psychiatrique. Ah ouais? Ah ouais, donc les kilos tu les as pris à cause du traitement que t'as eu pour la tête. Pierre, en 2 mois, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une tentative de suicide par médicament et je me suis réveillée à l'hôpital. Putain, c'est chaud ton histoire. Hein. Et. Bah, déjà, la bonne nouvelle, c'est que c'est bien, tu ne fumes plus. Oui. Ouais, déjà, tu t'es arrêté. Oui. Ah bah, c'est la base du truc. Déjà, oui, pour toi, a priori, c'était un souci. Ça ne te réussit pas. Après, si t'es dépressive et que les médecins te donnent des médicaments qui te font prendre 15 kilos, c'est pas vraiment la solution pour reprendre la pêche quand on est une meuf. Ou un mec, d'ailleurs. Hein. Non, mais ils le savaient pas à l'avance, j'imagine. Bah, ils doivent connaître quand même les effets secondaires. Ouais, oui. Non, mais c'est imagine, sûr, Marie, t'es dépressive, tu prends 15 kilos, ça va mieux? Ah non, ça va pas mieux. Non, ça, je le confirme. Ouais, non. J'imagine que ça t'a pas aidé, ça, Clotilde, toi. Bah non. Et puis surtout le problème c'est que j'ai un défilé dans dans 3 semaines. Un défilé, t'es mannequin? Non, je suis créatrice de vêtements. Oui. Enfin, j'ai créé quelques vêtements suite à ma formation en mode. Mais t'en as fait pour homme? Oui, mon copain défilera avec moi. Ah ouais, enfin, parce que dans la robe. Si tu cherches éventuellement un défilé, un défileur, un mannequin, on te prête Cédric. Je voulais dire, Romano, on te prête Cédric. Un défileur. Ah, on te loue même. On te loue. Une beauté pareille. Et là, tu nous fais une deuxième déprime. Et voilà, et la boîte ferme. Enfin, ouais, c'est l'enfer. Non, mais il faut continuer. En tout cas, c'est bien parce que tu continues à penser à la suite de ta vie professionnelle. T'as ton mec qui est toujours là pour t'aider. Et c'est quand même pas mal malgré ce qui s'est passé, cet été. Après, j'imagine que tu refumeras plus un ouinge, toi. J'avoue que je suis encore tentée. Hein. Ah ouais, mais j'imagine aussi. Ouais, mais toi, vaut mieux éviter. Hein. Enfin, t'as vu les. Je crois que c'est mieux pour toi de pas fumer. Ouais, que ça fait. Après, le bédo, c'est peut-être juste un déclencheur d'un truc que t'avais au fond de toi plus avant. Et non, mais je parle. Ah non, mais c'est un truc qui allait pas. C'est le bédo, en fait, c'est comme un interrupteur. Ouais. C'est que ça allume des problèmes qui étaient ancrés en toi. Ah ouais? Ouais. Bravo au mec qui restait avec toi. Pas facile de supporter quelqu'un de dépressif. Je l'ai vu avec mon père et ma belle-mère qui était complètement folle. Genre la mère de la gothique. Ah, tu vois, Romano, tu n'es pas le seul à avoir connu quelqu'un de complètement amoché. Non, mais c'est bien parce que ça devient. Regarde, il y a Mirko dans la dinguerie. C'est Mirko. Une référence. Mirko qui nous a fait un petit signe et qui nous parlait donc de la mère de la gothique comme étant une référence dinguerie. Ah ouais, mais écoute, bon courage, hein. Pour l'avoir c'est subi 3 ans et demi, faut s'accrocher. Alors le traitement pour que tu prends là, c'est peut-être un traitement que prend Benjimon qui nous dit moi j'ai déjà pris des traitements aussi. Ça fait pas grossir, mais c'est que ça ouvre l'appétit. Tu passes ta vie à bouffer et donc c'est comme ça que tu grossis poids, en fait. Et c'est comme ça que tu prends du poids. Bon bah qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, nous, Clotilde? Bah, je voudrais des conseils pour maigrir vite. Ah, alors des conseils pour maigrir vite. Je te conseille. Cédric, un petit conseil. Ah, moi, j'ai un régime nickel. Oui, tu vas regarder le blog de l'émission, le Facebook de l'émission, l'Insta de l'émission, le Snap de l'émission, et tu cherches une photo de Cédric. Et peut-être, que tu vas devenir, toute mince. Mais bah, pourquoi, déjà, le vomi, Romano. Bah, le vomi va jaillir. Mais non, même pas. Le vomi va jaillir. Le vomi. Pourquoi le vomi va jaillir? La crotte va couler. Non, mais. Oh. Mais pourquoi tout ça? Bah, parce que t'es vilain. On est méchant, t'as vu, hein. Donc, mais juste, mais il est bon de rire parfois. Ça nous fait plaisir de t'entendre rigoler en tout cas là, ce soir, Clotilde. Bon, comment perdre des kilos? Comment perdre des kilos? Bouffer des. Moi, je vais te le dire. Comment perdre des kilos? C'est simple. Après, ça dépend si c'est physiologique ou. Moi, j'ai perdu du poids. Moi, perso, je bouffe de la teub. T'as pris du du poids, Cédric. Mais t'as pris 30 kilos en 2 ans et là, t'as perdu 500 grammes et t'as l'impression que t'as pris kilos, du poids. 3 kilos, j'ai perdu. T'as pas perdu toi kilos? T'as combien? Bah, je vais me peser, je vais. Bah, va te peser. Cédric va te peser, ça nous fera des vacances. Comment perdre des kilos? Oui, donc faut bouffer ça, bouffer des légumes. Moi, j'ai des copines et des potes qui ont perdu des kilos, hein. C'est simple, hein. Ils bouffent des légumes. Ouais, mais à la vapeur, quoi, sans matière grasse. Ils boivent de l'eau. Oh, fais pas chier, Marie, déjà, on va manger des légumes après à la vapeur. Ouais, non, mais c'est vrai, ouais, c'est clair que ça te fera. Non, mais mange les crus, même, Marie. Voilà, oui, mange les. Dans une pomme de terre avec la terre. C'est bien, mais. Non, Marie, je te conseille d'aller dans un jardin et de manger directement les légumes sur l'arbre. Ah, mais vas-y, hésite pas. Sur l'arbre, sur la plante. Non mais c'est vrai, faut faire du sport. Tiens, moi j'ai perdu 30 kilos en me coupant le sexe. Ouais, mais ça c'est pour les garçons. Ah, ça. L'autre, non, mais c'est Dave qui devait avoir un sexe énorme. Non mais sinon, ouais, je te disais pour les petits. Enfin, pourquoi tu m'amènes des carottes? Toi, il est complètement malade, ce garçon. Ah ouais. Mais pourquoi t'as des carottes déjà? C'est Romain des réseaux sociaux. Il m'amène des carottes. Mais t'en fais quoi? Je touche pas. Moi, t'en fais quoi avec des carottes? Elles sont marrons. Il les a peut-être mises dans son. Non mais je les mange. Je les mange après les avoir mis dans ton cul. C'est normal qu'ils soient marrons. Ah bah oui, faut les laver. Bah ouais, faut enlever la peau. Il y a du caca. C'est du régime? Non, je fais pas du régime, mais je mange ça. Gras un peu ce temps-ci, je trouve. Mais non. Mais si, l'impression qu'il est musclé, en fait, il est grassouillé. C'est comme Samy, un peu, c'est la même chose. Allez. Mais je crois qu'ils font du sport ensemble, les deux. Ouais. Ah ah. Donc, ce que tu peux faire, ouais, Clotilde, pour résumer un peu, parce que moi, je connais un peu ça avec des potes, je te disais. Donc, faut manger des légumes, faut boire de l'eau. Faut manger équilibré. Faut faire du sport. C'est ce que je fais. Si tu veux bouffer de la viande. J'ai perdu 2 kilos, mais c'est pas assez rapide. Bah, c'est un bon début, tu sais, 2 kilos, c'est bien. La viande, c'est plutôt de la volaille. De toute façon, ça sert à rien de perdre trop vite, parce qu'après, tu reprends aussi. Ouais, tu bouffes de la dinde, des trucs comme ça. Ouais, ouais, de la viande blanche. La dinde, du poulet, tu manges. Du poisson, mais encore sans matière grasse. Tiens, il y a Claquette qui dit poisson cru. Ouais, poisson, c'est pas mal. Tu récupères une dorade, tu croques dedans. Faut pas bouffer du saumon, par exemple, parce que le saumon, c'est gras. C'est gras, ouais. Ouais, bah, oui. Alimentation saine, riz, dinde, musculation, fitness, etc., etc. Bon, bah, voilà. Faire de la Zumba. Et après, faire du sport, faire de la Zumba. J'ai vu, il y a des trucs de Zumba. Tu veux faire de la Non, Zumba? Non, mais n'empêche que ça paraît pas, mais c'est physique, hein. C'est quand même ça, la branche pas trop, ta Zumba. Bah, t'as bien tort. Et puis aussi, je sais pas, peut-être regarder les photos de Cédric, ça revient souvent dans les messages que vous nous avez laissés. Ah ouais, hein. Ça peut motiver effectivement. Voilà. Ouais, laisse tomber, on se pesera plus tard. Pourquoi, comment tu fais? Attends, on va peser Cédric. Ouais, allez, c'est parti. On va te donner du courage, Clotilde. On va peser Cédric tout de suite. T'es prête? Allez. T'es prête? Oui. Ouais, ne vomis pas tout de suite. Ouais, elle s'étouffe déjà. Vas-y, prends un saut, ça ira mieux. Non, mais c'est du full, tu m'as refilé ta crème. Ah, c'est vrai? Bon. Ouais. Ouais, c'est ce que tu dis parce que tu es. Parce que tu as eu Cédric, tout ça, c'est gentil. Bon, allez, Cédric, viens, file dans le. Il faisait 93,6 la dernière fois. 93,6 la dernière fois. On va voir ce que ça donne ce soir. Combien que tu fais, Cédric? Ah, mais là, depuis quelques jours, je combien que tu fais? Tu pars en couille, là. Ça fait pas quelques jours que tu pars en couille, ça fait des années que tu pars en couille. Ah, non, ça va. Ah, bah, ça va, bah, évidemment, ça va, t'as repris 300 grammes. Non, je crois que j'avais pris plus. Oui, mais je te rappelle que la semaine dernière, t'as dit que tu finissais cette semaine-là à 90. Ouais, donc en fait, c'est mort. Tu devais finir à 93 la fin de semaine dernière et être à 90 cette semaine. Et bien, une fois de plus, c'est un échec. C'est loupé. Tu vois, Clotilde, ah bah avec tes 2 kilos, tu peux être fier d'avoir perdu 2 kilos. C'est bien, c'est bien. Putain. Ouais, je pourrais dire un truc à Cédric. Bah, vas-y, vas-y. Ouh, la belle bête. Ah, la beau bête, même. Oh, qu'il est bête. Oh, ça. Bon. Tu l'es bête, ça va aller, ouais. Bah, je suis ce que dit Clotilde. Je contrarie pas Clotilde parce qu'elle reprend la pêche. Clotilde. Mais t'as l'air d'aller mieux, en tout cas. T'as l'air d'aller mieux que t'as été. T'as l'air d'en trouver le sourire. T'as souri plusieurs fois depuis le début de. Ouais, bah, heureusement que ça va mieux, ouais. Ça. Parce que bon. Un peu tristouille, ouais. Ton truc. Bah oui, c'est vrai que c'est pas. C'est pas très rigolo, oui. Non. Mais en tout cas, pour le régime. Attends, bravo, Difool, tu es nutritionniste, me dit JT, là, sur SMS. Waouh. Ouais, c'est ça, on va dire. Le mec, c'est tout. Tu fais toujours de bons conseils. Je suis nutritionniste. En plus, il y a plein de messages aussi de gars, enfin, plein de messages de gars, j'en ai vu 3-4 là, qui défilaient, qui nous disent qu'ils aiment bien les rondes, hein. Tu devrais garder ton petit poids superflu. Il y en a plein qui kiffent bien. On en parlait d'ailleurs avec un pote l'autre jour, Karim, te rappelle, avec ton cousin, là. Excuse-moi, je t'ai pas entendu, il y a Samy qui me parlait en même temps. Voilà, c'est bien. Donc, on parlait du standard. Qu'est-ce qu'il a, le standard? Ben, en fait, j'étais avec Xavier et Clara et ça fait que couper comme ils sont en Espagne. Donc, je disais à Karim, s'il te rappelle, tu les as. Eh, c'est Rival. On nous écoute en Espagne. À Barcelone. Oui, je disais ton, comment il s'appelle? Hicham. Il aime bien les filles un peu fat. Ah, mon cousin? Ouais, il aime bien ça, ouais. Donc, faut pas, Il est bien fat, ouais. Si vous êtes bien, je sais pas, les gars, dites-nous d'ailleurs quel genre de filles vous aimez bien. Moi, j'aime bien les filles fines. Désolé, hein, Clotilde, mais bon, ça reviendra, hein. Ouais, non, mais moi, le problème, c'est que j'ai tout pris dans le ventre, en fait. On dirait que je suis enceinte. Bah, t'étais enceinte. Ah, ah bah, dis donc, mais tu ne serais pas la sœur de Cédric? Non, mais en tout cas, le cousin de Karim. C'est ce qu'il aime, ouais. Il adore les filles qui ont un peu de bide. Il y a plein de mecs qui aiment ça. Qui ont un peu de bourrelet, tout ça, ça le fait kiffer. Ah, il bande sur ça, gros. Mais c'est, bah après, faut se sentir bien dans son corps, parce que bon, c'est pas, tu maigris pas pour un mec. Hein. C'est pas faux. Ça peut aider, Marie, parce que ça peut te donner une raison de plus. Tu veux dire, raison de plus pour maigrir. Ouais, une motivation. Jojo Ben nous dit, elle donne une belle leçon, l'auditrice. Elle a une belle voix. On nous dit également, moi j'aime les rondes et j'aime les formes. Tu vois, regarde. En avant, Clotilde, bon courage. Moi, j'ai déjà perdu 5 kilos pour en prendre 3 après. Mais bon, quand tu fais le bilan, ça fait 3. Ça fait 2 de moins. Ça fait 2 de moins, oui. Ouais. T'en as repris 3, t'en as perdu 5. Hein, Marie, ça fait donc 2 kilos en moins. Exactement, le compte est bon. Elle faisait le calcul là, Marie. Non. Marie était en train de calculer pour. Mais non, je calculais pas. Non, je calcule, je note sur ma feuille. Tiens, le truc planche à pain, ça revient souvent. C'est mieux que d'être une planche à pain quand t'es grosse. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est Cédric qui dit n'importe quoi, il est content de sa vanne. Très bien. Voilà. C'est bien le seul. Marianne, ouais. Parce qu'on l'a pas entendu bien. Oui, parce que Cédric, c'est quand même le plus drôle, il fait des blagues hors antenne. C'est quand oui, puis il est content. Il est à l'antenne. Mais t'es con, c'est à l'antenne. Bah oui, c'est à l'antenne. Il a entendu, Romano, il a entendu. Bah si, il a dit que je notais sur ma feuille. Ah, si, elle avait noté sur sa feuille quand tu parlais des kilos. C'était très drôle, non? C'est vrai qu'elle est. C'était même excellent. En fait, je me suis dit, tu m'écoutais pas. En fait, on avait entendu, mais c'est vrai que ce n'était pas drôle. Excellentissime. Bon, reste avec nous, Clotilde, on a des conseils pour toi, on te les file. Et puis, si vous avez des conseils pour Clotilde, on vous attend. 41759, skyrock.fm. Mystique, j'adore les femmes rondes. Au moins, il y a de la matière à l'attrapage en faisant l'amour. Tu vois, c'est magnifique. Moi, avant, j'étais ronde. Maintenant, j'ai trop maigri. On me reproche d'avoir trop maigri. Tu vois, Océane qui a fait le même chemin que toi, mais qui elle a trop maigri. Tu vois, les autres, tu dis qu'elle a trop maigri. Après, l'important, c'est que vous soyez bien dans votre corps. Ouais, toi, tu te trouvais mieux avant, quoi. Oui, et puis surtout, je rentre plus dans ma robe de défilé, quoi. Oui. Ah bah, il faut l'agrandir. Oui, bah, t'en prendras une autre, ça la rend. Faut mettre une gaine. Mais c'est vrai que si tu te sensais mieux avant, la c'est quand même gaine, mieux comme les vieilles. Mieux de perdre des kilos, là. Bah, il y a plein de jeunes qui mettent des gaines, je te signale. Bah, attends, ça, c'est la classe. Moi, j'en connais. Un truc de meuf, tu la fous à poil, l'autre. Excuse-moi, mon chéri, j'enlève ma gaine. Ouais. Ok, mamie. Salut la vieille. Bon, merci. Et ma ceinture de chasteté. Plus de rembourrage pour le bourrage avec les filles un peu rondes. C'est Youkou Loulou qui nous laisse les messages. Oh, quelle jolie phrase. J'étais mec, je me suis mis au sport, j'ai pris 15 kilos. Ah, mais si c'est comme moi, c'est du muscle. Hein. C'est Urija, c'est un gars là qui nous laisse les messages. Elle a Instagram, Clotilde. Ouais, mais t'es prise, Clotilde. Il y a plein de gars qui essaient de te draguer. Tu vois, le fait de dire que t'as des kilos en trop, eh ben, ça a pas dégoûté les mecs, au contraire. Ah, hein. Non. Ah, vous aimez bien. Moi, j'aimais les meufs genre Nicki Minaj ou Kim Kardashian. Ah ouais, des gros boules. Moi, Kim Kardashian, je la trouve monstrueuse. Je trouve qu'elle a un cul qui part du milieu du dos et qui se termine au milieu des cuisses. Elle est difforme, on dirait. Ah ouais, elle est mal foutue. Bah ouais. Après, j'ai des potes qui kiffent grave Kim Kardashian. Hein. Non, mais bon, en même temps, elles sont cul, elles sont les faire ajouter des bouts. Alors. Ah non, mais ouais, est-ce que t'as vu le cul de Kim Kardashian, Clotilde? Le truc, il démarre au milieu du dos et il se termine. Allez, je vais être gentil en bas des cuisses, quoi. Normal. Ah ouais. Bah, c'est vrai qu'elle a un. Ouais. C'est un cul sur pattes. Ah bah, son cul, tu peux poser des trucs dessus. Hein. Truc de ouf, hein. Ah bah, tu vois, j'adore Kim Kardashian. Elle me fait trop kiffer, je me branle sur elle. Tu vois. Tu vois, il y en a qui kiffent, là. C'est l'inconnu qui nous envoie le message. C'est pas le cas de tout le monde. Comme je le disais, tous les goûts sont naturels. C'est super, ça. Bon, si on a des réactions pour Clotilde, on les prend en direct, on vous attend en direct pour tout le reste aussi. On ira faire un petit tour à Barcelone, donc d'ici quelques instants. Ils s'apprêtent à aller faire une teuf. C'est Xavier et Clara qu'on va retrouver. J'espère qu'on va les retrouver. Sacré teuf, en fait. Qu'on va pas les perdre. Vous êtes là pour la teuf, Xavier et Clara? Ouais, c'est, on est là. Voilà, que dalle. Muy bien. Alors, Clara, 19 ans, et Xavier en direct de Barcelone. Vous êtes en vacances ou vous habitez là-bas, vous? Ah, bon, on les a perdus. Ils sont en vacances. Et voilà. Ah, ils sont en vacances. Je réponds pour eux parce qu'ils me l'ont dit. Bon, bah, on va les retrouver. Ah, t'es là encore, Xavier. Ouais, en vacances. Allez, on revient tout de suite. En vacances. Il y en a qui sont en vacances alors que c'est la rentrée. C'est ouf, ça. Alors, en fait, c'est les saisonniers. Ils ont taffé tout l'été. Là, ils prennent leurs vacances maintenant. Ah, ça ils va, ont raison. La vie est belle. Ouais, c'est clair. Eh ben, profitez bien. On vous retrouve dans un instant. Xavier, Clara, vous tous en direct et vous entendez Ken Jones derrière moi. Bah, c'est normal. C'est lui qu'on va écouter pour démarrer la soirée. Ken Jones et Don't Mind sur Sky. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 20 000 euros en cash. Il faut me dire quelle est ta radio préférée. Bah, Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, c'est gagné. C'est pas vrai. Une vingtaine d'iPhone. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Des familles. C'est encore une arnaque ça. Hein. Des campings. Une semaine de vacances gratuite, ok madame? Gratuite, bien sûr, tout à fait. Et ce n'est que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Ghetto Phénomène. Découvrez leur tube Maria Maria avec Jules. Maria Maria, le single de Ghetto Phénomène, déjà disponible. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de Difool. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec une nana. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Concert. Comme toi. Nekfeu a lui aussi choisi Skyrock. C'est Nekfeu sur Skyrock. Le phénomène Nekfeu. Le 1er décembre à l'Accor Hotel Arena de Paris avec Skyrock. Viens retrouver Nekfeu à Paris avec Skyrock. Plus d'infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. En ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre une carte de lavage Total Wash de 40 euros. Profitez-en, c'est jusqu'au 24 septembre. Et c'est valable dans toutes les stations de lavage Total Wash. Ça en fait des lavages. Hein. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable dans la limite des stocks disponibles dans les 880 stations acceptant la carte Total Wash. Conditions sur carglass.fr. Et sur Skyrock, toujours 0-0 entre la France et la Biélorussie. Et on marque pas, dites donc. Il y a 38 minutes de jeu, pour l'instant, pas de but. Hein. J'ai pas assez encouragé. Vas-y. Allez, ça va être ça. Vas-y, continue. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Allez, Biélorussie-France à suivre. Et la radio libre avec Ken Jones tout de suite et Don't Mind. What the

Qu'est-ce que j'ai jeté, je sais pas quoi dedans, mais Le cul de si. Alors ça, j'ai bien aimé le message de la table de mixage de Skyrock qui a 17 ans et qui nous dit le cul de Kim Kardashian, on dira à Dodan. Moi, je me tape des queues sur Kim Kardashian. Et voilà. Guillaume sur SMS. Salut à toi, Guillaume. Kim Kardashian. Blurk. Ça, c'est le message de Arnold Adriano qui nous dit rien de mieux qu'un mannequin bien mince. Vous avez vu, c'est partagé. Hein. Moi, j'aime bien quand il y a de la matière. Encore un autre message. C'est le message de B-Boy. Voilà, moi, il y a de la matière fécale. Oui, ah bah tiens, Cédric, au niveau de la matière. Ah, c'est autre chose, ça. Ah ouais, j'ai de la matière fécale dans mon caleçon. Moi, c'est pas mon style, elle, tu vois. De qui, Kim Kardashian? Ouais, j'aime pas. Mais je te rassure. Non plus. Je te rassure, toi non plus. Tu n'es pas ton style, non plus. Son style non plus, à elle. Bon, bah écoute, en tout cas, ça c'était pour les réactions pour Clotilde qui veut perdre des kilos. On a donné quelques conseils pour perdre des kilos. Elle veut perdre des kilos vite. C'est des conseils. Hein. Raled nous disait, les kilos, il faut les perdre petit à petit. Sinon, tu les reprends derrière. Non, mais c'est vrai, ça. C'est arrivé à ma sœur, qui est tombée en dépression, elle aussi. Mais ce qui est vrai. Ne déprimez pas pour des kilos en trop, les filles. Il y a plein de gars qui kiffent. Plein. Quentin, ouais, mais elle est dégueulasse, Kim Kardashian. Je vous dis, il y a un vrai débat sur Kim Kardashian. Hein. Non, mais elle, c'est que la meuf, elle est difforme, en fait. Maman nous dit, ouais, Kim est horrible. C'est-à-dire qu'elle est même pas forte, elle est même pas fine. C'est que la meuf, elle est difforme. Bah, elle est fine dans certains endroits, elle est forte. C'est la meuf, je te dis, elle est complètement difforme. Elle est en somme du cul, c'est ça. Son cul, c'est une colline, lol, nous dit l'inconnu sur SMS. C'est plus une colline, là, c'est une montagne. Son cul, c'est les Alpes. Ah non, mais il est vivant, son cul. C'est le Mont Blanc. Et Skyrock, c'est premier sur le foot, bien sûr. Fin de la première mi-temps du match. Les réactions sur le 41. Elle est inhumaine, vous nous dites. Soyez gentil avec Kim. Le cul de Kim Kardashian est plus gros que le Luxembourg. Merci, Dave. Bon, le match de foot 0-0 entre la France et la Biélorussie. À vous de mettre les notes au bleu. Si vous avez maté le match, c'est plus facile. Sinon, vous avez le droit de mettre une note aussi. Hein. 40... On s'est fait chier, on nous dit, pour le match de foot. Il y en a qui ont maté le match en même temps qu'ils, en même temps qu'ils écoutaient Sky. Ils regardaient le foot. Et donc, ils se sont fait chier. Ben non, c'est pas fait chier, ça va là pour l'instant. Donc 01 53 40 30 20, vous nous appelez pour vous donner votre avis ou pour passer à l'antenne. Et sinon, pour les notes, vous les laissez sur le 41 759 avec le téléphone ou alors avec l'appli Skyrock. Ça marche aussi et c'est gratuit. Oui. Appli Skyrock, vous la téléchargez, vous envoyez un message et vous nous dites quelle note vous mettez au bleu. Bah écoutez, moi il y a 0-0 contre la Biélorussie, je vais pas mettre plus de 10, même si j'ai pas trop maté le match depuis. En fait, le match est pourri, on nous dit encore. Baby qui dit le match est pourri. Ouais, il y a eu 2-3 petits enchaînements, moi je trouve quand même. Ouais, des enchaînements, mais pas d'autres. Il y a pas du vrai au casse de ouf, mais ça va, ça enchaîne. On se fait chier et Giroud est mauvais, nous dit la chatte de Pamela. Il y a pas de ballon, c'est vrai que. Bon, moi je mets 10, comme ça je. Voilà. Moi je mets 9, moi. Et t'as même rien regardé du tout, Cédric. Bah, mais à 0-0, je savais pas qu'il y avait un match. Moi j'ai jeté 2-3 yeux sur la télé, comme ça. Vous achetez où, je trouve ? Moi, si j'ai un œil, vous la voyez plus, la télé. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, 9, c'est bien, tu vois, parce que les mecs, ils ont pas marqué de but. C'est pas. Ah, moi je mets 10, ça vaut pas plus. Vos notes 10 pour Romano aussi. Tu mets combien, Samy ? Ouais, je vous suis sur le 10, ouais. Ouais, pareil. Moi je mets 8, moi. J'ai rien vu. 8 pour. Et Marie, t'as rien vu ? Tu mets 10 aussi, ouais, comme ça. J'ai juste levé l'œil une fois. Tu restes neutre. Oui, voilà, exactement. Voilà, ma télé est éteinte, mais je mets 10 également pour Jack 42. Salut à toi, Jack 42. Drac met 7,5 sur 20. Valta met 14 sur 20. Ah, t'es gentil, Valta. T'aimes bien les bleus, c'est bien. Enfin, moi, je les aime bien aussi, ça m'empêche pas de mettre 10. Hein. La note du match pour l'instant, les deux 11 pour moi. C'est Bibi Koum, 17 ans. Bonjour à toi, Bibi Koum. 0 pour les bleus, pour Momo. Lui, il se fait pas chier. Momo, 0. Je mets 9, ils ont rien montré. Que Giroud aille se faire enculer. Qu'est-ce que vous avez contre Giroud ? Je sais qu'il y en a certains qui ont des trucs contre Giroud, c'est fou ça. Bon, il se court, c'est pour contre l'équipe entière. 6 sur 20, match de merde. 6 sur 20, match de merde. Ok, 10, tu es large, dit Foul. 1, car ils sont présents sur le terrain, mais pas plus pour Zarzad de Cherbourg. Raph du 71, je me suis limite endormi, Raph, il nous dit. Il n'y a pas Puch, il met 7. Kekeska, il met 11. Ophélie, elle met 10. Laure met. Oh, 12. On monte. Je sais pas quelle va être la moyenne de tout à l'heure. Mais ouais, ça va pas être bien haut. Ça va pas être bien haut cette histoire. Hein. Allez, pour vos notes, Vince, 41, 7, 5, 9. Pour les bleus. Ah ouais, 7, c'est pas bon. Hein. Drake Walsh, message personnel, Giroud, on t'encule. Merci pour notre ami Olivier Giroud. Match nul, 5 sur 10. Gims, 54. 5 sur 20. 5 sur 20 pour, pareil, pour Gims 54. Bon, on vous donne les résultats de vos notes là dans un instant sur Skyrock, histoire de faire la moyenne. On en reparlera avant la deuxième mi-temps qu'on suivra en direct. C'est vrai que pour la première mi-temps, on n'a pas dit grand chose, mais il s'est pas passé grand chose non plus. Hein. On attend le but. Bon, et j'ai des bonnes nouvelles pour Clotilde. Clotilde, on va te mettre en contact avec plein d'auditrices de Skyrock. Il y a Océane de Rennes qui nous a appelé, que Karim a eu au téléphone et qui veut donner des conseils pour maigrir. Conseil efficace pour maigrir de Armizou du 08 des Ardennes. Donc on va te mettre en contact avec eux. Mais un conseil qu'on te donne, bah, continue à t'éclater, continue à vivre, continue à être amoureuse. C'est le meilleur moyen pour oui. retrouver le moral. Ça, on est d'accord. Et puis pour perdre des kilos, évite de les perdre trop vite, parce qu'après tu les reprends trop vite. Non, mais là aussi. C'est déjà bien, t'en as perdu deux, donc c'est ouais. un bon début déjà. Tu vois, petit à petit, c'est ah, bien. Mais c'est comme sûr ça. Qu'en 3 semaines, tu vas jamais perdre tes 15 kilos. Hein, ça, non. faut pas rêver. Non. Voilà, Marie qui vient de casser un peu le moral. Mais non, mais elle le sait. Mais vaut mieux d'ailleurs. Hein. Non, mais elle le sait. Bah oui, tant ouais, mieux, non, sinon ça serait si, quand même tu bizarre. Dis plus, bah oui, c'est mieux comme ça, Clotilde. Et je te dis, on va te mettre en contact avec les auditeurs et les auditrices de Sky, c'est cool. Et les mecs qui te draguent, parce que depuis que t'as dit que t'étais ronde, il y a des mecs qui te draguent. Eh bien, je rappelle que tu es prise, malheureusement, pour eux. Oui. Et heureusement pour toi. Ouais. Bon, bah on te fait une grosse bise, Clotilde. Merci en tout cas du coup de fil. Et on va t'envoyer le t-shirt Skyrock, le t-shirt Skyrock. Non, mais bon. Est-ce que Xavier et Clara sont encore avec nous? Parce que j'ai peur qu'on les perde là depuis tout à l'heure. Ah, Espagne, en si. Espagne. Oui, parce qu'on est en Espagne. Aïe, aïe, aïe. On les a déjà perdu 3 fois là depuis tout à l'heure. Vous êtes là, les Espagnols? Ouais, on est là. Ah, qu'est-ce là? Comment ça? Pour les Está bien, está bien. Très bien. Vous avez vu, j'ai appris à parler espagnol pendant les vacances. Ah ouais. Grave. C'est pas mal. En Italie. C'est logique. Ah ouais. Ouais, c'est ça, c'est très logique. Alors, Xavier et Clara, 19 ans Clara, 24 ans Xavier, en vacances en Barcelone. Vous êtes en vacances pendant combien de temps? 10-15 jours, on sait pas trop encore. D'accord. Vous promenez? C'est bien, tranquille. Ce qu'il faut faire. Voilà. Une petite pensée. Ils meurent la paix, ils font bien ce qu'ils veulent. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est sympa de se promener quand t'es deux comme ouais, ça. Tu vois, tu me fais chier. Se promener. Ah, moi, je me promène pas, moi. Moi, je fais à la plage, moi. Moi, je vais à la plage, je pite des têtes dans la Méditerranée, je m'éclate comme une bête. Ah ouais, je m'en bats les couilles, moi. Ça fait 10 ans que je vais au même endroit, j'ai rien visité. Pas beaucoup à la plage. Bah, t'as bien raison. Bah ouais. Il fait beau encore à Barcelone, là? Ah ouais, carrément. Il y a à peu près 35 degrés là, à peu près là. Ah ouais, il fait hyper chaud. Ah ouais, putain, 35 degrés. 35 degrés, ouais. Bah, Barcelone, vous c'est pas bon là. Sous le caviar. Ouais, c'est ça, on va faire une petite promenade, hein. Mais vous baladez, je vais aller changer de ville, ouais, enfin bouger. Se promener quoi, ah non, bouger bah dans, non, en Espagne. Forcément, Marie. Moi, j'aimerais rien foutre ouais, quand je suis en vacances. Eux, ils ont un camping-car. Ils jusqu'à la France là. Ah bah, oui, bah. Tu vois, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, ils sont bien obligés de rentrer, idiote de Marie, quand tu pars en vacances. Viens, tu vois, évidemment que tu fais du trajet parce que tu reviens chez toi après. Regarde, moi je suis allé en Italie, j'ai quand même fait Romano pareil, il a fait du chemin pour revenir. Moi je suis allé en Espagne, j'ai bougé de ville tout le temps. Bah oui, que j'aime bien. Et c'est normal, regarde. Toi, chacun bien, son truc. Non, mais toi, toutes les heures, elle bouge, Marie. T'aimes bien, il y en a d'autres qui aiment pas. Non, mais au rythme. Bah moi, je suis en Espagne, je restais dans la même ville. Ouais, ouais, moi, ça me casse les couilles tous les jours de prendre la bagnole. Mais pas tous les jours, on le faisait. Si on sentait bien un endroit, on restait, on était gagnés. Marie, elle faisait les musées, elle. Faut pas que vous partiez en vacances ensemble, là, les trois. Non. Non, mais non, mais problème d'organisation. On est en camping-car. Ah bah voilà. Ah bah oui. Un petit camping-car. Prenez Marie avec vous. Ah putain. Tous les 2-3 jours, on bouge, quoi. Bah voilà, ça, non mais ça c'est pas mal ça. Mais ouais, mais on met pas en camping-car. Voilà, c'est ce que fait, je disais. C'est un peu fait le truc fait exprès. C'est vrai que si t'as un camping-car et que tu ne bouges pas du tout, c'est vrai un peu con. Tu restes sur le parking. Tu restes sur le parking de chez toi. Voilà. Dans ce cas-là, autant louer, je ne sais pas moi, une petite maison, un petit appartement. T'emmerdes de moi. Oui, t'emmerdes de moi. Bon, qu'est-ce qui se passe, Xavier et Clara là, en vacances à Barcelone? Tu pourrais peut-être fermer ton micro, Cédric. Là, en fait, du coup, on a garé le camping-car juste à côté d'une boîte échangiste. On s'apprête à y aller. Là, ma copine, elle se prépare. Mmh. Et on n'y a jamais été, donc c'est notre première fois. Ma copine a un peu des a priori et je comprends qu'elle est donnée. C'est normal. Donc elle est en boîte échangiste. Elle a 19 ans en plus, Clara, elle. Ouais, elle a 19 ans. Et toi, t'es déjà allé dans les boîtes échangistes, Xavier? Non, jamais. Ah ouais, donc c'est nouveau pour tous les deux en fait. Ouais, alors moi je la pousse un peu, elle est pas trop. Fais-toi niquer par un autre mec. Alors, pourquoi tu la pousses un peu? Pourquoi t'as envie? Normal. Pourquoi t'as envie qu'elle aille en boîte échangiste, toi? Je sais pas, c'est pour essayer, pour l'expérience. Non, mais toi, t'as imaginé de voir ta meuf dans une boîte en train de se faire sauter par un mec que tu connais pas, tout ça? Non, nous, bah, pour l'instant, en plus, dans le but, on reste entre nous, on voit comment ça se passe, oui. Voilà, quoi. Non, mais tu peux faire des trucs entre vous, et tu peux aussi ne rien faire. Hein. Elle va pas payer sa chatte à un autre mec, quoi. Voilà, non. Ah, attends, parce que la boîte échangiste, c'est quand même. Vu qu'on est en train de boire l'apéro, qu'on est en train de s'enivrer un peu et tout, peut-être que bon, on va lancer l'action. Peut-être que c'est toi qui vas t'entourer avec une bite dans le cul. Parce que dans un club échangiste, si même si tu veux pas, il y a un mec, il a le droit de venir te toucher la chatte, par exemple. Non. T'es pas une bête. Voilà, c'est vachement respectueux. Il y a pas tout le monde à poil. Non, mais il y a un mec qui fait ça, c'est il se fait sortir direct. Parce qu'on veut savoir comment ça se passe. On n'y a jamais été. Donc, imagine par exemple que t'es dans une boîte échangée d'espagnol, t'as un gars qui arrive qui te fait hola, que tal, guapo, et qui te met la main au cul. Xavier, comment tu réagis? Parce que faut penser à tout, attention. On sait pas trop, justement, on va voir comment ça se passe. Ah, donc t'es pas fermé. Toi, t'es plutôt ouvert, plutôt, c'est bien. Ouais, oh, moi, je lui pète sur la main. Bien joué, ah, Cédric. Tu lui détruis la main tombant. La main tombant lambeau après la l'enfer. Elles font comme avec de l'acide. Ah, le mec, dis gentiment qu'il dégage. Oh, vas-y. Tiens, prends ça. Voilà. Tu recommences et je te chie dans la main. et de voir ta copine en train de faire l'amour avec un autre gars, c'est pas un truc qui... Enfin, c'est pas un truc qui t'excite comme ça au départ, mais c'est pas un truc qui te dégoûte non plus. Ça m'excite pas du tout, hein. Mais bon, après, je sais pas. Bah, après, c'est bizarre d'aller dans une boîte échangiste si t'as pas envie d'échanger. Ouais, pas dans la soirée. Non, mais vous allez voir. De toute façon, t'es pas obligé de faire du sexe, hein, si t'y vas. Bah non, parce qu'apparemment, en plus, dans la boîte, il y a 4 niveaux, il y a une piscine à vagues, un sauna. Ça doit être propre là-dedans. Dans la piscine, il y a des filets de sperme qui sur les flots. De sperme et de mouillure. Ah putain! C'est ça qui est bon. Attends, qu'est-ce que vous vous dites entre vous là? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta copine derrière, Xavier? Parce qu'on n'a pas entendu Clara. Non. Que c'était pas propre. Non, elle dit que c'était pas très propre, en effet. Mais ça, on est d'accord. Et toi, t'as dit, c'est ça qui est bon. Voilà, mais si la vague, j'y mettrai pas les pieds. Quoi. Ah, t'as dit, c'est ça qui est bon. Ah, bah, on va faire de la vague, nous. Ah, ouais, bah, t'inquiète, je pense qu'il y en a déjà de la bonne vague. Donc, allez en boîte échangiste. Je sais pas, ça dépend des clubs échangistes, nous dit Sopra, là, sur SMS. Non, mais en général, à chaque fois qu'on nous en a parlé, on nous a dit que c'était vachement respectueux. C'est-à-dire que même un mec qui vient de coller une main au cul, c'est pas autorisé. Je me rappelle quand même d'un truc, Romano, une espèce de boui-boui dont on nous a parlé où c'était dégueulasse, où il y avait des capotes qui traînaient partout, des trucs. Ouais, après, bon, il y a des gourbis. Hein. Ah, tu vois. Mais, Déjà, apparemment, sur le site, ils disent que c'est un des plus grands clubs d'Europe. Bah, c'est à les piscines, ouais. Bah oui, s'il a a priori 4 étages, 4 niveaux, t'as dit, 4 niveaux, des piscines, tout ça. Non, mais bon, ça n'empêche pas que ça peut être grand, mais dégueulasse, hein. Ouais. Ah, ça n'empêche pas. Quand je serai adulte, j'irai dans un club échangiste. Ça a toujours été mon fantasme. C'est Lucas qui nous envoie un message. Il a 16 ans, Lucas. Lucas qui fantasme déjà à donf sur les clubs échangistes. Dès qu'il est adulte, il va aller faire un tour. Bah écoute, après tout, pourquoi pas. Romano, toi t'aimerais pas aller faire un petit tour dans un club échangiste avec Cariole pour t'échanger un peu? Ah non, moi c'est pas mon délire de l'avoir se faire niquer par un autre mec devant moi. Là, tu vois le un mec, gars qui arrive, je sais pas, beau gosse en train de danser sur la piste. Et genre il a un poil. Ouais, il arrive. Salut les filles. Et là, il a envie de niquer Cariole. Et... Ah putain, moi, non mais je pars de la boîte, je me dis si ça craint, t'as vu la craie. Ça craint un max. Tiens, on va vous demander, donc vous voulez savoir quoi en gros? Si c'est, ouais, mais après ça dépend des clubs. Si c'est respectueux, comment ça se passe, tout ça. Bah ouais, un peu comment ça se passe, les gens qui sont allés là-bas pour la première fois, comment ça s'est passé, tout ça quoi. Ok, et puis dites-nous si vous êtes avec une meuf les gars, ou les filles d'ailleurs, si vous êtes avec un gars, et est-ce que ça vous dirait d'aller dans un club échangiste, vous échanger? Ou alors pour vous c'est clairement un truc complètement impossible, on lance un sondage express. Sondage express. Sondage express au 41759 sur l'appli Skyrock aussi, vous nous dites. Donc c'est le genre de truc, sur tous les réseaux, mais enfin bon, plutôt sur l'appli Skyrock et le 41759, comme ça on calcule vite. Donc vous nous dites si ça vous excite, ça vous dégoûte, ou si vous aviez l'occasion un jour d'y aller, est-ce que vous aimeriez ou pas. Tiens, moi je vote, moi non, moi c'est le genre de truc, j'irais pas. Ah bah pareil, non. Bah moi j'irais bien avec des mecs, non mais voilà. Bah pas, non mais la question c'est avec une meuf. Avec une meuf. Ta meuf, t'es posé, voilà. Ah non, ta meuf, ouais, non. Ah non, j'irai pas avec moi. Jamais. Une meuf, ouais, pourquoi pas. Bon. Romano, non. Non, non, non. Ah non, sûr, même avec la gothique. Non, mais c'est pas ma meuf, hein. C'est plus ma meuf. T'es plus avec la gothique. Non, non, bah, je suis plus avec la gothique. Mais depuis quand t'es plus avec la gothique? Ça fait belle lurette. Ah ouais? Ah bah dis donc, c'est pas elle qui le matin sur Skyrock Non, c'est Cariole, mais rien à voir, elle balance pas des rumeurs de merde. T'es sûr que c'est pas la gothique qui est avec nous dans le morning? Non mais tu sais, dans le New Morning. Elles ont pas tout à fait la même gueule. Non, c'est vrai. Clara est excitée ou pas, Xavier, par cette histoire? Bah, c'est toi surtout qui la... C'est toi qui la pousse surtout, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, la piscine avec pleine de sperme, ça l'a un peu refroidi, la Clara. Ouais, je crois. Non, mais après, vous pouvez y aller comme on va dans un bar ou dans une boîte. Non, mais vous pouvez prendre un verre et puis vous verrez sur le moment, hein. Ouais. De toute façon, je pense que. On a deux consos, machin et tout, on y va plus pour voir comment ça se passe. Les consos pas chers. Non, mais je pense que, tu sais, ce qui va se passer, c'est que, genre, vous allez prendre un verre et puis il y a un mec qui va venir te voir, il va te dire, je peux niquer ta femme. Et voilà. Et toi, tu finis ton verre et pendant ce temps, Clara, tu finis. Bonne soirée. Bah écoute, pour l'instant, on peut peut-être vous rappeler demain pour vous dire comment ça s'est passé. Ah non, mais si vous y allez vraiment, faut nous rappeler demain et nous faire le petit compte rendu. Ouais, on y va. En fait, tu veux le camping-car, il est garé à 100 mètres de la boîte. Allez-y maintenant. Après, on y va. Mais c'est ouvert là. Et si vous voulez, c'est ouvert. C'était ouvert de 16h jusqu'à 3h du matin. Ah bah, faut y aller en direct. Si le téléphone il passe, c'est parfait. Ouais, là on va pas trop tarder à y aller. Ma copine elle se prépare là et après on y va. Et bon, qu'elle s'habille pas trop, elle va pas rester longtemps. Bon, ben ce qu'on fait alors, vous y allez maintenant et puis on vous retrouve dans la soirée. Vous nous expliquez un petit peu comment ça se passe. Vous restez joignables, Xavier et Clara, d'accord? Bah après, si on est dans la boîte, je sais pas trop si on pourrait être joignable. Bon, et il faut nous faire un petit truc quand même. À un moment, vous sortez de la boîte, sauf si vous êtes pris dans le dans l'ambiance, dans le délire, dans le del, dans le trip, voilà, ou si vous êtes pris tout court, surtout pour Clara d'ailleurs. Mais fais quand même. Fais quand même attention à ton cul, Xavier. On sait jamais. Hein. Ouais, ouais, ouais. On je sait pas. Hein. Ouais. Bon, on sait jamais. Oui. Allez, y faire un tour. On vous reprend tout de suite et on prend rendez-vous pour ce soir. Ce soir serait bien. Ou alors pour demain, vous nous ferez un petit résumé. Mais on essaie de vous avoir ce soir, Xavier et Clara. Et allez, oui, allez y faire un tour juste pour voir. Vous êtes pas obligé de baiser. Bois pas trop avant, Xavier, parce que j'ai remarqué que quoi, quand tu bois, ça a l'air d'un peu. Ouais, tu bouillantes. Ça te réchauffe un petit peu. Ça t'excite, quoi. Un peu, ouais, ouais. Bon. Ouais, ouais. Bah merci Xavier en fait. Et on vous rappelle demain comment on fait. Non mais on t'appelle tout à l'heure. Je vais te reprendre. Bah, on te reprend tout de suite. Raccroche pas, on te reprend tout de suite. T'organises ça, ouais, Samy. On va gérer ça. Allez, on organise donc la boîte échangiste de Xavier et Clara. Et il y en a plein qui iraient pas s'ils étaient en couple. Hein. Lisou du 59 nous dit impossible Berk d'aller en boîte échangiste. Bah, c'est quand même spécial hein, de voir son partenaire ou sa partenaire se faire niquer par un autre. Bon. Avec sa meuf. Jamais de la vie pour Arme. Il y a Doudou qui nous dit non, aimerait tôt y aller avec mon homme. Elle a 18 ans Doudou, Astrobal, jamais de la vie. Le partage est une preuve d'amour pour Soso DZ. Ah, évidemment. Soso, il est chaud, lui. Soso DZ, 17 ans. Donc lui, ça serait plutôt oui. Jamais de la vie, je pourrais pas voir ma meuf se faire toucher par une autre personne. De noter. Tiens, il y a 21. Alors lui, c'est tout le contraire. Moi, j'y vais régulièrement sur Marseille au Cap d'Agde. Ah, c'est très respectueux. Très bien. Surtout quand ils sont dans le cul de ta meuf. Ouais. Momo Sakomano qui nous dit moi, ça me dégoûte. Merci à toi, Momo, pour le message. Je vois ce club est très rigoureux, respect, hygiène, protection obligatoire et rapport interdit à la piscine. C'est comme ça que ça marche. Lusty, qui a 22 ans, et c'est reparti pour le match de foot. C'est reparti, attention, et allez les bleus! Et allez les bleus! Tu as déjà fait ça avec trois potes, c'était terrible. Je l'ai refait quatre fois, c'est génial pour l'Arménien du 38 qui kiffe les clubs échangistes. Tiens, je vous donne la note du match. Vas-y, envoie. Avant de vous donner les résultats du sondage express sur les clubs échangistes, la note du match de foot de ce soir. La première mi-temps. Les bleus! Allez les bleus. Merci à tous nos supporters. Et attention, la note elle est dure. 9 sur 20. Ah, c'est celle que j'ai donnée. 9 sur 20 voilà. Pour les bleus ce soir. Pour la première mi-temps des bleus. Et attention, match important. C'est un match de qualification pour le mondial. Et pour l'instant il y a 0-0 contre la Biélorussie. C'est pas quand même la folie totale. Non, c'est vrai. Hein. Bah, allez les bleus. Tiens, il y a Anto. De merde. Oh. Anto de Nantes là qui voulait réagir pour le match de foot. Salut Anto. Salut Anto. Salut. Comment ça va Anto? Salut mec. Bah, ça va. T'es à Nantes, t'as quel âge toi Anto? J'ai 13 ans. Alors combien tu mets au bleu toi Anto? Je sais pas, je leur mets un petit 12. Ah quand même 12, toi t'es plus généreux toi, que toi. Toi t'es gentil, ouais. Ouais, bah genre je suis gentil parce que genre on n'a pas subi tout ça, donc même si on n'a rien foutu, on n'a pas subi, donc voilà. Tu veux dire qu'on n'a pas marqué, mais qu'on a quand même dominé le match. Ça passe, ça passe tranquille, quoi. C'est qui le joueur qui a été le meilleur pour toi, là? Pogba, il a fait un gros match, je trouve. Ah, et Polo. Martial, il a été pas mal aussi. D'accord, bah pour l'instant, bon, ça n'a pas marqué, mais tu penses que ça va rentrer, toi, au bout d'un moment? Ouais, bah je pense que ça va rentrer, bah c'est sûr, si on rentre pas, c'est y a un problème. Hein. Ah bah si on perd contre la Biélorussie, ou si on marque pas de but contre la Biélorussie. Et ça va pas simplifier les choses pour la qualification pour le mondial, même s'il y a un paquet de matchs quand même. Ouais, grave. Les mecs, on les connaît pas, on sait pas d'où ils viennent et tout. Ils sont là. Ce serait pas normal. Et ils tiennent le choc. Ils tiennent la route. Et bien, on suit la deuxième mi-temps. On trouvera peut-être à la fin de la deuxième mi-temps pour une deuxième note, Anto. Cool. Ouais. Je peux faire une dédicace. Ah, vas-y, profite, Anto. Ok, donc je fais une dédicace à tout le collège Sainte-Anne à Carquefou. C'est le Carquefou. Carquefou. Et ben salut la 3ème A de Carquefou. Ouh, et tous mes gars de qui sont en 4ème, 3ème, voilà, que tous mes potes. Eh ben, on te remercie, Anto. Tiens, okay. Juste une petite question comme ça, tu préfères les filles rondes ou les filles fines, toi, Anto? Bah, quand même plutôt fines, mais pas la peau sur les os non plus, quoi. D'accord, et t'aimes entre les deux, toi? Ouais, voilà, parce qu'après, quand c'est trop fin, c'est moche, quoi. D'accord, ça dépend. Bah, comme je disais tout à l'heure, tous les goûts sur la nature, j'ai eu plein de messages pour les mecs qui kiffaient les filles un peu fat, tu vois. Bah, les meufs avec les abdos, c'est. Bah. Ah, t'aimes pas? Non, t'aimes pas. Ah, tu veux dire les meufs qui font de la muscu, ouais, Ah ouais, non mais ça oui. Ah bah je suis pas fan. Dégueulasse. Ouais, salut, je m'appelle Josiane, je soulève un peu de fonte. Oui, OK Josiane. Bah, écoute, moi je vais y aller alors. Ah, t'as vu mes bébés. Viens là, je te soulève. Ouais, elles ont plus de seins. Ouais, non, on a plus de seins, on a pas la même voix d'ailleurs. Non, je te parle de ça Anto parce qu'on a Elias au téléphone et qui voulait témoigner pour Clotilde qu'on a eu en début d'émission qui a pris plein de kilos parce qu'elle a fait une petite déprime et donc je lui disais pour lui remonter le moral et c'est vrai en plus. Non mais c'est vrai, il y a eu plein de messages. J'ai vu les messages. qu'il y a plein de mecs qui fait les filles un peu fat. En plus, moi, j'en parlais ce week-end avec le cousin de Rimka, là. Ouais. Et toi aussi, t'aimes bien les gros culs, toi. Moi, j'aime bien, ouais, pas les meufs gros, j'aime bien les gros culs, moi. Il aime bien les gros culs et les cuisses collées. Ah, bah voilà. Non, j'aime pas les cuisses collées, j'aime bien les gros culs. Cuisses collées. Les cuisses collées, c'est les cuisses, tu marches et elles restent collées. Ça, c'est notre spécialité au collège. T'aimes bien les cuisses collées? Non, les. Ah, t'en as plein? Une spécialité au collège. Ah, t'as plein de cuisses collées. Sympa. Ouais. Dédicace à tes copines du collège. Bah oui, je fais une dédicace aux cuisses collées du collège. C'est bien agréable. Romano, quand t'es sorti avec Mamouta, tu étais excité par ses cuisses collées? Non, mais. Elle n'avait qu'une cuisse. Ah ouais, en tout cas. Un bloc, la meuf. Mais t'es chié. Et là, Ilyes, il est au téléphone avec nous. Sacrée cuisse, quoi. Monojambe. Anto, on te retrouve tout à l'heure pour le match, hein, tout à l'heure. Ok. Et Ilyes, qu'est-ce que tu dis, Anto? Ou pas il peut ouais, raccrocher. Si tu veux, on te rappelle après. Ouais. Ouais, on te rappelle à la fin du match. Ouais. Attrape-le tout à l'heure. Okay. À tout à l'heure, Anto. Et on prendra tes coordonnées tout à l'heure aussi. Ilyes, t'es là, Ilyes? Ouais, salut l'équipe. Salut Ilyes, comment vas-tu? Ouais, Ilyes. Coucou. Comment vous? Ça va ou quoi? Je vais bien vous entendre. Hein. Bah, écoute, c'est gentil. Bah, nous aussi, on t'entend, Ilyes. Ouais. Ça fait plaisir aussi, ouais. Ça fait plaisir que vous nous appeliez comme ça. Ça fait longtemps. Ilyes? Ouais, franchement, ouais. Ouais, ça fait longtemps. J'ai essayé de vous appeler, mais j'ai pas réussi. Ah, oui, c'est la première. Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois pour Elias. C'est un dépucelage skyrockien ce soir. Super. Eh ouais. Eh, bienvenue sur Sky. T'as 28 ans et ouais, t'es dans le 78 et t'appelais pour ton type de fille, toi, Elias. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Alors, ton type de fille. Moi, j'aime bien un peu les filles rondes et tout, pas trop entre les deux, quoi. Donne des exemples, par exemple. Ouais, genre de star. Filles rondes, comment? Un peu ronde, pas trop fine et pas trop grosse, tu vois. Ouais, mais par exemple, une star pour nous. Nicki Minaj. Ça, c'est une idée. Trop, ah, pas assez. Trop frère. Genre comme Mila. Comment? Mila. Celle des anges, c'est là. C'est qui, ça? Ouah, wow, elle est bonne, t'as, elle est celle des anges. C'est la brune, voilà, des anges. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne. Celle qui a des grosses fesses aussi. Ouais, c'est elle. Elle a un pet de fessier. Oh là là là là. Oh. Moi, ça va. Un peu trop. Ouais, mais c'est normal, t'as un corps de CM2 de D-Fool. Non, mais elle est un peu. Pour moi, elle est un peu fat. Mais bon, je comprends à peu près le type de meuf que t'aimes bien, toi. Ça va pas jusqu'à Nicki Minaj ou Kim Kardashian. T'as quelqu'un de connu, mais un peu quand même. Excuse-moi, mais. T'as pas une star connue? Hein? T'as pas une star connue? Parce que moi, je vois pas trop qui c'est, Lila, c'est qui m'en star mondial. C'est Mila? Mila? Ouais, ouais. Ouais, c'est le Café des Princes, là. Ouais, mais je connais pas non plus. Elle ressemble à Nabila, un peu. Ouais, un peu, ouais. Ouais, elle est bonne. Elle, elle est bonne, t'as vu? T'as, elle est fou. Son cul. Comment elle s'appelle? Attends, je cherche une photo. Moi, elle a un de ce cul mayonnaise. Là. Alors, tout le monde est en train de chercher, elle a un cul mayonnaise. Cul mayonnaise. Ah ouais. Ah ouais. C'est comment, Mila? Ouais. Non, mais là, on voit pas ses fesses. Tiens, regarde, tu veux voir son cul? Ah ouais, non, elle a un gros cul quand même. Tu vois, fais voir. Bah ouais, ouais. Un peu Kim Kardashian. Ah, moi, j'aime pas, moi. Enfin, c'est Kim Kardashian en largement, personne ne me montre. Ah, une autre. Il va me jeter dans son coin. J'ai toujours pas compris le nom de cette meuf. Mila. Mila. Mila. Ah, elle fait chagasse, hein, gros, la tête. Franchement, moi, j'aime pas. Oh, Cédric. Non, je ah, l'autre, ça y est. Oh, Cédric. Non, le cul, c'est pas possible. Bah, elle a un cul un peu, oui. Elle est archi bonne, moi, je vous le dis. C'est ça, ils font trop faux, par contre. Bah, je pense qu'ils le sont, hein. Ils bougent pas, tu sais. Ah oui, donc c'est qu'ils le sont. Bah, sur les photos, ça bouge pas. C'est normal, non, je sais, mais tu le vois, ils sont vraiment écartés sur le corps. Sur une photo, oui, c'est normal. C'est logique. Bon, en tout cas, c'était pour dire à toutes les filles que, quel que soit votre, regardez, Drake dans l'équipe, on a plein de mecs qui aiment, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est elle, elle est bonne. Ouais, sur cette photo, ça va à peu près, ouais. Mais sur la photo que t'as montré à Romano, elle était un peu large, quoi. Ah ouais, non, mais elle est bonne. Moi, je trouve une photo d'elle, franchement, elle est chelou, hein. Non, mais là, elle est odieuse, là. Ah ouais, elle est moche. Elle est ignoble. C'est quoi cette photo? C'est pas elle. C'est pas elle. Bah, Mila. Si, c'est elle. Non, oh, excusez-moi, c'est Milo. C'est Milo. Ah ouais, c'est trompé, c'est Milo. C'est trompé de site. Ah ouais, bah Milo, il est bien mignon. C'est Mila. C'est elle? Ouais. Non, ouais. Ah, regarde. Si. Attendez, on va vous mettre une photo si c'est elle, elle est dangereuse. Ah non, mais bon, là. Non, mais ah la photo d'avant, là. Ah, la photo. Bah, mais déjà, de toute façon, la meuf, je pense que tu la vois sans maquillage, elle a pas de ta fait. Ah ouais. C'est ça l'effet que tu sais. C'est possible. Bah, viens maquiller, tu sais. Désolé de briser un rêve pour toi, Ilyes, mais on a trouvé une photo de Mila des Anges. Elle est dangereuse. C'est elle, là? Ouais, en effet, ouais. On va te la montrer. Tu restes avec nous, Ilyes. On te la montre. Ouais, tu dis ce que t'en penses dans un instant. Ne bouge pas. Le temps d'écouter Pitbull, Florida. On n'a pas fait le double appel encore, mais on va s'en occuper. Et puis le temps de vous accueillir en direct. Si vous voulez passer dans l'émission, profitez-en. Le temps de petit Florida, Pitbull. Ah, ça c'est bien ça. Allez, c'est parti. La radio qui t'offre le plus de places de concert, c'est Skyrock. This is Rihanna. C'est Nekfeu sur Skyrock. Black M. C'est MHD sur Skyrock. Ouais, c'est Serge. C'est Jules sur Skyrock. Maître Gims sur Skyrock. Après les 200 premières places pour la toute nouvelle tournée de Maître Gims, Skyrock double la mise. Soprano Baba. Et t'offre 200 places pour voir Soprano en concert dans toute la France. C'est

de la boxe cet après-midi, vous savez que ça m'a canalisé, je suis de super humeur. Ah ouais, bien sûr. Romano. Ah, t'en rêves, mon cochon, hein. Cédric. Moi, je suis un gros con parce que dès que mon aiguille. Enfin. Pourquoi tu me dis pas de déconneries? Ça fait un moment qu'on te le dit. Marie. Salut tout le monde. Samy. Mais même les meufs, elles font roi-cutane, elles peuvent plus mouiller de la chatte, je crois. Et Karim. Mais tu sais qu'un jour, je l'ai vu lui aussi, je l'ai rendu fou. Diffoul Radio Libre. Tous les soirs sur Skyrock. Ouais, avec toute l'équipe, avec plein de bons conseils en direct tous les soirs entre 21h et minuit. Et puis, des gros délires. Regardez, par exemple, Xavier et Clara, qu'on va retrouver tout à l'heure en direct de leur club échangiste. Ouais, en Espagne. On a envie d'aller faire un petit tour pour la première fois, pour tous les deux, à Barcelone, dans un club échangiste. Xavier et Clara, on va essayer de les retrouver tout à l'heure. Ils nous ont promis qu'on les prendrait en direct pour faire un petit point sur comment ça se passe. Peut-être qu'on aura Clara avec quelqu'un dans elle. Ouais, c'est ça. La super. Qui ne sera pas Xavier. Visite guidée de son cul. Peut-être en direct. Espagnol. Ah bah j'espère bien. Et avant minuit. On attend du spectacle. Bah on attend ça en direct, on avait promis. En tout cas, tiens, j'ai le résultat pour le sondage express qu'on a lancé sur les clubs échangistes. Je vous ai demandé, si vous êtes en couple avec un gars, avec une fille, j'ai demandé à tout le monde, aux garçons et aux filles. Si vous êtes en couple, est-ce que vous iriez faire un petit tour dans un club échangiste? Est-ce que ça vous dérangerait d'aller faire un petit tour dans un club échangiste? La réponse est... Oui, ça vous dérange. Enfin, vous aimeriez aller dans un club échangiste? C'est oui à 22%, non à 78%. Donc ça vous dérangerait à 78%. Ah bah quand t'es en couple, rarement tu veux partager. Hein. Alors que pour les gars, par exemple, qui sont pas en couple, j'ai vu que j'ai pas fait le calcul, mais j'ai vu que les messages étaient beaucoup plus équilibrés. Ouais, c'est différent. C'est-à-dire, quand vous êtes pas en couple, vous avez plus envie de faire un petit tour dans le club échangiste. Donc oui, vous aimeriez à 22%, non à 78%. On le dit pas à Xavier et à Clara. Hein. Non, on ne dit rien. Ah, on les laisse aller là-bas et puis nous racontera un petit peu comment ça se passe. Un live du club échangiste ce soir sur Skyrock. Et oui, c'est pour vous, c'est gratuit, c'est pas cher. On va faire un petit tour aussi du côté des familles de France. J'avais promis qu'on allait faire un tour pour Le double appel. Pour le double appel, faut y aller parce qu'il est quand même 10h là, 10h01 même. Le double appel, c'est parti. Et il y a juste Dany qui voulait réagir sur les clubs échangistes. On va le prendre en speed. T'es là, Dany? Ouais, je suis là. Ouais. Salut, Dany. Alors toi, salut à toi, Dany. Toi, t'es plutôt pour, plutôt contre, plutôt excité par ce genre de truc ou pas excité du tout? Moi, je dis que c'est un bon délire. Je voulais pas y aller et j'y suis allé. J'ai kiffé. Mais t'es en couple ou t'es célibataire, toi? Ouais, je suis en couple. Ma femme, elle est pas trop au courant. Ah ouais, donc t'y allais sans ta meuf, toi? Non, c'est un pote qui m'a traqué pour que j'y aille et je voulais pas y aller. D'accord, ok. Et tu t'es tapé une meuf là-bas ou pas? Bah, en fait, il y a une meuf. Il y a une meuf qui m'a un peu dragué, vite fait. Je me suis retrouvé enfermé avec elle dans une pièce. Et là, son mec, il est venu, il m'a presque un peu embrouillé, t'as vu? Ah bah, il faut savoir aussi, il amène sa meuf dans un club échangiste. Non mais attends. Et du coup, tu vois, je suis parti, moi, vite fait, tu vois, je me suis enfui, mais je me suis trouvé con un peu, t'as vu? Bah oui. Et là, il est revenu me voir et il me dit, elle te plaît, ma femme. Tu veux la niquer, Il me dit, allez, vas-y, va la niquer. Et il regarde mon pote, il me dit, allez, va avec lui la niquer, bon. Ah, il voulait la niquer avec toi, en fait. Ah, d'ailleurs, le DJ, passe-moi le micro, allez tous niquer ma femme. Allez tous, hein, tous les deux. Non, mais c'est presque ça, quoi. Tous allez gens, tous la niquer, hein, c'est là-bas. Allez la niquer, elle aime la bite. Ah, lui, il était open, lui. Non, mais surtout, le mec, c'est un dingue. 5 minutes avant, le mec, il veut te péter la gueule parce que tu veux niquer sa femme. Mais non, c'est des scénarios qui se mettent en place, tu vois. C'est genre, tu veux niquer ma femme, mais je dis non. Genre, je vais te péter la gueule, mais finalement, tu peux bien la niquer. Finalement, tu peux y aller. Et tout le monde peut la niquer, quoi. Ouais. C'est open soft, ça. Ouais. En fait, tu vois, nous, on a baisé tous les deux, et là, il y avait, je sais pas, 10 personnes qui nous regardaient. Bravo! Plus vite, elle le vite. Enfin, voilà, quoi. Comme un match de foot, hein, quand ils encouragent les joueurs. Non, mais c'est bien, t'as des supporters, des écharpes, des. Ah, les Dany. C'est vrai que c'est chelou. Et ta meuf? Moi, j'aimerais bien emmener ma femme là-bas, mais celle qui veut pas. Mais par contre, lui, avec ta femme, ça peut être le bon délire, tu vois, parce qu'il reste que tous les deux, tu vois. Mais toi, ta meuf, tu lui as dit que t'avais envie qu'elle y aille avec toi, ou tu lui as dit que j'y suis allé, tu vois, c'est super, on va y aller ensemble? Je lui ai pas dit que j'y avais été, mais par contre, je voudrais y aller, elle veut pas y aller, quoi. Mais t'aimerais y aller avec elle, mais qu'elle se fasse niquer par d'autres mecs? Non, justement, parce qu'en fait, quand elle est dedans, ça baisse partout, c'est, je sais pas comment dire, regarde Romano, tu regardes des films de cul, c'est pareil, tu vois, sauf que là, c'est en vrai. T'as l'impression que c'est un film de cul en live, ouais. Voilà, mais le problème, c'est que dans le film de cul, tu sais, je peux choisir les gens qui baisent. Dans le club, il y avait des gens, ils étaient corrects, les gens, physiquement, ou mais c'était des monstres. Là, tu choisis aussi, hein, ça dépend. En plus, il dit que c'est grand, donc il y a du monde, hein, il fait ce qu'il veut. T'as pas besoin de regarder tout le monde. Voilà. Ah, bon, s'ils sont en train de baiser sur la banquette à côté. Mais les gens, quand ils se branlent, ils jutent par terre? Non, ça, t'as franchement. Des Kleenex partout. La vérité, même moi, j'ai pas fini, j'ai pas éjaculé, tu sais, ça m'a trop perturbé. Ah, t'as pas réussi à aller jusqu'au bout. J'ai niqué, je sais pas, 30-40 minutes, puis je me suis barré, t'as vu. Ah, bah, 30-40 minutes, c'est pas mal, hein, dis donc. Hein. Voilà, mais comment t'as fait pas, champion. Ça arrive, Cédric, ça arrive. Voilà, c'est un scandale. C'est pas comme si t'étais tout seul, tu vois, ça fait, c'est vraiment chelou. Hein. Ah, bah oui, t'es pas habitué à baiser avec 10 personnes qui t'applaudissent. Voilà, Bravo. Oh, quelle sodomie, le magnifique. C'est pareil, tu te dis, ouais, il y a tout le monde qui me regarde, c'est la première fois que je viens, je mets ça où, quoi, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais vrai. Tu vois des fois des trucs abusés du style, il y a un mec, enfin, il y a 10 mecs sur une meuf, ou tu sais, des. Ouais, j'ai vu ça, ouais, j'ai vu, il y a genre, il y avait 3-4 mecs qui arrêtaient une meuf, je sais pas, de se faire baiser, juste se faire caresser. Ouais, il les caressait tous, ça avait plein de mains partout. Ah ouais, oh, ouais caressez-moi. Il avait un masque sur les yeux en fait et il y avait plein de gens, plein de monde qui l'a caressé. Ah ouais. Mais bon, genre qu'il l'a caressé. Je suis sûr parmi les mecs qui l'a caressé, il devait y avoir son mec. Absolument, oui. Qui regardait les autres en train de la caresser. Ouais, maté, ouais. Non, mais il l'a caressé, c'est-à-dire qu'il y avait un mec qui passait, genre lui mettait un doigt dans la chatte normal. Quoi. Non, c'était plein de mains. Ouais, mais alors après c'était bizarre. Tout le monde faisait pas ce qu'il voulait, mais tu pouvais la caresser quoi. Tu t'arrivais, tu la caressais. Ah ouais, tiens. Salut, pote. Il y avait son mec certainement qui était là dans le coin et qui surveillait quoi. Ouais, qui fait ça. À la limite, le mec, ça devait l'exciter. C'est hein. quand même chelou, quoi. Bah ouais. Tu nous raconterais si ça t'excite. Ah non, mais moi, je sais d'avance que ça m'excitera pas. Tu n'en sais rien, tu ne l'as jamais fait. Non, mais j'ai pas envie de voir Cariole se faire déglinguer par un autre mec. Romano, vas-y tout seul. Tu vas tout seul avec Cédric et puis tu. Ouais, non, avec Cédric, on rentrera jamais. Ah, tu dois rentrer, moi, dedans. Oh ouais. Ah, c'est vrai, c'est Cédric, il y allait, le bordel, il a fait faillite 15 jours. Ouais, ça a fermé derrière. Bah, je te jure, ils ont fermé. Ouais, ça t'étonne. T'es étonné voilà. En plus, tiens. Faut être bizarre. Envoyez Cédric en pocket chum, il va rentrer. Pocket chum, oui, c'est vrai que ça peut marcher. En pikachu chum ou en gros. Ou en gros. Gros Kémon. Ouais, gros Kémon. Non, mais Cédric, tu veux pas sinon aller là au club gay naturiste. C'est un peu un club échange. Ah non, ça capte pas l'intérieur. Mais c'est bah, comment tu sais, t'as fait des essais. Ouais, j'ai fait des tests avec mon téléphone, ouais. Ils ont. T'es sûr? Donc t'y allais. Non, jamais été. Bon, en tout cas, il y a des messages que vous nous laissez. Faut être bizarre pour aller avec sa femme dans un club échangiste. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre aussi? Franchement, j'aimerais pas voir ma meuf se faire sonder le cul devant moi. Ah ouais, moi aussi. Sonder le cul. Message de Bouboule. On pourrait faire un double appel avec deux clubs échangistes. Oui, c'est pas con. Ouais, l'idée, c'est pour essayer, ouais. C'est Melka qui nous propose bonne ça. Bonne idée, ouais. C'est vrai que c'est pas con. Donc, tu retournes quand, Dani? Tu sais pas? Oh non, non, je sais même pas. Si ma femme avait retourné, j'y retournerais, mais sinon tout seul, je sais pas, tu vois. Ouais. C'est vrai que si t'as ta femme. C'est bien quand même. C'est chelou. Faut y aller au moins une fois. Faut voir. Maintenant, après, y aller tout le temps, je sais pas, tu crades hein, quand même, hein, faut pas croire. Hein. Et ton pote, c'est un va lui, il est plus fan que toi, il est plus intéressé que toi. Il était plus que moi, lui. D'accord. Il était plus que moi. Il retourne souvent. Il va avec sa meuf, lui. Ouais. Non plus. Ah non plus. Mais il a une meuf, ton pote ouais, ou, meuf. Ouais. Ah ouais, pareil. Ouais, il a une meuf, il est marié. Ah bah, c'est bien, l'autre, elle a des sacrées cornes. Ouais. À peine. Mais non. Ah bah tiens, tu veux qu'on fasse le test, on appelle ta meuf et puis on lui dit, on va voir comment elle réagit. Ouais, okay, tu vas voir si elle va bien le prendre. Bon non, attends, c'est juste un club échangiste. Est-ce qu'il y a beaucoup de mecs défoncés, on nous demande. Il y a le Rasta aussi qui dit faut être défoncé pour apprécier. Alors maintenant, moi où j'ai été, il n'y avait pas d'alcool déjà, donc tu vois, il y a déjà sans alcool, il n'y a pas d'embrouille. Direct, la fête est moins folle. Ouais, du coup. C'est clair. Ah ouais. Non mais c'est vrai. Ok. C'est horrible. Eh ben merci à toi Dani du coup de fil. N'hésite pas à nous rappeler quand tu veux. On va t'envoyer le t-shirt Skyrock, comme ça tu vas pouvoir te la péter au club échangiste avec ton t-shirt Sky. Ouais, et le QLR. Oui, on n'en voit pas le boxer. Le Sky, il va dépasser et tout. C'est super joli. Tu pourras t'essuyer sur ton t-shirt Skyrock, c'est super. Salut Dani, raccroche-toi. Merci, c'était cool. Merci à l'équipe. Hein. Salut Dani. Eh ben merci à toi. Salut. Et reviens quand tu veux. Ciao. Allez, double appel, c'est parti. Allez, on y va. Écoutez deux secondes. Oui. Je vous jure hein, qu'on n'appelle pas. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Là, c'est un mensonge gavé. Hein. Bah, c'est vous qui me gavez, c'est vous qui m'appelez. Le double appel de Difool sur Skyrock. Oh, il y a des chevaux là. Il y a de tout. Ah bah oui, il y a de tout. Le double appel, c'est parti. Le double appel, comment ça marche? C'est simple. On prend les numéros que. On a pris les numéros que vous nous avez laissés hier. On n'a pas pris ceux d'aujourd'hui. Parce que d'abord, j'ai pas annoncé qu'on avait besoin de vos numéros. Même si vous nous en avez envoyé quelques-uns. Mais hier, on a eu une avalanche de numéros à rappeler. Donc on va s'en occuper ce soir. Et alors, en direct à 22h09. C'est parti, on prend deux numéros. Parmi les numéros que vous nous avez laissés, on les met en contact et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, toujours 0-0 entre la France et la Biélorussie. Et on va chez Nicolas. Monsieur, oui. Allô. Oui, allô. Allô. Allô. Oui. Allô. Oui. Oui. Allô. Qui c'est l'appareil? Bah, je sais pas. Vous appelez qui? Il est bien, lui. Allô. Allô. Allô. Numéro 14 allô qui rentre, j'ai entendu. Hein. Allô. Allô. Oui, monsieur, oui. C'est vous qui regardez le match de foot? Pas du tout, non. Ah, parce que il y a quelqu'un qui vient de m'appeler, qui regardait le match de foot, et depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de m'appeler, et ma femme est dépressive. Ah. Et donc, J'en ai marre, monsieur. Non, le téléphone, ça la met dans un état pas possible, faudra arrêter de faire mon numéro, monsieur. Ouais, bah c'est bon, vos conneries. Bah, attends, Toto, mais tu parles meilleur d'ailleurs, parce que ma femme est dépressive. Ah, tu fais bien la dépressive, Romano. Ouais, ouais. J'adore. Mais tu es pas sorti avec une dépressive gothique? Non, elle était pas dépressive quand même. Elle a pas des petits coups de déprime de temps à autre parce qu'elle était en badge. Non, mais elle était cinglée. Mais... Ah, elle était cinglée. Mais bon, c'est en même temps, ça. Elle avait des bons gènes. Hein. Sa mère étant complètement braque. Il y en a un qui regardait le match de foot et il y a donc le 14 qui est rentré ou qui est sorti, j'ai entendu. J'ai qui est le 14? Je sais pas, c'est un Biélorusse, il est en blanc. Ah, d'accord. Ah, bon, bah, de toute façon, ouais, on sait pas qui c'est. Ouais. Et toujours 0-0, hein, 69e minute. Ouais, de là, jeu. Il faut vraiment y aller, les gars. Là. Allez, les bleus, hein, faut y aller, les bleus. Allez, mon Grizzly. Ah, ah. Allez, les bleus. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ah, bah non, mais il se rapprochait du but, mais pas du tout. Ah non, mais rien. Dommage, dommage. 70 minutes de jeu. Vas-y, renvoie de la famille. Et on suit ça. Allez, logiquement, on n'a pas le droit de parler aux familles. Arnaud et Jean-Paul. Donc on parle pas aux familles, on les met en contact avec Patrick à la limite. Il est là, Patrick. Allô? Oui, ça va, Patrick? Oui, comment vas-tu? Ouais, ça va, très bien, bien, bien, bien. Bah, très bien, là, bon. Bah, écoute, c'est bien, toi aussi. C'est excellent, là. Bah, c'est excellent, pour l'instant, ça sonne. On va voir ce que ça va donner. D'accord, ouais. Ça sonne. Et. Ah, il y en a un. Allô? Bonjour. Allô? Allô? Allô? Oui, comment vas-tu? C'est de la part de qui? Ben, moi, je suis Patrick, hein. Patrick? Voilà. Allô? Allô, je te reconnais pas, là. Allô? Allô? Ouais? Ouais, qui c'est, là, au téléphone, là? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ben, je sais pas, moi, qui vous êtes? Ah, qu'est-ce que tu veux? Qui c'est que vous êtes? Non, mais d'abord, qui tu es? Puisque c'est toi qui m'appelles. Non, c'est pas moi qui appelle. Ça va être sonné chez moi. Oh, hey. Bon, c'est bien. On va appeler, on va appeler la gendarmerie. Un point, c'est tout terminé. On a ton numéro. Oui, absolument, oui. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis Patrick, hein. Oui. Bon, moi, je vais appeler la gendarmerie. Et puis, tu vas voir comment ça se passe. Absolument, oui. D'accord? D'accord, au revoir. J'ai des godes. Et je peux te dire que je vais te baiser. C'est parti. Bonsoir. Bravo. Bravo, Patrick. Ah, Patrick, beau travail. Bravo, Patrick. Bravo, les familles. On peut dire bravo, les familles, pour les deux n'ont absolument rien. Ouais, vas-y, on les rappelle direct. On rappelle les mêmes, là. Ouais. Ah, tu les reprends. Ouais, très bien. Ah, oui, c'est excellent, là. Oui, Patrick, c'est pas mal, Patrick. Là, c'est bien parti pour le double appel. En plus, ils ont des voix, les deux, là. Allô? Oui? Allô? Oui? Moi, je suis Patrick, hein. Oui, et bien, et puis après? Bah, je crois que tu viens de me masser, mais pas simplement ça, hein. Non, mais c'est n'importe quoi, hein. Ouais, absolument, oui. J'ai des godes. Par contre, tu mets une capote derrière. Décalote complètement. Moi, je suis décaloté complètement. Il est en érection ou pas? Là, je suis à poil. Ah, bah, c'est merde, est parti. Ah, parti. Pourtant, c'est bizarre parce qu'il était quand même très excitant. Ah, bah, magnifique. C'est vrai? Ah, ouais. Eh bah, oui. J'ai envie de décaloter comme Bah, trop, ouais. Ah, Cédric, t'es intéressé par Patrick? Non, ça décalote va. Décalote complètement. Ah, je laisse pas les familles, Patrick. Oui, alors il l'adore en plus. Bon, un autre. On y retourne. Allez, on y va. C'est reparti. Nouvelle famille. C'est qui? Michel et Thomas. Michel et Thomas. Voilà. Et si vous avez vous aussi des numéros de famille à appeler, n'hésitez pas à nous laisser les numéros sur le 41-759, sur l'appli Skyrock. Attention. Allô? Allô? C'est bon. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. C'est qui? Je vous pose la question, c'est vous qui m'appelez? Ah non, j'ai pas appelé. Non, j'ai absolument pas appelé, non. Bah, vous venez d'appeler sur mon numéro? Vu que c'est moi qui dépose. Oui, mais je regarde un film, je suis pas servi de mon téléphone, alors c'est quand même bizarre. Hein. Je m'en doute. Tu regardes pas le foot? Tu regardes pas le foot? Si, je regarde le foot. Ouais. Ah, toi, tu regardes le foot. Bien. Et toi, tu regardes un film? Oui. Tu regardes quel film? Je sais pas, un film de cow-boy, mais c'est qui? Film de cow-boy, c'est sympa. C'est Lucky Luke. Écoute, tu le suis bien. Qui, le cow-boy? Bah moi, je suis à Walpé, là, comme d'habitude. C'est qui? Allô? Oui, c'est de trop loin, donc tu... Allô? Allô? Allô? Allô? Surtout si elle commence à bien te frotter et puis à bien te sucer et tout. Eh ouais, Patrick. Il y en a qui est là qui écoute. Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Il y en a qui écoute, Patrick, parce que ça l'excite. Tu peux lui pincer les seins en même temps? Ouais. T'as déjà sucé sous la douche? Ah ouais. Bon, je raccroche. Vas-y. Je raccroche. Patrick. Très bien, bon, bah, il y en a qui regardent le match de foot, qui regardent un film de cow-boy. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de film de cow-boy. Ah bah, lui, il est à fond dessus. Vous aimez les films de cow-boy? C'est pas genre avec John Wayne, Bob Spencer, Bob, non, c'est Terence Hill et Bud Spencer. Ouais, Bud Spencer. Bob Spencer. Ça, c'est pareil. C'est Bob. C'est pas Bob. Bon, le double appel, t'en as un dernier, Samy? Allez. Un petit dernier pour la route. Vas-y, dans les numéros que t'avais. Si t'en as pas, moi j'ai un truc à vous faire écouter aussi. Il faut que je fasse écouter puisqu'on parle de films. Justement. Vous allez voir dans un instant là. Alors, on appelle. C'est quoi, Jean et Dominique? C'est Dominique et Guillaume. Dominique et Guillaume. Parce que j'ai toutes les fiches avec tous les numéros que vous avez laissés. C'est bien, vous avez déchiré hein, quand même. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, comment vas-tu? Oui, c'est qui l'appareil? Bah, devine. Moi je suis Patrick, hein. Patrick, ouais, c'est pas drôle, il est 22h30 là, monsieur. 22h15. Ah, c'est bon là. Allô? Oui. Allô? Oui. Ouais, dans la chatte là. Comment? T'as mis un petit peu de d'eau dans la chatte là? C'est qui? Moi, je suis pas Patrick, hein. Oh. Vous avez rien à faire? Bah, je crois que tu viens de me masser, mais pas simplement ça, hein. Et je peux te dire que je vais te baiser, doigt dans la chatte, là. Moi, je suis décaloté complètement. Allô? Oui? Là, je suis à poil, là. Et alors? J'ai un petit sexe de 21 cm. Je m'en fous? Et je peux te dire que je vais te baiser, Tu la branles bien, là? Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. De trois doigts dans le cul. Classique. Allô? J'ai un petit sexe de 21 cm. Tu peux lui pincer les seins en même temps? Oh bah tiens, ouais, on peut y aller. Hein. T'as déjà sucé sous la douche? Ah tiens. Non, je crois que là, je crois qu'on lui a fait sucer sous la douche. Tu la branles bien, doigt dans la chatte. Il nous manquait, qu'est-ce qu'il nous manquait? On lui a fait la totale. La totale. Et je peux te dire que je vais te baiser. Ah ouais, ça on avait oublié. Ah bah il manquait le célèbre aussi. On avait oublié. Encule-le. Bon. Eh bien, merci à toutes les familles. Il faut que tu t'encules là. Pour ce double appel, merci Patrick aussi. Ouais, Patrick, du calme un peu. Qui était en pleine forme. Et donc, merci au dernier, Dominique, c'était qui? Dominique et je sais plus, Olivier, je crois. Merci les familles de France. Merci de leur participation. Exclusive. Oui, et dans un instant, on va retrouver Karim Parano avec nous. Il est parano, il va nous expliquer pourquoi. Il est dans le coin, je crois, déjà. Et je vais vous faire écouter un truc juste après, là, si vous l'avez loupé ce matin. Salut, Karim. Allô, ouais, c'est cool. Ça va, Karim? Salut, Karim. Karim. Coucou. Ça va? Ça va. Ça va bien. Je te présente 26 ans, lyonnais. Quand j'ai dit que t'es parano, je ne me suis pas trompé, hein. Ouais, parano, vraiment parano. Parano. T'es parano, gars. Tiens, dites-nous si vous êtes du genre parano, si vous connaissez des parano, vous aussi. Laissez-nous vos messages, on en reparle dans un instant avec toi, Karim. Tu bouges pas, hein. Tu restes avec nous. Le temps de suivre la fin du match. Allez, les bleus, là, faut marquer. Allez, les bleus. Un quart d'heure, il reste pour marquer, là. Pour l'instant, 0-0 face à la Biélorussie. Et aussi le temps de vous faire écouter ce qui s'est passé ce matin dans le réveil de Star. Dans le réveil de Star, on a de tout. Et ce matin, on a décidé de fêter, puisqu'on parlait signé terminer avec l'autre et son western il y a un instant. Là, il me parlait de son film. Ouais. On parlait ciné ce matin et on parlait du plus gros succès de l'été au ciné. C'est pas Camping. Le plus gros succès de l'été au ciné, c'est L'Âge de Glace avec Sid. Ah ouais. Sid le paresseux. Ouais, celui qui a les yeux complètement au haut du crâne. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je l'aime bien, lui. Oui. Sid, il parle comme ça. C'est ça. Une merde. Vous savez que les familles de France sont même capables de s'engueuler avec un dessin animé. Ah oui. Bah ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même un truc, oui, assez exceptionnel. Voici tout de suite Sid et Gérard. C'était ce matin dans le Réveil de Star. Réveil de Star, c'est tous les matins à 6h10, 7h10 et 8h10 dans le morning. Et il y a des trucs comme ça qu'il faut pas louper. Écoutez bien. C'est Sid. Allô? Oh, enfin, salut les gars. C'est qui? Je peux te parler une petite seconde, s'il te plaît? Bah vas-y, parle, je te demande que c'est qui. Sid, le paresseux. Ouais, bah tu veux quoi? C'est quoi ton petit nom? Moi, c'est Gérald. T'as de beaux yeux, tu sais. Ouais, moi aussi, je t'emmerde. Ça va, reste zen. Ouais, non, mais reste zen de quoi, toi? C'est pas ton problème, toi, là, mes couilles, là. Toi et moi, on forme une super équipe. Tu voudrais pas qu'on aille vers le sud ensemble? De quoi? J'en ai rien à foutre que tu sois dans le sud ou à Paris ou je sais pas d'où, en Afghanistan ou en New York. Qu'est-ce que tu m'appelles comme ça, là? Attends, tu veux pas aller dans le sud? Le changement de saison, l'instinct migratoire, non, ça te dit rien, ça, peut-être. Le changement de saison, ouais, t'inquiète pas, je vais te le faire, le changement de saison. Ouais, moi, je m'en bats les couilles de ta saison de merde. J'habite pas dans le sud, moi. Hein. Bien joué, Sid. Bien joué, il est fort. Bien joué, Sid, bien là. Joué. C'est Sid de L'Âge de Glace, on a des stars dans le morning. Bon, évidemment, on l'a rappelé, hein, derrière. Ah bah, évidemment, on lui a repassé un petit coup de fil. À Gérald. À Sid. Et Sid, oui, Sid, c'est le paresseux. C'est Sid. Sid. Ouais, qu'est-ce que tu veux encore? Oula, tu nous connais pas. Ça fait une gonzesse, on a peur. Appelle-tu si vous êtes mort. Déjà, mon mec, c'est pas une gonzesse, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est juste ton. Hey, tu sais quoi? T'as dû avoir mon numéro, moi je vais te dire par qui t'as eu mon numéro. T'as eu notre numéro par l'or, n'est-ce pas? Par l'or? Ouais. Ouais, j'en ai fait sûr. Et de où elle a donné notre numéro, elle? Vous avez un très très petit cerveau. De quoi? On vous l'a déjà dit, c'est un fait, c'est pas pour vous faire de la peine, mais vous savez probablement même pas de quoi je parle. Elle vous a dit qu'on n'avait pas de cerveau, mais tu crois qu'elle en a un cerveau? Bah, tu sais quoi, du jour aujourd'hui, elle est cocu jusqu'à l'os. Ah. Donc à la base, voilà, tu vois, carrément, tu vois. Tu dis ça, mais tu ne penses pas, hein. Et tu sais quoi, son mari, c'est mon beau-frère, mon mari va l'appeler son frère. Ah. Il va se retrouver seul comme un grenier. Ouais, bah toi, à mon avis, t'as dû toi, trop de mettre de poudre dans les narines, mon gamin. Je suis un génie. Ah, t'es un génie, ouais. Génie de quoi, de mon cul, ouais. J'ai l'impression que j'ai un fan club. Ah, ton fan club, parce que t'as un fan club, non, c'est Laure qui fait partie de ton fan club. Tu sais quoi, va dire à Laure qu'elle aille se faire enculer, tu sais. Déjà, je sais pas pourquoi elle nous pète les couilles encore. Mais ça, c'est pas, ça, c'est un mytho, hein, c'est pas... Si, si, il a dit, si, si. Mais non, mais t'inquiète. T'inquiète. C'est kidnappé ouais, par une tribu de mini paresseux. Ah, t'as été kidnappé par des mini paresseux. T'as pas été kidnappé par un gang de nains, des faux, non? Ah non, désolé. Non, allez, va te faire enculer, connard. Voilà. Bien vu, les filles, je suis mort de rire. Eh, bien joué, Sid. Sid et L'Âge de Glace. On a fêté ça ce matin. Meilleur film de. Enfin, bah, meilleur c'est film. Qui c'est Laure. C'est Laure. Elle est cocu jusqu'à l'os. Et cette pauvre Laure qui n'y est pour rien, hein, quand même. Hein. Ouais, carrément. Ah, ouais. T'en es pris plein la gueule. Le numéro, on l'a pris complètement au hasard dans l'annuaire. Hein, ça, c'est. Ah, tu vas voir, Marie va appeler son mari. C'est un bordel dans la famille. Ils sont trop chelous, les gens, le matin. Tu vas me dire, quand on est appelé par Sid le paresseux, ça peut surprendre le matin. Bah, tu m'étonnes, oui. Bon, c'est le réveil de star. Demain matin, vous le retrouvez à 6h10, 7h10 et 8h10. Un nouveau réveil de star à retrouver. Ah, ça vous a tué, ça. Il y a Cher Khan qui dit ça m'a tué, je suis mort de rire. Il a foutu la merde, Sid. Ah, vous avez remarqué, il a foutu la merde, Sid. Et la pauvre Laure, elle va se faire insulter. Oui, elle va se faire insulter. Bah, je sais que c'est Laure. Mais non, elle y est pour rien, alors, on vous a dit, là. Il reste, allez, 10 minutes, un petit peu moins de 10 minutes dans le match de foot des Bleus. Les Bleus contre la Biélorussie. Allez, on croise les doigts pour le but, hein. Parce qu'il faut marquer un but, là. Match qualificatif pour l'Euro. Allez, les Bleus. Et Karim, le parano arrive dans un instant. Les paranos, eh bien, on vous attend aussi, hein. Si vous paranoyez sur des trucs, vous nous faites signe. Je connaissais un gars, il avait toujours l'impression d'être suivi, toi aussi. T'as connu les paranos, Karim, hein. Ouais, aussi, ouais. Il était suivi aussi, ah, toi aussi, il était suivi. Ouais, ouais. Allez, on en reparle dans un instant. Vous bougez pas, le temps d'écouter Shai. Ah, j'aime bien ce son, là. C'est Shai sur Sky. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 20 000 € en cash. 20 000 euros en cash. Il faut me dire quelle est ta radio préférée. Bah, Skyrock. Skyrock. Non, c'est Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, c'est gagné. C'est pas vrai. Une vingtaine d'iPhones. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon, ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Que faire, hein. Des familles. C'est encore une arnaque, ça. Hein. Des campings. Une semaine de vacances gratuites.

twerk là. C'est marrant, ça twerk à l'internat, je vous le dis. C'était Shy sur Sky, on écoutait PMW. Diffoul, radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Voilà, c'est Diri, Dim à l'internat qui twerk avec ses potes. Ah bah twerk bien. Ah, vous devez être beau là dans votre chambre d'internat là tous. Shy sur Skyrock, c'est le son qu'on vient d'écouter. La PMW, il y aura du Rihanna, du Calvin Harris, du Drake, du Designer. Ah, on va faire 100% son. Pas US, parce que Drake il est pas US, mais 100% son des Amériques. Ouais, c'est ça. Voilà, canadien Drake. Hey, tabernacle. Bon, le prochain c'est Rihanna, Calvin Harris. Drake, on écoutera du One Dance et Panda, ce sera Designer. Blablabla. À écouter avant minuit sur Skyrock et en direct. On est avec Karim. Alors, Karim nous a annoncé qu'il était parano. Et on a aussi Clotilde. Clotilde, on l'a eu tout à l'heure au téléphone. On lui fait un bisou d'ailleurs. On a Brittany au téléphone avec nous. Tu es là, Brittany? Je suis là. Salut, ma chérie. Salut, Brittany. Karim, t'es toujours avec nous? Karim? Ouais, allô. Ah, hey. Karim, le parano. Et un petit point sur le foot, il reste une minute. On est dans la dernière minute du match, sans compter les arrêts de jeu. Putain, mais c'est un vieux match. 0-0. Ouais, c'est un vieux match pour l'instant. Ah, c'est un vieux match, moi, ma télé, elle s'est éteinte. Bah, tu vois, Romain, tellement que c'est un vieux match, la télé marche plus. T'as regardé, t'as acheté un œil sur le match, Brittany, non? Ouais, je suis devant là. Ouais, c'est pourri. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas dément. Hein. Ouais, là ça pue un peu, franchement. Bah ouais, 0-0 contre les Biélorusses à pratiquement la fin du match. T'as regardé toi, ouais, Karim? On sait jamais, c'est notre spécialité. Hein. C'est vrai, on peut marquer à la dernière minute. Un match se termine à la dernière minute, c'est clair. Enfin, allô. T'as pas maté toi, Karim? Non, j'ai pas regardé, je suis au boulot. Enfin, j'étais au boulot. Ah, t'es au boulot. Bon, bah écoute, t'as pas loupé grand chose. Tiens, il a pu pour Maître Gims. Boucan featuring Jules. Maître Gims qui passe sur le match. Mon cœur avait raison. La réédition. Ouais. Album disponible. Putain, Maître Gims. Ils devraient capter les Biélorusses, ça va. Bravo, hein. C'est quoi ces pubs? Fais de la pub en Biélorussie, tu vas faire un carton. Il y a même de la pub pour la marque de Frank Vortex. C'est Maître Gims. C'est Maître Gims. C'est inédit, ma beauté, Boucan featuring Jules. Non, très bien. Bon, bah pour l'instant, ça n'a pas porté chance aux Bleus, mais il reste 3 minutes, là, c'est les arrêts de jeu. Allez, les Bleus. On vous tient au courant. Donc, avant d'écouter pourquoi Karim, t'es parano, parce que tu nous as appelé, parce que tu nous as dit, je suis parano. Tu vas nous expliquer pourquoi t'es parano. Il y a eu plein de messages que vous nous avez laissés. Et toi, tu connais un parano aussi, Brittany? Ouais. C'est qui? C'est un ancien pote à moi. Et il est parano, mais à quel niveau il est parano? Ouais, mais il était parti dans un délire de fou. Il croyait que ses potes le volaient. Il croyait que les gens le suivaient. Ah, c'est bien. Moi, je connaissais un aussi. Ah, il croyait qu'il était suivi. C'est-à-dire qu'il avait l'impression qu'on le suivait de partout. Pareil, ouais. Ah non, moi... il y a un soir, il est arrivé chez moi. Il m'a raconté ça. Je sais même pas quoi lui dire. Bah, tu lui dis, si t'es suivi, viens pas chez moi, surtout. Hein. Non, mais vous avez des conneries, vous avez un truc. Parce que... Non, ah ouais. Mais il a déjà été hospitalisé en hôpital et tout, hein. Ah, il a rencontré la mère de la gothique. Bah écoute, la mère de la gothique. Non, parce que moi, malheureusement, elle était en liberté. Alors, je sais pas où elle en est maintenant, la dingue, mais. Tu vois, c'est qu'elle était pas si tarée que ça. Ouais, non, mais parce que son mari devait pas vouloir, parce que moi, il l'aimait, mais elle était complètement ravagée, hein. C'est vrai. Ah, elle aurait pas fait tâche dans un hôpital psychiatrique. Mais elle était pas parano. Elle aurait pas fait tâche. C'est pas de la parano aussi. Non, pas trop. C'était plus des coups de folie, quoi. De la folie totale, plus. C'est vrai. C'est-à-dire qu'elle avait un moment où elle vrillait complètement. Et ton pote, il était parano, mais il était parano. Il avait pris de la cam. Pourquoi? Elle avait pris des trucs, quoi. Il se droguait, ou. Ouais, il se droguait. Il prenait tout et n'importe quoi. Ah, bah oui, ça vraiment pas, ouais. Envie à un point. Bah, il faut faire attention, hein. J'ai des parano. Non, mais on est parano d'un autre style. Moi, j'ai trop peur que mon mec aille me faire cocu avec une autre. C'est un peu de la parano, c'est vrai. Emeline qui nous laisse le message. Emma qui nous dit, moi j'étais parano, une amie m'a fait sortir peu. Ah ouais, j'ai vu tes messages, Emma. Je crois que c'est toi qui nous a laissé les messages. T'arrivais pas à sortir de chez toi. T'étais un peu parano aussi, même beaucoup parano quand t'arrives pas à sortir de chez toi. Ouais, c'est vrai. Ah bah ouais. Là, t'es même souci. Ça vrille agoraphobe. Ouais. C'est limite une phobie. Ouais. Et toi, ton pote Karim, qui croyait qu'il était suivi. Pareil, il croyait qu'il était suivi tellement il croyait qu'il y avait des mecs qui le suivaient. Il est parti jusqu'en Belgique. C'est-à-dire de Paris en Belgique. Pourquoi? Pour fuir les mecs qui le suivaient. Ouais, il le suivait toujours, donc il est parti au commissariat pour dire aux keufs belges qu'il y avait des mecs qui le suivaient. Ouais. Donc les keufs, ils sont sortis avec lui devant pour voir qui le suivait. Après, ils lui ont demandé ses papiers, il avait pas ses papiers sur lui, donc il en met en garde à vue. Ah, oh, le con. De là, il est ressorti, il est parti dans un McDo là-bas en Belgique, il y avait encore des mecs qui le suivaient, il a dit au mec de la sécu, le mec de la sécu a rappelé les keufs, après ils ont vu qu'il était ch'touf, il l'a renvoyé en France en HP. Bah, c'est mieux. Mais il croyait que c'était qui le suivait, des des mecs qui ne savaient, ils savaient pas qui c'était en fait. Et même des fois, j'étais avec lui, tu vois, on était tout seul, par exemple, dans un appart, tout seul. Il me disait, putain, Karim, tu les entends, ils m'insultent de fils de pute. Mais non, effectivement, là, il entend des voix, c'était un vrai fou, en fait. Ah non, mais il c'est Jeanne d'Arc. Il croyait qu'il y avait des mecs qui le suivaient, mais là, Hamdoulah, ça va mieux, il est parti en HP, tout va bien. Mais il y a encore, j'espère. Non, il est sorti. Ah merde, c'est pas rassurant. Non, en plus, c'est un bon pote, mais il va mieux, là. Ah, il va très très bien. Mais il avait pris des trucs ou c'était un jour. Mais c'était le shit aussi, je pense. Il fumait beaucoup, beaucoup. Ah ouais, mais ça peut jouer. Et j'ai un autre pote, pareil, il a pété les plombs à cause du shit. Tu as des amis super, dis donc. Non, mais celui-là, c'est pire parce qu'il croyait qu'il était acteur et il croyait qu'il était blindé. Ah. Il était blindé. Il devait être heureux, au moins. Il avait, ouais, un ouais, mais le mec, tu peux te foutre dans la merde. Parce qu'il va dépenser. Ah ouais, c'est ça. Qu'il a de l'oseille, mais en fait. Non, mais en fait, il croyait juste qu'il était, non, il savait qu'il avait pas d'oseille. Enfin, il avait pas d'oseille sur lui, mais genre, un jour, il est venu me voir, il m'a dit, hey, Karim, arrête de faire la salope, j'ai mis 200 000 euros sur ton compte. D'accord. Et c'était vrai? Bah non, c'est pas vrai. Bah, demande-lui. T'as vérifié au moins? Bah non, non. J'ai pas 200 000 sur mon compte. Demande-lui, moi, je veux bien avoir un ami parano, qui me met 200 000 euros sur mon compte. Et pareil, il est parti en HP, et depuis, ça va mieux, il est ressorti, tout va bien. Mais tous tes potes, ils vont en HP ou quoi? Oui. C'est un autre. Karim, il a des potes graveurs, gros. Et là, il va mieux, ton ami, Brittany? Bah, moi, depuis la dernière fois qu'il est venu chez moi, qu'il m'a raconté son histoire, j'ai plus de nouvelles. Ah, tu évites de le, peut-être aussi de le contacter. Ah non, je crois que c'est lui qui évite tout le monde. Oui, il a peur. Ah, il a peur de toi, même. De moi, je pense pas, mais. Non, mais ouais. J'espère que ça ira mieux, quoi, quand même. Bah, écoute, j'espère aussi. En tout cas, pour les Bleus, ça va pas mieux. 0-0. Ah, ça va pas, oh là là. Fin du match, c'est terminé. Eh bah, dites donc, pas brillant, cette histoire. 0-0, France contre l'Azerbaïdjan en Azerbaïdjan. Non, Biélorussie. Moi, j'ai dit Azerbaïdjan. Il y a une pub pour l'Azerbaïdjan à la télé. Ah, c'est ça? C'était un message subliminal qui était rentré dans la tête. Mais voyez, la pub, c'est efficace. Depuis tout à l'heure, il y a les pubs Azerbaïdjan. Et tu sais que j'avais même pas vu qu'il y avait la pub de l'Azerbaïdjan. Ah ouais, bah, avant Maître Gims et après celle de Maître Gims. Ah, je me suis fait baiser. Ah ouais, tu t'es bien fait. Il fait la gueule, hein. Bah oui, il en a pas pris. Tiens, Didier, sur l'interview. Ah, magnifique. Didier. On a fait une bien meilleure deuxième mi-temps. On a eu beaucoup d'occasions, mais entre le gardien qui a fait des arrêts. Bah oui, c'est son boulot. Les poteaux, un peu de réussite. Là-bas, les poteaux aussi. Je pense que voilà, on leur a laissé très peu de choses, mais à partir du moment où on marque pas, on n'a pas débloqué la situation. Ouais, ça c'est bien dit, ça. Idéal, mais rien d'inquiétant pour autant. Non, mais on était venu ici pour gagner, bien évidemment. Eh ben, on n'a pas gagné. Première mi-temps, on peut faire mieux. En deuxième mi-temps, on a fait ce qu'il fallait. On a eu les situations, les occasions, mais voilà, on n'a pas été efficace ce soir. Déçu, mais pas agacé. Déçu, forcément, parce qu'on veut gagner tous les matchs. Après, dans le contenu, ce qu'on y a mis, on a eu vraiment, je le répète, pas mal d'occasions, mais. Et dites-nous si vous pensez comme des champs. On n'a pas eu cette efficacité qui nous aurait permis de marquer et de gagner. Merci Didier. Merci Didier. Voilà, 0-0 ce soir. 0-0. En Biélorussie, ouais. Le prochain rendez-vous, Bichente, avec les Bleus, ce sera le vendredi 7 octobre au Stade de France contre la Bulgarie. Eh bien, on sera là le vendredi 7 octobre, on suivra. Il y aura même des places à gagner sur Skyrock. Allez les Bleus. Ouais, ouais. Allez, on ne lâche rien. Est-ce que vous pensez comme Didier Deschamps, c'est-à-dire que les Bleus ont bien joué et méritaient de gagner? Mais en tout cas, bon, le résultat. Le résultat, il est merdique. Il a dit, on leur a rien laissé, mais ils nous ont pas laissé grand-chose non c'est plus. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il y a eu pas mal d'occases. Varane a touché la transversale. Ah, la Noste va chuter. Varane sur la tête. Ah non, bah, ça passe en dessous la moyenne. Hein. Tu me t'es dit si tu vas mettre moi. Non, mais attends, si on n'arrive pas à gagner contre la Biélorussie. Moi, je reste à 9, moi. Ouais. Moi, je mets. Allez, 7. Moi, je vais laisser le 10. Moi aussi, je laisse le 10. Non, mais je mets 8, moi. Moi, je mets 7,5. Attends, on gagne pas contre les Biélorusses. Ah, bah ouais, c'est là, j'ai mis encore. Maintenant, vous mettez en dessous de 9, vous. Bah, ah, vous avez encore de l'espoir. Laisse-nous voter comme on veut, Cédric aussi. Vous faites agresser. Mais t'agresses tout le monde. T'es pas. Non, mais t'as l'air, vous m'avez insulté pour vous donner en dessous de 10. Non, mais maintenant, c'est la fin du match. Parce que là, il restait une mi-temps, donc tout était à faire. Bah oui. Là, il n'y a plus rien à faire, là, on l'a dans le cul. Maintenant, donc on sac. Bon, moi, je mets 8. Vous mettez comme vous voulez. Tu mets 9, Cédric. Romano, tu mets 7. Ah, 7, ouais. Et encore, je note large. Putain. Qui s'estime heureux. Et encore, t'es gentil, quoi. Combien tu mets pour le match? Bah, tiens, on va faire un petit tour. Karim, combien tu mets pour le match? Je l'ai pas vu le match. Mais mets une note quand même. Non plus, hein. 3, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est pire que tout. T'es généreux. On fait chuter la moyenne. Tiens, il y a Anto, notre footballeur qu'on doit rappeler. On va lui passer un petit coup de fil. Et attendez, j'ai perdu Brittany. T'es où, Brittany? Ah non, t'es là. Ah, je suis là. Et alors, tu mets combien, toi, pour les Bleus? Moi, je mets 10 parce qu'on en a pas pris. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'es généreuse. Après, ouais, c'est clair. Ouais. Après, tu vois, on fait 0-0 contre l'Espagne, je mets 10. On fait 0-0 contre la Biélorussie, Eh ben, je mets pas 10. Ouais, j'ai... non, c'est vrai, c'est vrai. Je mets 8. Bon, à vous de nous mettre les notes pour les Bleus. Tiens, il y a Anto qui est là. Anto qu'on a eu en première mi-temps. Anto, 13 ans, à la maison, qui a suivi les Bleus. T'avais mis combien, Anto, pour la première mi-temps déjà, toi? J'avais mis 12. Ah ouais, t'as mis 12, ça avait été généreux. Donc là, ça va descendre un peu. Alors, combien tu mets, là, tiens? Ah, là, ça m'énerve, parce que dans le jeu, on a été meilleur, mais le résultat, ouais, c'est pas, ça. Je veux pas être la moyenne. Ah, toi non plus, bah pareil. Là, il y a un mec, c'est Polyakov, hein, on dirait c'est de la vodka. Vodka, mais... ouais. La Polyakov. Bah, ah, si, c'est vrai. S'il a bu de la vodka, c'est un bon dopant, hein. Ouais, c'est ça. Alors, combien tu mets au final? 9. Ouais, tiens, 9, je vais dessus sur le 9 finalement. Ouais, comme Cédric. Allez, 9 aussi, ouais. Comme Romano. Ah non, Romano, t'as mis 7. Ah, merci, ma gueule. Bah, comme Cédric, comme Romano, comme on a tous mis en dessous de la moyenne. Marie, t'as mis? Moi, je suis resté sur les 10 parce que j'ai rien vu. Ah oui, c'est vrai. Et Karim, t'as pas dit, toi? Moi, je dis 7,5, moi. Ah ouais. Parce que je mets des demi, moi. Tu mets des demi, c'est pour faire mec. C'est trop timide. J'adore le virgule. Bon, on vous donne la moyenne. Vous votez sur le 41-759 et sur l'appli Skyrock. Vous donnez une note au bleu. Et on vous donne la moyenne des bleus dans un instant. La note Skyrock de la soirée, la plus importante pour les joueurs de foot, bien sûr. Ah bah évidemment. Vu, hein. Eh ouais. Merci Anto, en tout cas. C'est qui le meilleur, du, cool. Le meilleur du match pour toi? J'ai adoré la rentrée de Dembélé. Très bien. Et quand il a changé Giroud et qu'il a mis Gamero, c'est mieux ou c'est pas mieux? Ah bah là, il a joué 5 minutes. J'aurais préféré Gignac, mais j'étais content quand même. Parce que ouais, Giroud, puis il a changé un peu tard, je trouve. Ouais, Giroud, ouais. Putain, vous l'aimez pas, Giroud. Hein. Ah non, Giroud, je l'aime. Non, mais il est pourri, gros. Il est claqué. Après, il a pas eu énormément de ballons, gros. Franchement, t'as vu la défense de la Biélorussie. Ah bah à l'Euro, il avait fait le job. Un jour, il joue jamais à Arsenal. Deux buts, gros. C'est déjà mieux que rien. Non, mais à l'Euro, il s'était bien démerdé. À ce moment-là, Pogba, il a fait un Euro de merde. Aussi. Ouais, mais il est pas pété comme Giroud. Comment tu dis, Anton, t'entends plus? Pogba, il a de la technique au moins. Au moins, ouais, c'est vrai. Ouais, mais alors il avait pas. Mais à l'Euro, il a pas marqué de but. Dans les pieds, il est emmerdé, quoi. Le ballon, c'est pas son ami, tu veux dire? Non, voilà, c'est ça. Ok, Polo. Ok, Anto, parce que j'ai Paul qui me laisse un message et qui dit je mets zéro au bleu parce que perdre contre la Biélorussie, on n'a pas perdu, Polo. Match nul. Parce que perdre contre la Biélorussie, c'est pas bon. On n'a pas perdu, on a fait match nul. Remonte un peu ta note, je sais pas, mais 1 ou 2. Ah bah tiens, Blue là qui nous annonce une grande nouvelle. Vas-y. Ah. La Suisse a battu les champions d'Europe, le Portugal, 2-0. 2-0, ouais, c'est ouais. Bah nous on a perdu contre le Portugal il y a 2 mois. Voilà, on l'a bien eu dans le cul. Et aussi. Voilà. Salut Anto, merci pour le coup de fil. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un maillot de l'équipe de France? On va t'envoyer un maillot, je vais voir si Cédric a les maillots de l'équipe de France. Sois gentil avec on lui. On va vérifier, mais pas sûr si on sera t-shirt Skyrock. Ok, dédicace à tout le club de l'US Foiré aussi. Eh bah, ben, tu salues tout le monde de l'US, comment il s'appelle? Foiré. Foiré. Ah, c'est mieux que foiré. Je m'étonne. Salut Anto. Tu veux les autres résultats pour les qualifs de Coupe du Monde? Allez, les résultats du foot dans notre groupe à nous. Ouais, ça suffit. Alors, c'est quoi notre groupe, gros? Bah, c'est le groupe des Bleus. Bah, Suède, France, Azerbaïdjan, Suède. Suède, Pays-Bas, un partout. Ouais. Bulgarie, Luxembourg, 4-3 pour la Bulgarie. Dans le même groupe, sinon. C'est ça. Voilà, bah, ça y est, je t'ai tout dit, gros. Il en manque un? Attends, il manque qui? Il manque un, non? Mais ils ont pas joué les autres. Il y a des matchs aller-retour dans ces trucs. Ouais, là, ouais, Bulgarie, ouais. Tac. Non, c'est bon, j'ai tout. Wow, doit être bon, ça. Les 6 équipes, c'est ça. Et sinon, les Belges, ils ont battu Chypre 3-0. Pas mal, bravo les Belges. C'est pour toi, Cédric, ce résultat. Oui, merci, bah, merci. Ouais, qu'on a mis des gonds. Bah, c'est bien de mettre des gonds. Qu'on a mis des gonds, la Chypre. C'est ce que les Bleus. À Chypre, ça. À Chypre. À Chypre. En tout cas, qu'on a mis des gonds quand même. Des Chypre. Bon, merci en tout cas pour le coup de fil, Anto. Merci aussi, nos amis Parano et à Brittany pour le témoignage. T'embrasseras ton pote Parano, hein, Brittany. On te fait un bisou. Ouais, ça marche. Salut, Brittany. Salut. Et donc, on va écouter, Karim. Alors, Karim, c'est toi le Parano de la soirée, mais on sait pas à cause de quoi t'es Parano. Alors j'ai vu des messages que vous avez envoyés. Il y a PS4 qui nous dit je suis parano du genre à me méfier de tout et de n'importe qui. C'est dans ma nature et surtout depuis qu'on a essayé de me raqueter. Mais c'est vrai quand t'as un traumatisme comme ça, c'est des gens qui te raquettent. Ouais, si tu te fais agresser, ouais. Eh ouais, tu peux devenir parano. Hein. Ah bah ouais. J'ai eu le même genre de message. Il y a Sophie qui nous disait qu'elle était parano elle aussi depuis que son mec l'avait fait cocu. Depuis que un mec m'a fait cocu, elle nous dit. Ouais, c'est vrai que ça peut traumatiser un peu. Romano, t'as été traumatisé quand t'as été fait cocu par l'autre qui puait de la peau là. Mais il est toujours peau qui pue. Ah, peau qui pue. Ah ouais, bah ouais, ça m'avait fait du mal. Hein. Mais tu crois que t'es toujours traumatisé un petit peu par ça? Tu restes parano de ça ou pas? Moins, mais toujours un peu. Ouais. Un peu. Mais je pense que c'est dans ma nature. T'es dans ta paranoïa, man? Non, je suis dans ma nature. Ah, t'es dans ta nature. Je suis dans ma nature. Alors, Karim, explique-nous un petit peu, toi. Donc, t'as 26 ans et t'es à Lyon et tu nous as appelé au standard disant je suis parano. Mais pourquoi t'es parano? Ouais, bah en fait, c'est ça, c'est par rapport à ma meuf. Je lui fais pas confiance. Ah mais fais pas confiance à ta meuf, un peu comme le message que je disais là parce que t'as été fait cocu avant. Non pas du tout, non c'est pas ça, c'est bah, pour ce que je sais j'ai jamais été cocu après. Et elle, elle, elle, sympa, hein. Et elle est clean, mais... ou elle a une réputation d'un peu de non, meuf. Non, les clean, ouais, non, franchement, c'est une fille propre. Non, rien. Moi, je suis pas propre. Ah, tu es pas propre, par contre. Si, très propre. Très sale. C'est que je vois les meufs autour de moi, et je vois que même si qu'elles soient avec des pelots ou pas, tu vois, elles ont, ça va à dalle. Elles ont faim. Non, mais toutes les meufs sont pas pareilles. Mais non, mais toutes les meufs, je sais pas. Ah si, je sais pas, je pourrais me dire ça, ouais, toutes les meufs sont pas pareilles, ouais, je suis sur la bonne et tout, mais je fais pas confiance. Non mais tu connais des meufs quand même qui sont tranquilles avec leur mec posé, ou qui sont pas sautées par n'importe qui, ça existe? Bah les, d'apparence, ouais. Attends, tu penses qu'il y a toujours quelque chose derrière et que malgré tout... Non, il y a toujours quelque chose, moi je fais pas confiance, surtout aux meufs. Bon, non, c'est juste les meufs, je fais confiance aux gens, y a pas de soucis, je suis pas parano, je sors dans la rue, j'ai pas peur des gens, c'est pas ça, c'est les meufs, dangereux. Les meufs, c'est dangereux. Ouais, mais bon, t'as jamais eu une histoire avec une meuf qui restait avec toi tranquille et puis bon, les choses. Non, jamais. Ah, mais c'est ça vient peut-être de là. Je préfère ma vraie relation, on va dire. T'as jamais eu de vraie relation? Non. C'est la première vraie relation que t'as avec celle-ci. C'est la première. Ça fait combien de temps que t'es avec elle là? C'est 3 ans. Ah ouais? Bah, au bout de 3 ans, Et depuis 3 ans, t'es parano. Tu lui fais pas confiance. Ah, mais même au bout de 30 ans, je serai parano. Ah, tu penses que tu seras parano? On va essayer de faire quelque chose pour toi, Karim. Ouais, sens, là. Ça me rend fou, tu vois. Bah oui, ça. Je sais que ça la saoule et tout, peut-être des embrouilles. C'est ce que j'allais dire, c'est que toi, ça te bouffe la vie, mais elle, ça doit pas être sympa non plus. Hein. Ah non, mais c'est vraiment pas sympa pour elle du tout, c'est pour ça que j'appelle, parce que là, je passe à elle aussi. Ah oui, ça, tu dois être intéressé. Mais toi, qu'est-ce que tu dis, Romano? Tu devrais être un sacré casse-couille. Ah. Ouais, t'es pas resté avec une nana longtemps, mais genre combien de temps avant? C'était quoi le max? J'ai pas compris ta question. C'était quoi le mec? Nous non plus. Nous non plus, Ted. Je te rassure, Karim, nous non plus, on n'a pas compris. Le maximum de temps qui t'est resté avec une nana avant cette nana. Je sais pas, deux, trois semaines peut-être. Ouais, donc c'est des petites histoires qui allaient vite, quoi. Ah bah là, c'est bien, t'as sur un sacré record. Mais c'était que des nanas qui baisaient à droite et à gauche, ouais, peut-être. Ah bah si ça durait 2-3 semaines, oui, tu t'as eu un début de. Donc du coup, tu te dis que toutes les nanas baisent à droite et à gauche et. T'as eu un début de vie amoureuse, en fait, où tu te tapais des meufs, où elles venaient, tu les baisais. Ouais, c'était vite fait, voilà, c'était puisque c'était l'été. Et toi, tu es trompé? Bah, il est trompé pendant 3 semaines. Non, c'était 2 semaines après. C'était des plans cul. Il n'y a même pas d'histoire en fait, c'était juste pour baiser. Ouais, voilà, c'était juste. Voilà, oui, mais Marie, elle ne comprend rien. Bah, non, je pose des questions. C'est peut-être parce que d'ailleurs, tu as vécu ça que tu te dis que toutes les meufs, elles sont comme ça. Bah, oui. Ouais. Ouais, peut-être. Alors bah, après, ces meufs-là, elles étaient peut-être dans la même phase que toi où elles avaient envie de s'amuser. Puis maintenant, elles sont casées. Il n'y a pas que ça, c'est aussi parce que moi, je l'ai trompé. Voilà, c'est ça, c'était ça ma question. Et du coup, t'as eu, on a toujours ce qu'on mérite. Oui. Non, bah, ce qu'on mérite. Mais elle le sait que tu l'as trompé? Oh, c'est ce que t'as pas de chance. Bah ouais, elle est au courant, bah ouais, elle le sait. Ah oui, et tu te dis qu'elle veut vouloir faire un partout. La même chose. Je sais pas si par vengeance ou alors inconsciemment, ou j'en sais rien, mais. Non, mais fallait pas lui dire déjà. Mais peut-être qu'elle l'a découvert d'ailleurs. Bah elle doit être parano aussi, elle. Ah, mais voilà. Jalouse, c'est justifié encore. Oui, bon, bah, maintenant, t'apprends que t'es cocu, tu vas rarement sauter de joie. Bienvenue chez les parents. C'est clair. C'est clair. Si tu restes comme ça, elle va te larguer. Tiens, c'est le message de l'Algérienne, 22 ans. Bah, je crois qu'elle m'aurait déjà largué, hein, au bout de 3 ans. Ouais, mais déjà, elle est avec lui, alors qu'elle sait qu'elle est cocu. Non, mais puis quelque part, ouais, t'es mal placé pour être parano, parce qu'au final, la parano, ça devrait être elle, celle qui a été cocu, quoi. Ouais, tu dis les filles aujourd'hui, elles sont comme ça, mais c'est quand même toi, le mec. Justement, c'est parce que vu que je l'ai fait, peut-être qu'elle me le fera. Bah oui, mais non, si tu pars de ce principe-là, c'est pas parce qu'il y a un mec qui va, je sais pas moi, se jeter du 14e étage d'une tour, que tout le monde va se jeter du 14e étage d'une tour, ce qui serait con d'ailleurs, parce qu'il y aura plus personne. Ouais, c'est sûr. Ah non, faut pas sauter, Cédric. Mais il y a plein de mecs qui croient qu'ils peuvent, eux, tromper et pas la nana. Tiens, Ophélie, elle est fidèle depuis 6 ans en couple, elle dit, j'ai jamais trompé mon mec. Bravo. Ami Rouche, elle a 19 ans, elle dit, mon ex, il était pareil que Karim, attention, ça m'a saoulé, j'ai plus donné de nouvelles du jour au lendemain, tellement qu'elle en a eu marre, tu vois. Ouais, ça saoule. Ah ouais, ça fait chier. J'ai bourré d'ailleurs, ça va. Oui. Complètement. Tu vois, tu risques de la saouler ta meuf au bout d'un moment. C'est pas parce mais après, comment arrêter d'être parano? C'est ça la question. À lui faire confiance. Enfin, mais comment lui faire confiance? C'est vrai que c'est facile à dire. En la laissant sortir, en la laissant bouger avec ses copines. Mais je la laisse sortir, mais je l'emprisonne pas, je la laisse sortir. Mais tu surveilles son téléphone, tu regardes tout ça? Ah, mais je surveille tout, hein, tout. Non, faut arrêter. Ça rend de toute façon, si elle doit te faire cocu un jour, elle te fera cocu. Donc que tu la surveilles ou pas. Et plus tu vas la surveiller, plus tu vas lui donner. Plus elle aura envie d'aller batifoler à droite, à gauche. Direct, t'auras une raison d'être parano. Non, mais surtout, tu dois la faire chier, quoi. C'était parano. Ça revient souvent dans les messages. Ah non, mais en plus, ouais, elle a tiré le pompon. Ouais, tu l'as fait cocu, en plus, tu l'as fait chier derrière. Ah ouais, elle te dit souvent. Romano, t'es un peu parano, moi. Tu nous as dit avec ton histoire de l'autre qui puait, là. Bah ouais, mais elle m'a trompé deux fois, elle est de quoi être parano. Et donc maintenant, tu surveilles le téléphone? Non, je surveille plus, non. Moi, je suis fataliste maintenant. Je me dis, ça me ferait chier, mais tu vois, je me dis bah comme toi, putain, si elle a envie de me faire cocu, elle le fera, tu vois, même en la pistant nuit et jour en regardant bien tout, sûr. Elle arrivera à me faire cocu, donc ah ouais, ça te ferait chier que la gothique elle ait un autre mec. Moi je m'en bats les gothique, c'est pas elle ma meuf. Je m'en bats la race de la gothique. Karim il a pas suivi. Qu'elle se fasse bien sauter par qui est le mieux cette connasse. Ils sont dans la paranoïa. Oh. C'est le message, des messages sur les paranos là. Ouais, t'es trop parano, elle aussi, ça va partir dans le mur cette histoire. Ah, c'est là. L'enfer. Non mais elle, c'est normal qu'elle soit parano, la meuf elle est elle a été cocu. Et en plus elle t'a pardonné donc. Ouais. Et oui, Astrobal il nous dit "Oh le bâtard, le mec qui fait cocu et après c'est lui qui est paranoïe. J'hallucine." Elle hallucine, Astrobal. Ouais, putain. Ah, c'est vrai que c'est toi qui es en tort, plus qu'autre chose. T'entends, Karim? Ouais, mais bah, tu dis que c'est ta première fois. Je sais que je suis en tort, mais tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Bah voilà, elle fera peut-être une erreur un jour, une nuit. Mais non, mais dis-lui pas ça, en bas, non, mec. Mais t'es, un jour, une nuit. Pas dire ça. Elle sait combien de fois que tu l'as fait cocu? Une. Ouais, une seule fois, en plus, c'est vrai, c'est vraiment une fois. Ah, c'est vrai, vrai, bon. Ouais. Et c'était pas par envie, hein, je sais pas. C'était pas par envie? Ouais, je sais pas, en fait. Ça s'est fait comme ça, quoi. Non, mais genre, c'était lui qui a décidé, quoi. Le hasard. Je sais pas, une grosse pulsion arrive. Ouais, l'occasion a fait le. Ouais, mais ça va, on te pardonne alors, c'est bon. Oui, moi je te pardonne. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça, ouais. T'as raison. Non, moi aussi t'es pardonné, Karim. Tu le voulais pas, toi. Non, mais tu lui as dit ça, mais elle a dû t'arracher les yeux, quoi. Moi, je sais pas, c'est pas moi. Et les filles, elles sont graves avec toi. T'es en train de te faire tailler depuis tout à l'heure sur tous les réseaux. Ouais, mais c'est pas grave. Avec tout ce qu'elles font, elles devraient pas trop parler, celles-là. Tout ce qu'elles font, mais tu sais pas ce qu'elles font. C'est ça, tu mets toutes les nanas dans le même. Je te parle pas de ma meuf. Moi, je te parle de ce que je connais, de ce que j'ai vu et de ce que je vois et de ce que je continue à voir. Voilà, mais t'as pas vu toutes les meufs du monde, hein, donc. Ouais, ben, mais pas tout le monde dans le même sac. C'est beaucoup, j'imagine pas le monde entier. C'est pas bien de faire cocu. Parce qu'après, ça rend parano. Ah, ça c'est bien vu. C'est vrai, en fait, tu l'as fait cocu, t'es devenu parano après. Non, mais essaye de faire des petits efforts et de te dire que de toute façon, oui, que tu surveilles son téléphone, que tu la surveilles, que tu l'empêches de faire des trucs. Bah, si elle veut le faire, elle le fera. Hein. Plus tu prends la tête, plus elle le fera vite. Bah, c'est évident. Bah oui. J'ai taillé le truc, je me dis, vas-y, je vais lui faire confiance, je vais pas l'appeler, je vais pas lui crier, rien, je vais lui faire confiance, mais j'arrive pas, ça bouillonne. Après, quand je l'appelle, Donc, c'est ce que nous dit Célia, il est cinglé, lui. Faites leur descendre et lui expliquer la place de la femme. Non, mais dans la cuisine. Merci Romano. Tu disais, Karim? Non, je sais qu'elle est précieuse, je sais, bien sûr. Que... Non, mais tout est de ta faute. Oh, le, arrêtez. Mais si, c'est vrai, bah attends, je suis désolé. Ah, si t'avais pas merdé, gros, tu serais pas. En tout cas, non. Je sais pas si tout est de ta faute, Karim. Non, mais en tout cas, c'est pas de la faute de ta meuf. Non, le fait que je le fais cocu, ça a rien à voir. Je suis parano de naissance, moi. Ouais. Après, ça se soigne, je sais pas. Faut aller voir un médecin. Il y a des parano partout. Hein. Ah ouais. Tu vois, par exemple, le pote de Karim. Enfin bon, toi, c'est moins grave. Le mec, il se sentait suivi par tout le monde là. Qui est parti en Belgique. Ouais, mais il était en HP quand même. Sans grave, ses papiers. Oui. Donc ouais, il c'est est. Moins grave, non, mais oui. Il a été soigné. Tu vois. Ouais, non, là, ça va très très bien. Alhamdoulilah. Eh ben, tant mieux. Ouais, c'est clair. Il est plus suivi, ça y est. Non, ça va là. Non, il se prend juste pour Louis XIV. Ouais, c'est tout va bien. Il a changé de délire. Une perruque et tout. Tout va bien. Il va retourner la dernière. Oui, sa chambre est réservée. C'est bon. Vous savez que ça peut durer longtemps comme ça. Moi, je suis parano et je suis avec ma meuf depuis 5 ans. Regardez, c'est putain. Alex qui a 20 ans et qui nous envoie le message du 34. Salut Alex. Non, mais il y a des meufs qui supportent. Hein. Oui. Et des mecs qui supportent aussi, d'ailleurs. Hein. Parce que bon, il y a un paquet de meufs parano aussi. Hein. C'est pas faux. Et arrêtez de généraliser. Il y en a plusieurs qui nous disent ça, notamment Carmelo. Oui. Il fait une généralité avec toutes les meufs. T'es peut-être tombé sur une meuf sérieuse, Karim. Dis-toi qu'elle est sérieuse. Ça fait 3 ans qu'elle est avec toi. Elle t'a pas quitté quand tu l'as fait cocu. Elle doit être très amoureuse de toi. Je vois pas pourquoi elle te ferait cocu. Hein. Mais ça, je le sais. Je sais ça. Mais il y a un truc qui me dit non. Attention, fais gaffe. Mmh. Ouais. Bon, c'est plus fort que toi, en fait. Voilà, c'est ouais. Je le gère pas. J'essaie de lui faire quoi. Je me dis, vas-y, c'est bon. Bon, dites-nous si vous êtes déjà tombé sur des gars comme ça, les filles, j'aimerais bien avoir votre avis. Vous êtes déjà tombé sur un gars qui était complètement parano, ou les gars, vous êtes tombé sur une meuf qui était complètement parano. Mais Cédric, t'es parano, ça toi, non, avec aussi. Les meufs. Cédric, c'est vrai que t'es parano. Ouais, avec les meufs, non, je suis méfiant. Avec la tête que t'as, personnellement, je serais aussi parano. Ta gueule, t'as vu la tienne. Non, mais j'ai vu la mienne, oui, j'ai vu la mienne, Cédric. Bah, moi, je suis pas. Non, je suis pas parano. Moi, je suis pas parano, mec. Non, j'ai été méfiant avec les meufs. Non, maintenant, ça va, moi, plus beau que Difool. Non, du fou, il est trop beau. Ah, merci, Cédric. Ah, le suceur. Donc, plus beau que toi, par contre. Et je vais te faire un compliment, Cédric. Ouais. Tu as 2 superbes boutons sur le front. C'est magnifique. Magnifique. Putain, mais déjà hier, hein. Non, j'en avais un. Non, t'en as un. T'en avais un hier, ouais. Énorme et un autre qui a un là, là. Ouais. Un autre qui c'est tout là. Rouge. T'as dû encore bouffer de la sacrée merde. Ouais. Non, j'ai rien mangé de spécial. Non mais putain, touche pas. Mais l'autre, ah oui. Non, mais si, touche-le avec tes mains sales. Mais touche pas. C'est rouge. Ah ouais. C'est rouge et un peu blanc au bout. Bah non, mais il n'y a pas de blanc. Ouais, bah t'inquiète, je vais l'éclater. T'es un peu comme, comme Karim, toi. Non, non, non. Avant, ouais. Avant, j'étais pire que lui. Alors, moi, comment t'as fait? Bah, tiens, bah, donne des conseils. Ah ouais, gros. On a la solution dans le studio. Karim, ouais, t'as entendu? Ouais, j'ai entendu, mais par contre, je vais devoir vous laisser. On finit juste avec le conseil de Cédric. Attends, et parle, par contre, je ne veux pas des conseils de Cédric. Fais un effort, Karim. Écoute le conseil de Cédric. Oui, ça parce va que des fois, plaisir. Il a des idées pas trop mauvaises. Ben oui. Vas-y, Cédric. Non, moi, j'étais pire que lui. J'allais en bas de chez la meuf avec qui j'étais. Je regardais. En fait, je l'appelais. Et elle me dit, ouais, je suis chez moi. Je regardais s'il y avait la lumière de sa chambre qui était allumée. Après, j'allais. Et un jour, en ombre chinoise, il a vu qu'elle se faisait déglinguer. Mais casse-toi. En levrette, toutes les positions. Elle était encore chez ses parents. Parano orang-outan. Ah non, moi j'étais parano de fou. Je pistais son téléphone, je faisais tout. Tout, tout la totale. Mais finalement, elle a réussi à te faire cocu, elle. Bah finalement, on a cassé. Non, elle t'a fait cocu. Non, elle m'a pas fait cocu. Et après, mais moi je vais vous raconter. Parce qu'on connaît l'histoire. Ouais. Allez, je vais vous raconter la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que la meuf. On s'est séparés, elle s'est mis à l'autre. Non, non, Cédric se fait larguer par la meuf. Mm-hmm. Et la meuf vient en bas de la radio avec son nouveau mec pour narguer Cédric. Très bien. Après, Cédric a fait le show, il est descendu. Le nouveau mec de la meuf lui a mis une branlée. Non, n'importe. Il est remonté à pleurer dans les bras de Bifoul. Ah oui, je me rappelle de cette histoire, c'est vrai. Non, je suis descendu comme une bombe. Je voulais le mec, je voulais l'étrangler. Je te jure, j'étais comme un ouf. Ah, je m'en souviens. Là, il y a Bifoul qui m'a engueulé, m'a pris la tête. Bah oui. Bah oui, t'as dit de te calmer. Bah arrête, t'as vu le mec, il va te démolir. Bah oui. J'ai pas envie que tu te fasses casser la gueule. Non. En plus, c'était con. Donc tu vois, ta parano, en fait, ça a pas empêché d'être cocu. Ah bah non, c'est pas. En même temps, on peut la comprendre. Mais casse-toi. Et comment tu t'es calmé? Parce que t'as pas expliqué à Karim comment. Bah non, c'est avec le temps, gros. Hein. Franchement, j'ai pas eu de méthode bien précise. Tu vois. En fait, tu vois, il s'est rendu compte que ça servait à rien d'être parano, d'attendre en bas de chez elle, tout ça. Elle s'est quand même fait sauter. Non, c'est quand même fait défoncer. Mais en fait, défoncer le cul. Et voilà. Il veut défoncer le cul. Et après, s'est fait défoncer le cul, elle va aller en bas de Skyrock. Je me suis fait péter le cul, Cédric. Ouais, ta gueule. Et là, c'est pas comme ça. Cédric était à bout de nerfs. Non, mais avec le temps, gros, moi, c'est passé, tu vois, parce que je me suis dit, ouais, ça sert à rien. Tu te fais du mal pour rien. Alors, tu te rends malade, tu dors mal. Je vais essayer de passer au-dessus, mais bon. Dans un instant. Tu passes, en fait, tu vas passer plus de temps à la pister, elle, tu sais, qu'à vivre ta vie normale, tu vois. Ouais, de bouffer la vie. C'est une obsession. Ouais, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer, parce que après, j'ai du mal à me concentrer. Écoute, peut-être que d'en avoir parlé déjà avec nous ce soir, ça te fera réfléchir. Reste à l'écoute, parce qu'on aura des témoignages qui arrivent dans un instant. On a Amira qui arrive au téléphone avec nous, qui voulait réagir pour ça, parce que je crois que t'avais un ex qui était complètement parano, aussi, qui t'a cassé les couilles, Amira. Tu nous racontes. Hein. Ouais. Salut Amira. Salut Amira. Ça va bien. 19 ans. Salut Amira. Salut. Bonjour. Coucou. Et t'es dans le 95. On aura Pauline c'est aussi, ça. Qui a 20 ans. Alors elle est très très énervée contre Karim. Karim, écoute bien Pauline. Ah bah il y a eu plein de nanas énervées. Hein. Salut. Elle va te remettre en place. Elle va te porter drapeau. Bon, Karim, si t'es obligé d'y aller, reste à l'écoute. Et puis écoute bien Pauline. Amira, elles ont des trucs à te dire. Et vous toutes en direct aussi. On vous retrouve n'importe quand vous voulez. Entre 21h et minuit, c'est la plus grande radio libre de France. La radio qui t'offre le plus de places de concert, c'est Skyrock. This is Rihanna. C'est Nekfeu sur Skyrock. Black M. C'est MHD sur Skyrock. Ah, c'est Jules sur Skyrock. Maître Gims sur Skyrock. Après les 200 premières places pour la toute nouvelle tournée de Maître Gims, Skyrock double la mise. Soprano Baba. Et t'offre 200 places pour voir Soprano en concert dans toute la France. Soprano. Écoute Skyrock à tout moment et choisis ta ville. 200 places de concert Soprano en exclu sur Skyrock. Ouais. Soprano, un concert avec Skyrock. Skyrock. Est-ce que ça va ou pas? Promets sur Soprano. Je Jardine, c'est la toute nouvelle appli gratuite pour créer ton potager sans prendre la tête. Je Jardine, c'est des vidéos pour t'aider à planter des légumes chez toi. Sur Je Jardine, tu visualises ton plan de potager, tu reçois des alertes quand il faut arroser ou récolter et tu partages tes plus belles photos avec tes nouveaux amis jardiniers. Je Jardine est disponible gratuitement sur iPhone et Android. Télécharge maintenant pour profiter de ton cadeau de bienvenue. Je Jardine est une initiative du Crédit Agricole. Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Tu veux rencontrer la fille de tes rêves? C'est facile. Tu peux te mettre au sport, développer des techniques de drague. Bonsoir. Et aller dans tous les cafés de la ville.

soir sur Skyrock. Ouais, ouais, ouais, on est là, et vous aussi surtout, hein, de toute la France. Vous faites péter tout ça, représentez votre région, représentez-vous. Laissez-nous des messages au 41-759 et sur l'appli Skyrock. On salue Mandine, on salue Bad Boy, salut Bad Boy. Ouais, Bad Boy. Ocean qui vient d'arriver, salut à Alex du 33, bonjour à Lézen, à Mathieu, à la jumelle Mandine. Du 4-5, la Mandine qui vient d'arriver. Bonjour à Clem Bird qui est là, Black Goku, qui vient d'arriver aussi. Bonjour Black Goku, c'est Few qui nous écoute, qui est sorti avec une meuf pendant 2 ans, je ne pouvais pas sortir. Elle fouillait tout. Elle, voilà, c'était une grosse parano. Ah putain. Tous les jours, mon téléphone, même les courses, j'en pouvais plus. Bah ouais, on comprend, c'est Few que t'en pouvais plus. Ah ouais. On parle des parano, vous savez, les parano qui vous cassent les couilles. Comme Karim qu'on a eu au téléphone il y a un instant. Ah ben là, on en a un bon spécimen. Ah, ouais. On en avait un bon là. Donc, on va prendre Pauline qui voulait, qui voulait hurler sa haine parce qu'elle n'en peut plus. Elle est à bout de nerfs. C'est ça, Pauline. Et on a Amira aussi qui avait un ex qui était complètement parano. Donc c'est bien que vous nous racontiez ça les filles. Super les filles. Amira du 95, 19 ans, et Pauline 20 ans dans le 6-2, c'est ça? C'est ça, ouais. Et puis dans un instant on aura Mehdi. Alors lui il est où Mehdi? Il est à Orléans. Et Mehdi a un petit problème avec une dame. Il va nous expliquer. Ah. Je sais pas, on va parler cougar, granny. Ouais, mais déjà, ça dit dame, ouais. C'est un peu bizarre, cougar, ouais. Non, mais c'est ce que vous m'avez expliqué. Samy m'a expliqué. Mehdi a un petit problème avec une autre dame. Ou plus mille femmes. Avec une dame. Avec une autre dame. T'es là, Mehdi? Je suis là, la famille. Ça va être chaud, la dernière heure d'émission, là. Une fois que ça part comme ça, je peux vous dire que ça va être chaud. Donc, Mehdi, tu restes avec nous. T'es pas parano, toi? T'es pas comme Karim qu'on a eu il y a un instant? Non, du tout, rien à voir. Alors, je vous donne, juste avant de vous écouter tous, là, Amira, Pauline, Mehdi, puis vous et vous tous et vous toutes qui nous écoutez, je vous donne la note du match des Bleus de ce soir. Vous avez noté les Bleus et vous n'y êtes pas allé de main morte ce soir, puisque la note du match est de 7 sur 20. La note des Bleus, vous y êtes allé sec. Pas mal. 7 sur 20. C'est toi, Romano, qui a mis 7, non? Ouais. Eh ben, ils t'ont suivi, les auditeurs et les auditrices de Skyrock. En moyenne, on a fait une petite moyenne. 7 sur 20 pour les Bleus, non, c'est vrai. Non, mais bon, ils ont pas gagné, c'est la Biélorussie. Ouais. C'est normal, honteux. Ouais. C'est honteux, c'est scandaleux. C'est un scandale. Je sais pas si vous étiez à l'écoute ce matin dans le morning, on était là, on s'appétait déjà. Ah ouais, grave. Je suis révolté. On a fait des pronostics, on était là, allez, 3-0, 8-0, Carriole. Carriole était là, allez, 15-0, ouais. Vas-y, continue, Carriole. Donc, 7 sur 20 pour la note des Bleus. Je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une note aussi pourrie pour un match de l'équipe de France de foot. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, on suivra le prochain. Le prochain, c'est en octobre. Il l'a dit, Didier Deschamps, tout à l'heure. Ouais. Donc, allez les Bleus. Et voilà, on va vite oublier. Le prochain match, c'est en octobre. Merci, Didier. C'est même pas lui qui l'a dit, c'est l'autre qui commente en plus. Ah ouais, parce que je m'en souvenais plus. C'est clair. On va vite oublier le match contre les Biélorusses. Donc, 7 sur 20, c'est la note que vous avez mis. Merci pour tous les messages que vous avez laissés. Ça fait plaisir. Bon, avant d'écouter, Mehdi, on va s'occuper donc de Pauline. Ah ouais, ton coup de gueule, Pauline. Et puis, Amira, tu vas nous raconter comment tu vivais avec ton ex qui était parano. Oh, putain, quel enfer. T'es déjà tombé marié sur des parano. Ah bah, elle a un char de bras. Ah là, tu connais non, la mais lui, de bras. Lui, il a accumulé toute la merde, quoi, en fait. Amira, est-ce que tu connais l'arracheur de bras de Marie? L'arracheur de bras qui se branlait devant une glace. Non, je ne connais pas. Tu connais pas, Pauline, tu connais l'arracheur de bras, toi? Non. Ah, tu connais pas l'arracheur? Alors attendez, il faut qu'on vous raconte quand même qui est l'arracheur de bras de Marie. Racontez-nous. Alors Marie, raconte-nous qui est donc cet arracheur de bras. Un mec parano. Bon, il m'a fait pas mal de trucs. En fait, quand j'ai... En plus, c'était pas des plus moches avec lesquels t'es sorti. Non, et puis il était plutôt sympa, mais bon, il avait quelques petits soucis, quoi. Sauf qu'il était complètement taré. Ouais, parano, jaloux. C'était pas une beauté fatale. C'était celui qui faisait du rugby? Non, rien à voir. Non, rien à voir. Il était. Il était serbe. Il était serbe, ouais. C'est le serbe, c'est lui, ouais. Oui, je t'arrache le bras. Tu vas mourir. Ouais, quand j'ai voulu le larguer, il a voulu partir avec mon bras déjà. J'avais appelé fou, j'avais dit je crois que je vais avoir un problème. Non mais raconte, avant ce qu'il disait, par exemple, alors, le matin au réveil, il avait... Attendez, mais faut juste vous dire qu'il voulait partir avec le bras de Marie, mais c'était pour la bonne cause. Un souvenir. Car il voulait garder un bout de Marie tellement il l'aimait fort. C'est sympa, ouais. Et sinon, oui, au réveil, Romano. Ouais, pendant la relation, avant cette fameuse scène de l'arrachage de bras. C'était pas longtemps avant d'ailleurs. Et Marie se réveillait le matin dans les bras de son homme, et là, il avait des mots doux. Je me regardais, il disait... tu t'es fait baiser par d'autres mecs. Non, mais disais, t'es une pute, non? Genre sale chienne ou une connerie en genre là-bas. T'es une pute, sale chienne, tu t'es fait baiser, bonjour mon amour. Ça, ça devait être, quatre jours avant la rupture, tu vois, avant qu'il veuille me barracher. Non, mais il avait peut-être le syndrome, Gilles de la Tourette, ça y est. Sinon, une fois, je l'avais retrouvé devant le miroir. Sinon, une fois, je l'avais retrouvé devant le miroir en train de se branler en se regardant. Oui, bon, bah ça, très content. C'est pas ça le pire quand même. Ah, et alors, sinon, la parano, mais il était jaloux, parano, dès que je parlais à un mec, c'était l'enfer. Et dès que je couchais avec un mec, alors là. Le mec me critiquait. Le mec faisait une scène, mais de ouf. Non, mais même pas, insulté. Parce que ça n'a pas duré si longtemps que ça. Ça a été encore heureux pour moi d'ailleurs. Et à cause de ça? Et à cause de ça, parce que j'avais eu une vie avant, donc le mec était complètement paranoïaque dès que je parlais à un mec ou que j'avais. Avant lui, c'est bien. Non, mais même quand je venais bosser le soir avec vous, il me disait ouais, je suis sûr que tu niques avec les mecs de l'équipe, quoi. Bah évidemment. Ouais, dire, c'est la moindre des choses. Fallait dire tous les jours, je le suis avant et après chaque émission. Et même pendant. Ouais, et pendant des fois. Ouais. Non, mais pendant. Le taré, quoi. Et ouais. Amira, toi, excuse-moi, Pauline, on revient à toi juste après. Mais Amira, ton mec, puisque toi, t'as eu un ex qui était parano, il était du niveau de Marie au niveau de la paranoïa. Il avait un bon niveau, quoi. Heureusement, c'était horrible. Mais je pouvais pas sortir avec mes copines. Ouais. C'était, tu mens, arrête de mentir, tu vas voir des mecs. Il me bloquait. Alors que toi, t'étais tranquille, fidèle, jamais t'avais pensé à le faire cocu. Bah oui, j'étais tranquille. Enfin, moi, tout ce que je voulais, c'est sortir avec mes copines, profiter. Enfin, normal, j'ai 19 ans, quoi. Normalement, quoi. Oui, c'était pas possible. T'es une pute si tu sors, t'es une pute si tu t'habilles, t'es une pute si tu te maquilles. Ah, tu vois, Marie, y a pas que toi qui te faisais traiter de pute. C'est trop mignon. Sauf que moi, je faisais un peu ce que je voulais. Et puis après, quand il se calmait, c'était ah non, mais je t'aime, c'est parce que je t'aime, que je suis comme ça, machin et tout. Mais il reprenait aussitôt. Dès que je lui disais, je sors avec une copine et tout, ça y est, ça partait en clash. Et t'as tenu combien de temps avec lui? 2 ans et demi, après. Quand même. Bravo. Ah ouais, c'est bien. Enfin, c'est bien, ça a dû être relou. Non, mais t'es solide psychologiquement. J'ai changé de numéro, j'ai plus donné de nouvelles, puis mes copines me disaient, c'est pas une vie. Arrête de reste pas avec lui, quoi. C'est bon, c'est trop. Je pouvais faire que dalle, rien du tout. Ah non, mais c'était tout pute avec lui, tout des débuts, tout. Tu n'es qu'une pute. Est-ce que je t'ai dit que t'étais une pute aujourd'hui, ma chérie? Tu vas acheter du pain, mais quelle grosse pute t'es. Mais c'était envoie-moi des photos avec qui t'es quand je lui disais que je suis dans la rue, mais t'es pute. Et t'as subi ça combien de temps? 2 ans et demi, Marie. Ah ouais, putain. Dès le début, t'es comme ça? Franchement, dès le début, hein. Ah ouais, t'es resté 2 ans et demi. Oh, et comment ça se fait que t'es tombée amoureuse d'un mec comme ça? Si tu l'as fait dès le début, parce que parfois t'as des mecs qui cachent bien leur. Au début, en fait, je me disais, mais vas-y, c'est pas grave, peut-être parce qu'il tient à moi, il va changer. Mais en fait, non, ça a empiré, au contraire. C'est empiré. C'était envoie-moi des photos quand je lui disais que j'étais avec mes parents ou ma famille, ma cousine. Mais envoie-moi des photos, je veux voir s'il y a ton père, je veux voir s'il y a ton frère. T'es dans ta paranoïa. Mais du coup, t'avais plus de copine, quoi. Je suis au McDo, il me dit, c'est un fast time, je veux voir si t'es au McDo, je veux voir comment t'es habillé. Ah ouais, non, parce qu'il y a ça, c'est vrai, quand t'as quelqu'un qui te demande souvent de faire des FaceTime, tout ça, ou qui t'appelle, tu te dis, il soupçonne un truc. Mais du coup, t'avais plus de copines si tu voyais quand même tes copines. Bah si, quand même, je les voyais quand même. T'avais droit à des scènes à chaque fois, quoi. Mais tes copines, elles devaient te dire, barre-toi, quoi. Bah c'est ce qu'on dit. Mais exactement, oublie-le, il te laisse pas vivre, mais c'est un fou, lui, il est complètement taré. C'était ça, mes copines. Tiens. Regarde, il y a Jess qui analyse, qui arrive aux gars qui sont parano comme ça. C'est un gros manque de confiance en lui, ton mec. Bien sûr. Dans un autre sens, il se retrouve qu'aucune. Mais il est un peu comme Karim, en fait. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il était aussi parano. C'est parce qu'il m'avait déjà trompé et je pense qu'il avait peur. Il avait peur que tu le fasses, quoi. Fait que, à chaque fois, quand je n'ai pas signe de vie, t'étais avec un mec, t'as fait la pute avec un mec, mais tout de suite, c'était sa première réaction, en fait. Alors, Miss 13, qui nous dit, moi, j'étais. Il ne sait même pas m'exprimer, m'expliquer ou autre, tu vois. En plus, toi, t'avais rien à te reprocher avec ce gars-là. Mais rien. Il y a Miss 13 qui se conforte dans sa paranoïa, qui nous dit, j'étais parano, mais grâce à ta paranoïa, j'ai découvert que mon mec était gay. Ah, oui. Ah ouais, eh ben, tu avais raison d'être parano. T'as la surprise, quoi. Ah, merde. Ah ouais, ça, c'est parti. Tu vas te dire, putain, je suis sûr que j'ai quelqu'un qui doit me faire cocu avec une meuf. Ouais, ouais. Bah, surprise. Et bah, non, c'est un mec. T'es pas cocu avec une meuf. T'es cocu avec un mec. Bon. Alors, attention, Pauline, toi, tu voulais juste t'exprimer à propos de Karim, qu'on a eu donc, il y a un instant, le parano, hein. Vas-y, révolte-toi. Oui. Alors. Bah, en fait, c'est la façon qu'il parle des filles, en fait. Qu'est-ce qu'il a dit, Karim, qui t'a pas plu? Allez-y, les filles, défendez-vous. Bah, en fait, ça fait comprendre qu'on était tous des putes, on va dire, tu vois. Ouais. Et j'ai horreur de ça, parce qu'on n'est pas tous les mêmes, en fait. C'est ça que je lui ai dit, t'as entendu, mais il m'a dit, ouais, mais même si elles ont l'air, elles cachent un truc. Ah ouais, mais on n'est pas tous pareils, Puis lui, il parle alors qu'il a trompé, donc à la base, il doit se la fermer, en fait, tu vois. Ça, c'est le nombre de messages qu'on a reçus de vous, les filles, qui étaient déchaînées tout à l'heure contre Karim, parce que c'est vrai que si vous venez juste d'arriver, Karim nous a raconté qu'il était parano depuis 3 ans avec sa meuf. Ouais, il la surveillait, qu'il disait que forcément, comme c'est une meuf et que toutes les meufs, elles sont comme ça aujourd'hui, elle le fera cocu un jour ou l'autre. Et juste après, il nous a expliqué que lui, il l'avait fait cocu. Ouais. Et qu'elle avait pardonné. Et à ce moment-là, vous vous êtes déchaîné. Je sais pas, j'ai vu des messages avec des mots comme enculé, salaud, va te faire enculer. Ah, il y a eu beaucoup de messages, effectivement. Je te confirme. Des messages qui défilaient les uns derrière les autres. Et donc, toi, Pauline, après, ça t'a énervé aussi. Ah, oui. Bah ouais, c'est normal. Bah, c'est parce que qu'il soit parano, bon, on peut comprendre parce qu'il est amoureux de sa femme, mais bon. À la base, un couple, il doit avoir de la confiance, donc voilà. Après, ça, c'est pas mon problème. Mais c'est la façon qu'il parle des femmes. On n'est pas toutes pareilles, en fait. Et là, il a trompé, donc à la base, il doit se taire. Si vous étiez toutes les mêmes, allez, à quoi ça servirait de vous faire cocu? Ah ben voilà, oui, c'est vrai. Non, mais franchement. Parce que, moi, j'ai jamais trompé, moi. Moi, ça fait 5 ans que je suis en couple, j'ai jamais trompé. T'as 20 ans et depuis l'âge de 15 ans, t'as le même mec. Ouais. C'est mignon. Ah ouais. Ah ouais, c'est ma deuxième relation la plus longue. Ouais. Bah, moi, j'ai un pote, hein, il est sorti à 15 ans avec une meuf, il est toujours avec, mais il l'a fait cocu un paquet de fois. Hein. Ah bah voilà, ah ouais, bah, c'est ça le truc. Bah, elle le sait pas, elle est heureuse. Non, elle le sait pas. Bah, voilà, ouais, mais c'est super, elle le sait pas, mais tous les potes le savent. Mais comme c'est mignon. Tu passes vraiment pour la conne de service, quoi. Non, mais ce qui est terrible, c'est que quand moi je la vois, j'y pense forcément. Bah ouais, non, mais c'est ça. Pour ça, mon pote qui est quand même un gros baiseur. Non, mais c'est horrible. Et donc. Elle le sera si elle écoute la radio. Ah merde. Oh, mais je n'ai plus des potes comme ça. Elle était tous mes potes qui devaient être complètement parano eux aussi. On comprend pourquoi. Voilà. Romano, truc à nous raconter, non? Parano avec la gothique qui t'avait cocu avec un keuf, non? Ça n'a pas déclenché une parano? Non, mais elle m'a rien fait cocu avec un keuf. La meuf, j'appelle pour la larguer, elle me raconte ça, mais je m'en battais les couilles. L'autre mais mais fais-toi sauter par la caserne entière. Et puis va savoir si c'était vrai. Bon, ben en tout cas, merci pour. C'est bon, ça va mieux, Pauline, hein. Merci pour les messages. Ah ouais, tu t'es défoulé. Ah ouais, ça m'énerve encore un peu. Encore. Alors vas-y, finis-toi là, vas-y. T'as encore un truc à nous dire, un petit enculé qui doit sortir. Bah, j'ai déjà sorti. Par message, on salue Karim le parano. Hein. Je suis dans ma paranoïa. Mais complètement paranoïa. Ah non, mais à fond, il doit aller se percer. Ouais. C'est pas possible. Je suis dans ma paranoïa. Paranoïa. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Bon, tu vois, Amira, toi, qui est tombée sur un parano, maintenant tu les repères, tu les évites, tu fais comment? Ah bah oui, Amira. Ah ouais. Attends, je t'avais coupé. On t'entendait pas. Ouais. Tu disais? J'ai dit que ça m'avait tellement blasé que franchement, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas trop envie de me remettre en couple. Hein. Ah ouais, j'ai envie de rester tranquille, ah ouais, t'es bloqué. Solo, respirer. Ouais, en même temps, le mec, il t'a bien saoulé pendant 2 ans et demi. Oui, il a chier 2 ans et demi. Je vais faire une pause. Ouais. Ouais. T'as 19 ans, t'as le temps d'en profiter. Au moins, au jour d'aujourd'hui, si j'ai envie de partir avec ma pote, je sors, il y a personne qui me prend la tête, et j'ai envie de mettre une robe, il y a personne qui va me saouler. Non, c'est bon. Mais après, tu peux tomber sur un mec sympa qui te fait pas chier. En même temps, là, t'étais quand même tombé sur un phénomène, quoi. Ouais. Oui, il était pas mal, celui-ci, là. Ouais, puis c'était assez long. Enfin, le problème de ça, de la paranoïa, c'est vrai que tu bousilles complètement ton couple, quoi. Tu te bousilles toi et tu bousilles ton couple. Ouais, ça veut dire que t'es. Mais je t'aime, c'est parce que je suis comme ça, parce que je t'aime. Mais oui, mais si tu m'aimes, fais-moi confiance. Mais non, j'arrive pas, je peux pas. Mais c'est bon. Et c'est discontinu. Bon, on espère qu'on aura fait du bien à Karim. De toute façon, quand vous avez un problème, rien que le fait d'en parler, d'écouter d'autres personnes qui en parlent aussi, parfois, ça débloque un truc. On espère pour Karim et surtout pour sa meuf, la pauvre, que ça va débloquer sa paranoïa, bien sûr. Je suis dans ma paranoïa. Merci Amira, on te fait de gros bisous. Du coup, je peux faire une dédie, s'il te plaît. Vas-y, dédie. Je fais un gros bisou à Anne Lebronac, là, qui m'écoute. Gros bisou, ma chérie. Bisous. Voilà. Bisous, Amira, t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Et bisous, Pauline aussi. Salut. Ciao. Salut, les filles. Mais d'ailleurs, Cédric, pourquoi ça fait 5 minutes que tu suces un bic? Moi, si le bic. J'en peux plus, j'ai envie de sucer une grosse queue. Non, mais depuis tout à l'heure, je le regarde. et il suce. Non mais t'es mal. T'as pas remarqué Cédric, souvent t'as un truc dans la bouche. Ah non. Si si, le matin par exemple, tu sais quand tu décrottais le nez, après tu mets tes doigts dans la bouche. J'ai remarqué, Romano m'a fait la même remarque ce matin. Mais c'est abusé comment tu manges. Après j'ai remarqué aussi le bic. Bah tu vois, Romano s'en est rendu compte aussi, le bic dans la bouche. Non, je mangeais le bouchon vite fait. Et sinon l'autre jour, je sais pas ce que tu faisais, le micro, tu l'avais mis entièrement dans ta bouche. Ah ouais. Bah il tient. Bah oui, putain, mais tu peux prendre du gros calibre. Hein. Sortait de mon cul aussi. Elle est... Et tu l'as mis dans ton cul avant. Ouais, juste avant. Ah ouais, écoute. On s'amuse, hein. Les mecs, si vous avez une grosse bite, sachez qu'elle peut rentrer dans la bouche de Cédric. T'as vu un peu? Et dans son cul aussi. Bah, dans son cul aussi, si ça vous intéresse, les gars. Il y aura peut-être moins d'amateurs. Et ma main, Romain, hashtag... elle peut rentrer dans ta gueule aussi. Hashtag grosse queue dans la bouche de Cédric. Ouais, bien sûr. Ah ouais, vas-y. T'es malade, toi, quoi. Bah, c'est le hashtag que je lance. Quoi, ton hashtag pété? Bah, je lance l'hashtag que je veux. Hashtag. Claqué ton hashtag. Grosse queue dans la bouche de Cédric. Ah ouais, vas-y. Ouais, grosse maman dans ta gueule aussi. Non, mais ça marche pas, c'est trop long. Si tu veux pas qu'on essaye. Ah, attendez, on file en Espagne maintenant. Je vous rappelle que si vous étiez pas là tout à l'heure, on a vous avez une minute, les gars. On a une minute. Vous avez loupé Xavier et Clara qui s'apprêtaient à aller en club échangiste. Ils nous appelaient pour savoir ce que vous en pensiez, vous les auditeurs de Skyrock. Vous étiez 22% à dire ouais, c'est cool quand on est en couple d'aller en club échangiste, mais surtout 78% chelou, à dire non, c'est dangereux. Et ben ils sont de retour avec nous puisqu'ils sont dans le club échangiste où ils sont rentrés. Et en secrète parce que le téléphone est interdit en fait pour pas faire de photos et de vidéos. Ah, donc c'est pour ça. Dans une minute ils coupent. Allô Xavier. Ouais, allô. Ouais, alors, chut, faut pas parler trop fort. On est au niveau du casier, on peut pas trop parler fort parce que sinon, c'est un viré, y a pas droit au téléphone dedans. Ouais, il m'a dit, Samy. Alors, donc, vous êtes à Barcelone, dans le club FMVF. Le plus grand d'Europe. Le plus grand club échangiste du monde. Ah ouais. C'est ce qu'ils disent sur Internet. Waouh. Donc, alors, il faut y croire. Comment ça se passe? Bah, il y a la piscine, on allait, au jacuzzi. Mais ça a l'air propre. On a mis une petite pipe dans le jacuzzi, je vais bouffer la chatte un peu, tranquille. Clara, tu l'as fait avec ta meuf, tu as fait avec Clara. Ouais, j'ai fait avec ma meuf, ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? On vous matait? Ils étaient que tous les deux. Vous étiez... Ah, il y a personne qui vous regardait. En fait, il y a que 8 clients dans la boîte pour l'instant. Ah ouais? Il y a un grand client qui regardait. Pour la plus grande boîte d'Europe, galère un peu. Qu'est-ce que tu dis, Clara? On s'est en couple, on s'est pas échangé, ils avaient juste des... Exhib, mais pas échangé. Oui, tu veux me dire, t'as pas trop le choix, là, pour l'instant. Hein. Et ils sont comment, les clients? Quel âge? Les 8. Il y a que des couples, pour l'instant. Ouais, mais quel âge? Genre, la trentaine maximum. Ah merde, parce que j'aimerais me faire sauter par un vieux. Va, ah, dommage. Non, mais tant mieux. C'est bien. Ouais, c'est cool. Mais c'est quoi l'heure d'affluence maximale? C'est pas maintenant, j'espère. Parce qu'autrement, non, c'est l'heure vers 1h du matin, apparemment. D'accord, vous allez donc vous allez rester là-bas jusqu'à 1h du matin. Mais t'as déjà giclé, toi? On va jusqu'à 3h, nous. Ah, c'est la fermeture, carrément. Mais t'as déjà joué? Non, mais bon, il y a les consommations gratuites en plus, donc c'est cool. J'imagine que tu as consommé un petit peu, Clara. Non, même pas. Ouais, si, un petit peu. Qui, la bite de Xavier? Faut pas se mentir. Dans la piscine. La piscine, la bite de Xavier. Dans le jacuzzi. Et t'as piscine. C'est comme Marie, picole un peu. Mais t'as déjà éjaculé, toi, Xavier? Non, pas encore. Ah, donc elle t'a juste sucé, c'est juste... On y va tranquille. D'accord, tranquille. Et Clara, tu crois qu'il y a moyen dans une heure, là, quand tu seras un peu bouillante, avec un mec de la boîte, un client? Non, je pense pas, non. Bah, c'est-à-dire que tu seras remonter jusqu'au casier et tout, là, Il comprend rien, je crois. Non, tu penses pas que tu te feras un autre mec que Xavier dans la soirée, en gros? Non. Xavier, après quelques verres, il y a moyen. Xavier, ça te dérangerait pas de voir ta meuf faire l'amour avec un autre gars? Ah non, c'est plus elle que ça dérange. Bah, si moi, je me tape la meuf de l'autre gars, il y a moyen. C'est ça en fait le truc. Et toi, Clara, ça te dérangerait pas de voir Xavier se taper une autre meuf, si ou un petit peu? Ça me dérange pas de le voir avec une autre fille. Ça te dérange pas de le voir avec une autre fille, elle nous dit. Mais. Mais je vois pas qu'un autre mec me touche. Et tu veux pas qu'un autre mec te touche? Je crois que ça convient tout à fait à Xavier. Xavier, il est content. Mais pas une autre fille. Ah oui, lui, il est content, mais il aimerait bien me voir avec quelqu'un d'autre, lui. Mais moi, je ne sais pas. Ah ouais, c'est marrant. Et une autre fille, non? Non plus. T'as jamais eu envie de te taper une fille? Parce que Marie était très très chaude. Toi, Marie, hein. Mais je pose la question. Xavier veut te démonter, Marie. Non, mais ça va pas, non. Avec plaisir. Ah, si, moi, ça ne passe pas. Il est peut-être beau gosse. Bah, mais même, ça va pas, non? Bah, pourquoi même, ça va pas? Bah, je suis bien membré. Il est bien membré. Ouais, bah, écoute, Clara, il a une grosse bite, là. Il y a une grosse bite, Xavier, Bah, tant mieux pour Clara. Tu dis oui, Marie, elle file à Barcelone dans la soirée. Bien sûr, t'as raison, ouais. Si, c'est sûr. Bon, bah, écoutez, vous nous faites une belle nuit et demain soir, vous nous racontez tout ce qui s'est passé. Et ne vous embrouillez pas. Voilà, pas de problème. Et les autres couples, ils ont commencé à baiser, sinon? Non, il se suce juste. Il se suce tranquille. Normal. Il y avait un couple qui était chaud patate. Ah, chaud patate, c'est l'apéro. Ah, ils sont chauds. Bon, pour l'instant, ils sont 8, hein, donc c'est pas le top de la soirée. C'est 4. J'espère qu'ils seront plus nombreux dans quelques heures. Vous restez là-bas jusqu'à 3h du matin et nous, demain soir, on prend des nouvelles. Ah, bah, on fera le bilan de la soirée, ouais. Rappelez-nous demain, on est joignable à n'importe quelle heure. Vas-y, début de soirée, t'inquiète. Très bien, bah, dès 21h, on peut vous appeler. On est là dès 21h. Il y a moyen de gratter. Ah oui, t'inquiète pas, Xavier. On va gérer ça. On va vous remercier pour que vous représentiez Skyrock dans le club échangiste. On va vous envoyer le t-shirt Skyrock à la maison, un chacun, parce qu'on est comme ça, bah Skyrock. Oui. Un pour Clara et un pour toi, Xavier. Pour deux, c'est chaud. Voilà, en Espagne, c'est chaud. Ah, allez, c'est génial. Allez. Aïe. Caliente. Caliente, le club échangiste. Ça vous a donné envie d'aller y faire un tour ce week-end, Romano? Mais j'ai rien de prévu. Ah bah voilà. Je me suis dit, allez, tiens, pourquoi pas y aller? Un petit club échangiste. Non, moi, ça me dit rien. Mais Karim, bon. T'es déjà allé dans un club? Non, jamais, gros. Non, ouais, jamais. Été, moi. Moi aussi. Oui, je sais, il a fermé, tu nous as dit tout à l'heure. Non, c'est un pote à moi, il m'a fait une blague, il m'a dit, viens, on va dans un bar. Mais ça, c'est bizarre, c'est vrai. En fait, c'est un club échangiste. Mais le club échangiste dans lequel t'es allé, qui a fermé derrière. Juste derrière la radio. Bah ouais, t'étais allé dans une. Tu sais, t'avais pris un abonnement à une piscine. T'y es allé, elle a fermé derrière. C'est dingue. Il y a quelque chose de bizarre quand tu pourris les endroits. Non, je pourris pas les endroits, Marie. Tu portes la poisse, non. Il y a un truc bizarre. Non, pas, ou alors, peut-être que tu vides les... C'est pas Romano, par exemple. Tu ouvrirais un restaurant. Est-ce que tu inviterais Cédric pour faire un peu de clients en plus, pour montrer aux clients qu'il y a bien... Mais l'inviter gratuitement ou en payant déjà? Non, est-ce que tu le ferais manger chez toi? Ouais, mais tard. Ouais, tard, quand il n'y a plus personne. Voilà, je dirais, viens à la fermeture, on sera plus tranquille. Pourquoi tard? Pour le cacher du reste de la clientèle. Je mettrais une petite pièce à part. Tu vois, toi, il est fou. Mais pourquoi le cacher? Bah non, mais bon, voilà, quoi, c'est pas non plus. C'est pas non plus quoi? C'est pas un mannequin, quoi. Tu prends pour un mannequin, toi? Ah non, mais je me trouve plus beau que toi. Ah bah moi aussi, je me trouve plus beau que toi. Ah bah écoute, t'as des goûts de chiottes. Ta gueule, toi, il est fou. Non, mais il a le droit de donner son avis. Allez, bah moi aussi, je donne mon avis. Mais c'est bien, donnez tous votre avis. C'est fou. Bon, dans un instant, il y a Drake qui arrive et dans une demi-heure on vous offrira les places pour aller voir Soprano. Et oui, Soprano en tournée en toute la France avec Skyrock. Je vous donne pas les villes parce que ce matin j'ai commencé à vous donner les villes. Il y en a plein. Et je me suis dit, faut que j'aille jusqu'au bout. Ça a duré 10 minutes. Je peux y arriver. Il y en a un paquet, 10 minutes. En tout cas, il tourne dans toute la France, forcément près de chez vous. Si vous voulez aller voir Soprano, dans moins d'une demi-heure, je lancerai le top au 720-20. Vous pourrez envoyer roulette. Mais attendez un petit peu. Par contre, sur le 720-20, vous pourrez envoyer 1500. Ça, c'est 24 heures sur 24. Ça marche, C'est pour gagner 1500 euros le matin et augmenter vos chances de gagner. Vous envoyez 1500 au 720-20 et on vous appellera peut-être demain matin. Dès 6h, 1500 euros à gagner toutes les demi-heures. C'est dans le morning, c'est sur Sky 720-20. Vous envoyez 1500 et c'est peut-être pour vous dans la poche. C'est tombé ce matin encore. Bravo. C'est qui a gagné ce matin? C'est Dalila qui a gagné. Ouais, c'est une fille. Hein, c'est ça. Ouais. Dalila qui a gagné les 1500 euros. Ça sera peut-être pour vous demain matin. Allez, Mehdi arrive. Elle était de Montpellier, À Montpellier ce matin pour les 1500 euros. Mehdi de Orléans. Salut Mehdi. Salut l'équipe, comment vous allez? Ça va bien, Mehdi. Salut Mehdi. Donc toi, t'as 23 ans. Ah, c'est toi qui vas nous parler d'une dame. C'est ça, tout à fait. Alors, tu nous parles d'une dame de quel âge? De 35 ans, 36 ans. Ah, ça va, c'est moi, je pensais. Ah, oui, ça va. C'est une cougar ou une granite. Ah, 35, ouais, moi, je pensais la cinquantaine, quoi. Ça va. Toi, t'en as 23, t'as 23 ans, Mehdi. C'est ça. Bon, il va nous raconter ce qui s'est passé avec. Ça va être chaud, ça, dans un instant. Ne bouge pas, Mehdi. Reste avec nous. Ça arrive après Drake. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 20 000 euros en cash. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. C'est gagné. C'est pas vrai. Une vingtaine d'iPhone. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Des familles. C'est encore une arnaque ça, Des campings. Une semaine de vacances gratuite, ok madame? Gratuite, bien sûr, tout à fait. Et ce n'est que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Le 3692 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes. Échangez vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 3692, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 3692. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. The Morning Show. Envoie 1500 au 720-20 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de Difool. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. C'est reparti sur Sky, Drake et One Dance tout de suite. 21h minuit, Difool, Radio Libre, tous les soirs sur Skyrock. Baby, on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake et One Dance, gros son et grosse découverte Sky. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh oui, Drake avec bientôt une surprise. Si vous kiffez Drake, restez bien sur Skyrock. On va vous annoncer pendant le mois de septembre une belle surprise avec Drake. Découvert sur Skyrock. Ça fait un moment qu'on le passe, Drake. Des années. Ah ouais. Drake et One Dance qu'on vient d'écouter là, à l'instant sur Skyrock. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On a Mehdi en ligne avec nous. Ah oui, Mehdi avec sa dame de. Bon, 35 ans. Moi, je pensais que c'est. Je suis déçu, Mehdi. Hein. Je pensais que c'était une bonne granny. Ouais, qui était quand même pas. Plus vieille, quoi. Au minimum, une cougar, enfin, tu vois, un truc qui a vécu quand même. Ah bon. Oui, mais elle a déjà vécu quand même. Bah, par rapport à toi, ouais, 23 ans, ouais. La meuf la plus vieille avec laquelle t'es sorti, Romano, c'est la mère de la gothique. Je suis pas sorti avec elle, quelle horreur. T'avais envie, non? Oh non, quelle horreur, elle était abaisable. Toi, tu sors avec des Elle était monstrueuse. T'es sorti avec des meufs de ton. Moi, je sors souvent avec des meufs plus jeunes. Ouais, plus jeunes, ouais. Même quand de, tu vois, même de mon même âge, quand... ouais, maximum de mon âge, ouais. Même quand j'étais au bahut, tu vois, ma première meuf, elle avait un an de moins que moi, déjà. Voilà, moi elles en ont un peu plus. Non. Pardon, elles ont quel âge, Cédric? La dernière avait 11 ans. Alors ouais, encore au bahut. Bah ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Mais bon, ouais. Là, je suis sur un coup, sa petite sœur. Ouais, ouais, bah elle oui. En a 8. Alors, donc toi, la dame, je l'appelle. C'est quoi? C'est une meuf avec laquelle t'es sortie, toi, Mehdi? Non, du tout. Je suis pas sorti du tout avec elle. Alors, explique-nous un peu ce qui se passe avec cette dame. Bah en fait, c'est super compliqué. En fait, c'est ma voisine. Ouais. C'est ma voisine de mon appartement. Ouais. Et elle habite juste au-dessus de moi. Et un soir, on se croise souvent, tout simplement. On se croise souvent parce que c'est ma voisine. Mmh. Et elle a des enfants, bien sûr. Elle en a 4 exactement. Ah, elle a bien bossé à 35 ans quand même. Ah oui. Ouais, ça. Et on se croise souvent, on se dit bonjour. Et un soir, je suis passé pour rentrer chez moi et elle m'a intercepté par la fenêtre. Elle m'a dit oui, comment tu allais et tout, j'ai dit ça va nickel. Et puis d'un coup, elle m'a dit je suis toute seule à la maison, les enfants ils sont pas là. Oh, là déjà, j'ai compris quelque chose. Moi je croyais que voilà, elle me remerciait pour voilà. Mais des fois, les enfants ils font des petites bêtises, hein. Et moi je les recadre un petit peu quoi. Mm-hmm. Mais bon, tant plus, j'ai pas d'arrière-pensée. Et puis à partir de là, je suis monté dans l'appartement. on a discuté, on a sympathisé un petit peu, on a parlé, et là, tout a basculé. Tout a basculé, tu l'as basculé, hein, c'est ça? Tout a basculé, et dans le moment même, je n'ai pas réfléchi, je suis vraiment rentré dedans, et voilà, lors de l'aujourd'hui... Tu l'as baisé, concrètement. Voilà, quoi, je l'ai baisé, quoi, je vous dis la vérité, je lui ai mis deux, trois fois, quoi. Après, maintenant. Hey, c'est pratique, elle habite à côté de chez toi, donc. Hey, un étage à faire et hop, tu vas à la ken. Quand t'as envie de te vider les couilles, c'est aussi pratique que YouPorn à la maison. Ah ouais, c'est bien, c'est juste à côté. Ouais, mais bon, après, voilà, c'est la copine à ma mère, des fois, ils se posent ensemble dehors, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Et voilà, et personne n'est censé de rien savoir, donc. Mais toi, ça t'a excité ou. Ah oui. Ouais, ça t'a excité grave. Sur le moment, j'ai pas réfléchi, quoi. C'est... Je suis vraiment rentré dedans. Mais avant qu'elle te. Elle t'avait. Est-ce que tu, par exemple, tu t'étais déjà branlé sur elle ou t'avais déjà fantasmé jamais, sur elle jamais. Avant qu'elle te jamais. T'appelle à la fenêtre et qu'elle te dise allez, je suis tout seul, il y a oui, pas je suis même toute pas, seule. Même pas. Je suis toute seule et je suis à poil. Ouais, en gros, quand elle t'a fait coucou, t'as compris tout de suite qu'elle avait envie de quelque chose, quoi. Monte-moi Ken directement, quoi. Sauf que moi, sur le moment même, j'ai pas réfléchi parce que j'avais pas d'arrière-pensée. Ah, mais réfléchis pas, Ken-moi. Voilà, c'est ça, Romano. En plus, c'est une amie de ta mère. Voilà, bien sûr. Voilà. Mais toi, tout le monde se connaît. Ah, mais t'habites chez tes parents, en fait. Voilà, c'est ça, de ta ah, mère. Ah, ok. Et toi, Romano, une amie de ta mère, ça t'a jamais excité? Ah non, putain, non. Non. Pourquoi? Bah, je sais... Non, mais moi, les vieilles, ça m'attire pas. Moi non plus, je suis pas trop... Ouais. Vieille. Mais après, chacun voilà, son truc. Moi, 35 ans, toi, elle est pas vieille. Hein. Non, mais. Ah, c'est pas son âge. Hein, mais quand on est vieille, c'est plus vieille que toi. Ouais, genre 50 piges, tu vois. Si t'as 23 ans et que tu sors avec une 35 ans, ouais, elle est vieille que toi. Oui, heureusement qu'elle est encore fraîche, ouais. Voilà. Elle a le temps de parler. Oui, elle a le temps. 55, c'est différent déjà. Ah, bah, c'est beaucoup plus vieille. Oui. C'est plus vieille, là. Oui, c'est différent. Et donc là, maintenant, tu t'appelais parce que t'as un problème avec elle. Donc tu l'as baisé trois fois, c'est ça? Voilà, c'est ça. Dans la même soirée, ça a duré une heure et demie, facile. Hein. Ah, tu l'as baisé trois fois dans la même soirée? Dans la même soirée, directement. Et après, il n'y a plus rien eu? Non, mais écoute, justement, là, aujourd'hui, je l'esquive. Moi, je ne suis pas là la semaine, je travaille en dépassement. Et quand j'arrive le week-end, et tu sais, j'essaie de l'esquiver, parce qu'elle a kiffé sur moi. Elle a kiffé. L'amoureuse, on dirait. Ouh, Mehdi, je suis là, je suis à poil. Et les enfants ne sont pas là. Et voilà, et justement, tu vois, j'ai un petit peu peur pour ça, tu vois, j'ai un petit peu peur. Que, mais t'as pas envie d'arniquer de temps en temps, quand même? Donc, peut-être de temps en temps, mais honnêtement, on l'a vu que ça me fait peur que, voilà, qu'elle tombe vraiment là. Ah, t'as l'impression qu'elle va être à fond sur ah toi. Ah oui, en fait, pas à fond, ça serait juste. À fond, ouais. Et faut pas oublier, c'est ma voisine, les gars. Et en plus, la copine de ta mère. Voilà, c'est ça l'équipe. Ouais, en gros, elle t'expliquerait qu'elle est comme toi juste pour prendre du plaisir. Ça irait très bien, mais comme tu sens qu'elle est en train de tomber amoureuse, ça te bloque un peu. Ah oui. Attends, on est en train de coucher ensemble, mais dis-moi l'amour, dis-moi d'amour. Mon amour. Mon amour, tu es le nouveau père de mes quatre enfants. Ah ouais. Le truc qui te flippe. Là, tu débandes direct. Oh, elle me dit mon homme, ça fait une heure qu'on couche ensemble, je commence à. Voilà. Il y a Fibra qui a 35 ans et qui est du Rhône. Ciao Fibra. Qui nous dit l'avantage avec les vieilles peaux. C'est qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin. Ça se termine dans le cul, sans négocier, mort de rire. Donc lui, il a 35 ans, mais il préfère les meufs encore plus vieilles qui ouais, mais après, c'est pareil, il y a une vieille, elle peut tomber amoureuse de toi, t'es tranquille. T'es content du voyage, quoi. Non, mais là-bas, c'est un plan cul, puis après, ouais, elle tombe amoureuse. Il y a Jules qui me fait que son histoire me fait bander. J'espère qu'il s'est régalé. Jules est très excité par les dames d'un certain âge. Non, mais je crois que Jules, il est à peu près excité partout. Partout, ouais. Même les animaux. Ah, on sait pas. L'autre jour, on a eu un sujet sur les cafards. Et ben, Jules il a kiffé. Ouais, était en train de se branler chez lui. Grave. Et ouais. La meuf est partie dans un délire. Mais ouais. Elle est dans un délire, elle est en train de tomber amoureuse de toi, ouais. Ah bah manifestement. Ah bah t'as un sacré bonus. Ta meuf, elle a 4 gosses et tout. Du jour au lendemain, tu t'en trouves 40, 4 gosses. C'est pas mal. Ah, t'es refait. Sans arrêt et sans avoir rien eu à faire. Ah ouais, franchement, ils sont là, livrés avec. C'est dans cadeau, le package, quoi. Ouais. Oh, l'enfer. Qu'il se méfie, ce genre de milf va lui faire un gamin dans le dos, nous dit Zarzat de Cherbourg. Ah, je prends les précautions, hein. T'as raison. Et la meuf, tu sais, psychologiquement, elle fait équilibrer ou c'est un peu. Ouais, elle est cool, elle est comment? Ouais, elle est cool. Voilà, quoi. Après, elle a souffert, en fait, à l'époque. C'est pas une folle dingue, quoi. Et puis le fait que des fois je recadre un petit peu ses enfants, tu vois, des fois elle le voit, tu vois. Peut-être qu'elle te voit comme le futur père de ses gosses, fais gaffe. Ouais, justement, c'est pas ça en fait, c'est moi le fautif dans l'histoire. Ouais. C'est moi le fautif. Non, c'est toi le fautif, coup, vous étiez deux. Hein. Ouais. Après, voilà. Mais dis, je crois que ça va être un bon papa. Après, voilà, là des fois je la croise et elle me dit bonjour et en fait, elle veut que je parle avec elle. Et sauf que moi, je pars aussi vite. Aussi vite. Je dis bonjour, je pars. Oui, alors j'ai des trucs à faire. Tu tiens. Bah ouais, ouais. Et toi, Cédric, la cougar là, qui habitait dans ton immeuble. Ah, mais c'est un peu. Elle a des puces, elle s'est pas attachée à toi ? Non, non. Non, bah attends. Ah ouais, bah. Non, non. La meuf, elle est pas aveugle, Marie. Ouais, quand même, il y a des limites. Non, mais elle voulait juste baiser, tu vois, là. Sait-on jamais ? Cas social. Mais elle est quand même lucide. Elle, c'était qu'une fois, tu vois. C'était une voisine aussi. Oui, Cédric s'est fait dépuceler par une. Elle était pas dans mon immeuble. Un engin, lui, c'était un engin. Si, un engin tout terrain qui s'était fait sauter. C'était la dépuceleuse du quartier. Non, mais elle aimait le sexe, elle a envie de se faire baiser. Ouais, non, mais elle, par exemple, tu vois, c'était une. Elle aimait pas le sexe, elle aimait les sexes de tout le monde. C'était un peu une folle. Elle aimait le sexe en général. Elle était un peu déséquilibrée. Ouais. Ouais. Oui. Ça nous dérangeait pas, nous, pour dépuceler tous les mecs du quartier, oui. Genre tes puceaux, tu vas la voir, hop là, fini. Ah bah ouais, terminé. Tu prenais ton ticket. Terminé. Mais genre, tu l'avais ken chez elle ? Ouais, chez elle. Mais c'était propre ou c'était. Ouais, c'était propre, c'était propre. Tu demandes ça à Cédric. Tu demandes à Cédric si c'était propre. Voilà. C'est quand même pas le spécialiste de la propreté. Non, c'est vrai. Hein, bon. Bah, je suis quand même. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Midi ? Parce qu'il y a plusieurs, il y en a plusieurs qui nous disent va la baiser de temps à autre, qu'est-ce que t'as à perdre ? Ah non. Moi je dis qu'est-ce que t'as à perdre ? Je vais m'enfoncer moi, comme ça, je vais m'enfoncer, c'est sûr. Ah, qu'est-ce que t'as à perdre ? C'est quand même de retrouver avec une meuf et quatre gosses quoi. Romano, comment je fais ? Ma mère elle est au courant ? Comment on fait ? Non, mais moi je pensais plus à ta mère, moi, tu vois, ouais. Ah, voilà, ta mère, elle est au courant ? Ah ouais, t'es dans la merde. Elle est au courant. Non, elle est pas au courant. Imagine que tu sois au courant. Ah ouais, tu serais dans la merde. Ah ouais. Ah oui. Non, mais bon, la meuf, elle est pas non. Tu sais, si la meuf, elle est normale, entre guillemets, elle est, je pense qu'elle est pas conne à aller dire à ta mère, tiens, au fait, j'ai niqué ton fils. Romano, elle habite dans mon immeuble et tout se voit, tout se fait, un jour ou l'autre. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas trop envie de. Il suffit qu'il y ait des gens qui t'aient vu rentrer chez elle, ça a déjà voilà, acté. Et t'as pas des. D'après toi, puisque tout se fait dans l'immeuble, elle se fait sauter par d'autres ou juste par toi ? Du tout. Juste et je sais qu'il y en a, et je sais qu'il y en a des plus grands que moi qui aimeraient bien. Parce que j'entends des conversations là, bon, des fois bon. Et des mecs plus âgés que moi, quoi, 30 ans, 35 ans, ils disent oh putain, y'a pas. Je précise alors que t'es à Orléans, il y en a qui demandent il est à quel endroit, il y en a même un qui avait cru te reconnaître et qui croyait qu'il habitait dans le même immeuble que toi et qui voulait l'adresse de la dame. Non. Non mais la meuf c'est pas une pute hein, c'est. Oui, forcément. Elle couche pas avec tout le monde non plus hein. Cet été j'ai couché dans la nature avec une meuf de 43 ans, j'en ai 23. Elle m'appelait aussi mon chéri après 30 secondes cette cassos. Non, 30 minutes quand même. Ah oui, après 30 minutes, ah oui, c'est vrai. C'est Dave qui nous envoie le message. Dave qui a 23 ans. Mets les points sur les i tout de suite pour pouvoir peut-être continuer la relation après. C'est le message de Coposha, une fille. Ah oui, je pense qu'on va être un, hein, je pense. Hein. Non, parce que c'est après, elle m'envoyait des romans déjà. Elle m'envoyait des romans. À peine parti, elle m'envoyait des romans. Ah ouais. J'ai bloqué son numéro direct. Ouais, fais j'ai gaffe quand même. Numéro, quoi. Parce que le problème qu'il y a, c'est que si tu lui dis cash, ouais, en gros, on continue de se voir, mais juste pour baiser, elle peut super mal le prendre si elle commence à être amoureuse de toi. Mais vaut mieux lui dire quand même au début, au moins. Les ouais, courants. Mais bon, la meuf, si elle a une réaction à la con et qu'elle pète un câble, qu'elle va le dire à ta mère ou quoi que ce soit. Ton fils, il m'a baisé. Il m'a baisé. Ah ouais, mais trois fois dans le même après-midi. En une heure et demie. Et des fois, je la vois avec ma mère posée, Douart, et moi, je suis là, je suis en train de converser. Non, mais c'est surtout ça qui me dérangerait, le fait qu'elle connaisse ma mère. Ouais, et que ce soit l'ami de ma mère. Tu sais que ton fils, il a une grosse bite. Ah ouais. Non, au pire, tu sais que ton fils, il a une petite bite. Ah ouais, putain, merde. Ah ouais, là, c'est la merde. Là. C'est pas le cas, ça va. Tiens, il y a Ching Chong, 23 ans, qui nous dit « Je suis d'Orléans, je vais commencer à faire toutes les daronnes avec 4 enfants d'Orléans et je vais la trouver. » Bah vas-y, bon courage. Bon courage, Ching Chong. Ouais. Bon courage, Poto. Ouais, méfie-toi parce qu'elle risque de faire un scandale dans l'immeuble. Attention. Ouais, c'est vrai que si elle est amoureuse de toi, elle risque après, de faire la tête. Après, tu peux pas connaître la réaction de la meuf à l'avance, c'est ça le problème, quoi. C'est voilà, que la meuf, ça, elle peut très bien le prendre ou alors complètement vriller et te faire la misère. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, ouais, Marie, c'est bien ce que tu et dis. Et raconter des trucs à ta mère. Toute personne a entendu. Hein, mais continue de parler, Marie. Ouais, c'était grave. Non, bien. Mais c'est ça, si elle raconte à ta mère, bravo. C'est l'enfer. Bravo, Marie. Merci. Bravo, merci. Bravo, Marie. Bravo. Bon, tu vas faire quoi, Mehdi, alors ? Franchement, je pense que la prochaine fois que je la croise. Je la baisse direct. Non, mais... C'est fini. Non mais parle-lui, mais calmement, vas-y, avec des pincettes. Ah ouais, je pense que ça va être comme ça. Donc toi, Mehdi, tu penses qu'il vaut mieux arrêter. Romano, tu penses qu'il faut quand même laisser une chance à l'amour. Enfin, l'amour. À la baisse, plutôt. Non mais bon, et lui parler pour mettre les choses en place. Non mais si t'as pas de meuf en ce moment, non mais c'est le bon plan. La meuf, elle habite tout dessus, tu vois, la quand tu veux. Ça, c'est cool. Romano. Ah ouais. Non, c'est dangereux. J'ai déjà eu un souci, déjà, avec une dame comme ça. Plus âgée que moi, pareil, elle avait 31 ans. Je suis resté avec elle pendant 6 mois, 8 mois. Et du jour au lendemain, je l'ai quittée. Et puis, elle m'a inventé une histoire comme quoi j'avais un gosse avec elle, tu vois. Ah, et ouais, du coup, mais méfie-toi. Hein. Justement, c'est pour ça que je préfère mettre les points sur les lignes directes, tu vois. Donc, Moi, je vais baiser régulièrement une meuf qui est à côté de chez moi et qui me paye pour la baiser. Eh ben écoute, voilà un bon délire, Farid. Un vrai message. Ah, c'est bien cool, Farid, ouais. Tu es pute. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah c'est Farid la pute. Merci Farid. C'est vrai en plus. Bah ouais, c'est ça, ouais, t'es gigolo. Un tu, peu, vas ouais. Tu vas baiser une meuf qui habite pas loin de chez toi et elle te file de la thune pour que tu la baises. Bah ouais, c'est ça. C'est plan rêvé ça, Romano. Ah ouais, ce serait bien ça. Rêvé. Ce serait peut-être encore avec ta gothique si t'avais payé pour baiser. Ouais, non, mais non, ça va aller. Là, mais putain, mais t'as pas marre de me parler d'elle, sérieux? C'est la première fois ce soir. Non, non, c'est pas la première fois. Ouais, si, c'est la première. Bah, les couilles. J'ai pas les tu meuf, pètes les plombs, Romano. Hein. Ouais, bah, je pète les plombs, ouais. Mais genre, elle te donnerait c'est 10 euros, tu la baisses. Non, mais 10 euros, je la baisse pas pour 10 euros. 15. 10 euros, je. Non, arrête du tout. Mais non, mais pour tu combien pour tu non, non, mais je la baisse plus. Je la baisse plus du tout. Eh, ouais. Attends, la gothique te donne 100 000 euros, tu la baisses pas? Bah ouais, non, mais bon, là, tu prends pas les sentiments. Vous entendez? Non, mais à 100 000 euros, franchement, je baisse n'importe qui. Même Cédric? Ah non, c'est un peu plus cher. Ah, tu baisses carrément au moins. Pourquoi non, je baisse pas un mec. Non, pour 100 000 euros. Pff, combien un mec, si, ouais, franchement, je le ken. Vas-y, je te ken pour 100 000. Non, non, non. C'est ça, c'est la 100 000 euros. Non, s'il te plaît, non. 100 000 euros, ça va. Ça vaut non, non, non, pas 100 000. T'es fou, toi. Bon, Mehdi. Plus que ça. Bah, je mets ma bite dans ton cul. Je mets la mienne dans ta bouche, alors. Ah non, mais non, on peut pas. Je vais vomir, arrêtez, les gars. Donc oui, je disais Mehdi, bah t'as plusieurs possibilités, hein. Toi t'as envie d'arrêter, je pense que bon, si tu le sens comme ouais, ça, faut le faire. C'est la meilleure des choses. Ouais. Après Romano ouais. Et moi on pense que tu peux peut-être essayer. Non mais bon, s'il y a moyen de négocier, que tu continues de la niquer en même temps. Garde-la sous le coude, ouais. Voilà, ça peut dépanner mon pote. Franchement, la famille à moi là. Bah vas-y, si toi t'as voilà quoi, j'ai toujours fait tout le monde. Bon, si vous avez des histoires comme ça, dites-nous parce que j'envoie plein des messages. Regardez Yanis, 19 ans, qui dit je me tape une maman de 44 ans. Pareil, elle me donne des petits surnoms. Allez, ah, petits surnoms fils. D'amour. Oh, quel putain, merde. Oh, mon fils. Oh, bien, maman. Appelle-moi maman. Ah, ouais, horrible. Bon, on t'embrasse, mais dis reste à l'écoute hein, sur les témoignages. Merci à vous, la famille, c'est gentil l'équipe. Oui. Prenez soin de vous. Et bah, toi aussi. À la prochaine. Hein, et puis, n'hésite pas à nous tenir au courant de cette histoire. Hein, si ça continue, on veut la suite. Bah, vas-y, ouais. On veut la suite, c'est un peu comme un feuilleton, c'est bien. Salut, Mehdi. Allez, nickel. Ciao, allez, bonne soirée. Ciao. Allez, ciao. Ciao, ciao. Merci à vous. Bon, on a Richard au téléphone, on va le prendre en direct avec nous. Ah, puis il y en a qui nous disaient, vous faites plus les bugs de Romano. Si, on les fera dans la semaine. Ouais. On fera une petite traduction des bugs de Romano. Ça peut arriver à n'importe quel moment de la semaine dans l'émission. Cool, Raoul. C'est ça. C'est vrai qu'on les faisait le mardi l'année dernière. Mais ça peut arriver, tout peut tranquille arriver. Tranquille Émile. N'importe quand. Tranquille Émile. Et oui, tranquille Émile. Pépère Albert. Voilà, et peinard Richard. Oui, c'est Richard qu'on a en ligne. Salut Richard. Salut, ça va du full. Richard de Marseille. Salut, ça va quoi? Eh ben ça va bien. Richard, t'as 25 ans, t'es à Marseille. Des nouvelles de. Bah déjà des nouvelles des incendies, ça y est, c'est fini? Ouais, il me semble, ouais. Ah bah tant mieux. Ah bah tant mieux, oui, ça c'est ouais, la bonne moi nouvelle. Je suis loin, tu vois, mais il me semble que ouais, c'est fini. Ah bah c'est en pleine ville, mais c'est encore bien cramé là. C'est dégueulasse, tu vois, c'est toujours la nature qui prend. Non, mais c'est des mecs en plus qui ont dû. Bien sûr que c'est des mecs. C'est sûr que c'est pas parti tout seul le feu. Mais non. Faut exprès, tu vois. Mais moi, il y a un endroit, je connais en Italie, ce week-end, pareil. En fait, il y a un super bel endroit où il y a de la garrigue méditerranéenne, machin, des trucs que tu trouves du côté de Marseille, par exemple. Ou en Italie. Et ils veulent construire un grand hôtel, un grand resort. Un hôtel avec une plage. Tout et du ça. Coup, ils ont foutu le feu. Et donc, il y a des gens qui se mobilisaient pour pas qu'il soit construit l'hôtel. Ouais. Et ce week-end, comme par hasard, à cet endroit, à l'endroit où doit être construit l'hôtel, ils ont brûlé toute la garrigue. Ils ont brûlé. Étonnant, ouais. Il y a un feu comme ça qui s'est déclenché. Ouais. Mais c'est toujours des gens qui déclenchent ça. Ah oui, bien sûr que oui. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'est criminel. Ouais. Ah oui. En Italie, ils disent d'ailleurs, c'est la mafia. Ah, non, parce que je vous avais raconté en Espagne, là, c'était l'Allemand là, qui avait brûlé son PQ, et il l'avait pas fait. Non, mais ça, c'est un débile. Parce que le mec qui s'essuie le cul et qui brûle son PQ dans une forêt en été, genre dans la garrigue, il est débile. C'est un écolo, apparemment. Oui, l'écolo, c'est toi. C'est un gros con. Toi, un gros con, oui. Ah ouais, c'est grave. Non, mais c'est vrai, ce que disait Samy, la plupart du temps, c'est des mecs qui allument volontairement les feux. Exactement. Et là, en Italie, souvent, ils disent c'est la mafia pour construire des trucs. En fait, ils détruisent la nature. Comme ça, ils ont le terrain coûte moins cher parce qu'il y a plus d'arbres. Si c'est des oliviers, les oliviers coûtent cher. Ah bah ouais. Donc, tu rases tout, ça coûte moins cher, ils rachètent le truc et ils construisent le machin. Ah, c'est triste. Ouais, bon, bah, donc ça va mieux à Marseille. Oui, bah, pleure pas non plus, bah. Oui, non, même con, quoi. Alors, deuxième question pour toi, Richard le Marseillais. On en est où dans cette histoire de l'OM qui est racheté par les Américains? On en est où? Il me semble que ça y est, non? C'est pas du tout. Hein. C'est pas fait encore. Hein. Mais il y a rien. Moi j'avais entendu une histoire comme quoi c'était le Qatar qui allait racheter, tu vois. Le mec, c'est un escroc des États-Unis. C'est chelou, tu vois. Excusez-moi, je crois qu'on est en direct avec nous, Frank McCoy. Je suis Frank McCoy. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'OM? Ah, mais il y avait une rue. Je les ai bien enculés. L'OM part en couille. oui, mais qu'est-ce que c'est cool, ça. Je vais pas payer, là, je suis aux États-Unis. Ça va aller plus vite que ce qu'on pense. Sur une plage tranquille et je payerai pas cette merde. Mais il y a des plages à Marseille, viens aussi, Franck McCool. On m'a dit qu'il y avait des pneus. Oui, bon, dans les plages, des rats aussi. Et des caddies. Ouais, oui. C'est cool. T'as des nouvelles, Samy, alors? Ouais, mais en fait, ça va aller plus vite que ce qu'on pense. Parce qu'en vrai, il y a une semaine, c'était lundi dernier, au final, que le mec a été déclaré acheteur. Ça n'ira pas plus vite que la musique. Aujourd'hui, donc une semaine après, il y avait une réunion au centre d'entraînement de l'OM avec tous les employés de l'OM. Ouais, je n'étais pas là. Conseil, comité d'entreprise, conseil d'administration, tout ça. Et en fait, il aura expliqué un peu. Bon, c'est pas lui, il est même pas venu. Non, je suis pas venu, je m'en bats les couilles. Le projet, tu vois, le budget. Franck Macouille. Ouais, Franck Macouille. Mais en fait, ça va aller vite, hein. D'ici un mois, c'est réglé. Ça va aller vite. C'est ce que tu crois, du coup. Là, il doit attendre une autre réunion, un autre comité d'entreprise pour après faire son virement. Ok, faites des réunions. Hein. Pendant ce temps-là, je me dors la pilule. Mais passe à la caisse un peu. Ah, j'ai pas envie. J'espère que vous aurez pas encore une mauvaise surprise. Non, je pense pas. Parce que votre club, il a failli. Il y a des délais, je pense. Normal. Ouais, ouais, bah ouais, c'est comme quand t'achètes un appart, tu sais, tu peux pas faire ça dans la semaine, t'es obligé d'attendre un délai, une réunion, un truc, un machin. Voilà, faut signer le compromis. Ouais, c'est pareil qu'une vente d'appartement, c'est ça. C'est ça. Ouais, je signerai pas. Hein. Là, faut attendre les comités, les réunions du conseil d'administration et des comités d'entreprise. Ouais, réunions du camp. Ça sera fait pour novembre, nous dit Blue sur SMS. Je pense aussi Blue, ouais. Je suis d'accord avec toi, début novembre. Eh ben, espérez. Si vous... Ouais, faut espérer. Ouais. On a de toute façon le contact direct de Franck McCouille. Ah, quand vous voulez, je reviens sur Skyrock. Merci, hein. Francky. Je peux vous acheter si vous voulez. Non, merci, Franck. Ça va aller. Non, le dernier truc qu'il a acheté, il l'a fait fermer. Donc, non, merci. Bon, et donc, Richard, maintenant, on va passer à toi. Après avoir pris des nouvelles de Marseille. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'amène, toi? Bah, en fait, c'est ce que je voulais juste avoir un avis, tu vois, l'avis de vous et des auditeurs de Sky. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un Américain, si tu veux, il m'a donné une idée. Enfin, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Ah, c'est Franck de Macoucouille. C'est ma nouvelle idole. Voilà. C'est lui qui m'a donné l'idée, c'est ça, voilà. Et non, en fait, je regardais sur YouTube, tu vois, je me baladais, et puis un jour, j'ai vu un mec qui refaisait, on va dire, beatbox, des musiques de Super Nintendo, tu vois, à l'ancienne, des jeux qui nous ont marqué comme Street Fighter, tu vois, tout ça, Mario, tout ça. Et ça m'a donné l'idée de refaire pareil, mais pour le rap français. Donc lui il faisait du beatbox donc avec sa bouche, il rejouait des vieux trucs de jeux vidéo. Et toi tu t'es dit mais je vais me lancer moi aussi sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Avec des sons de rap français. Donc tu fais du beatbox avec ta bouche. Mais en fait c'est pas trop du beatbox, tu vois, parce que c'est des sons superposés que j'enregistre au studio. Tu vois. Et après je fais une vidéo. Toi t'as un studio chez toi. Ah mais tu fais un peu comme le mec qui était passé dans The Voice là. C'est qui ça? Ouais, mais lui, il avait une machine différente. C'était, ouais, mais c'est à peu près. Non, mais en fait, il y avait un mec cette année, là, dans The Voice, là, le dernier qui est passé, pas Voice Kid, hein, qui passe en ce moment, le Voice. Original. Il y avait un mec, c'est comment, MB14, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et en fait, voilà, le mec, il faisait du beatbox, et il avait une machine, et par exemple, il enregistrait, je vais te dire, par exemple, ah, Pouchi Pouchi. Et par-dessus, donc ça, il passait ça en blue. Ah, il en mettait après, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et par-dessus, il faisait. C'est le même concept. Et ça faisait. Pouchi Pouchi. Alors attends, on va leur faire. Pouchi Pouchi. Pouchi Pouchi. Mais c'est en même temps, Romano. Et après, on va faire mieux. Vas-y, Romano. Pouchi Pouchi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? En plus, pour ajouter. Ouais, tu superposes des trucs et tu recrées un morceau comme ça, ouais. Bah, t'en as plein qui font ça. C'est bien. Des morceaux connus, tu vois, des rappeurs genre MHD. J'ai fait le premier que j'ai fait qui a bien marché d'ailleurs, c'était Alonso et Jul, tu vois, normal, comme d'hab. C'était comme d'hab. Alonso et Jul. Ouais, j'avais fait comme d'hab et le truc c'est que bon, je l'avais mis sur Facebook, ça avait fait 80 000 vues, tu vois, j'avais été partagé par des pages de rap français, tout ça. Et puis là j'ai fait la deuxième, The Shinsekai, tout ça, et ça avait pas trop marché. Donc j'ai pas compris en fait. Demande pourquoi ça marche plus. Alors je sais pas si c'est les rappeurs qui sont préférés, ils préfèrent Jul ou Alonso, je sais pas. C'est les gens. Je sais pas, je l'ai le morceau là, je peux faire écouter? Vas-y, vas-y, ouais, Jul, vas-y, avec plaisir. Attends, écoute bien, Jul, Alonso. Ouais. C'est ça que t'as fait? C'est ça. Rappeur. Mais ça, tu le fais à la voix, ça? Non, ouais, ouais, tout, on mettra la base de vidéo. Vous voyez personne, la vénale, rien à foutre de temps. Laisse un peu le son. Non, sur l'iPad. Vous voyez personne, la vénale, rien à foutre de temps. Voilà. Ah là, tu l'as coupé. Merci. Ah ouais. C'est pas mal comme ça. Bravo. C'est mieux. Pas d'amis, que des frères, pas de pute, que des hommes. Sur la chair de ma chair, je vous encule, j'en rigole. AMG, en BG, j'ai la folle, j'ai la colle. Ah, la manche, tu guettes, puis tu fais rentrer des champs. On entraîne cramé, j'embrasse tout. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit ta bouche. Oui, oui, il y a plein d'arrivées. Il y a la vidéo de Jules au milieu, puis sur les côtés, on voit ta bouche. Donc on voit que c'est pas du mytho, quoi, que c'est vrai. Ouais, ouais, c'est ce qu'il a fait. Ah, mais c'est bien, hein, putain, c'est bien fait. Non, non, mais c'est bien ça. Ouais. C'est bien fait. On va vous mettre, on vous le met sur les sites de Skyrock, hein, le Facebook de Sky, Skyrock FM, sur le Snap ou partout. Alors les premières questions pour l'artiste arrivent. Zarzad de Cherbourg, est-ce que tu connais l'artiste de BFX? Il fait ça aussi. Écoute, c'est terrible. Non, franchement, je connais pas. Et il y a Godifool qui demande, demande si tu connais Mike Topkins. Oula. Sur YouTube, il le fait aussi. A priori, c'est des concurrents. Non, mais il y en a plein qui le font, ouais, des carrés. Ah, je savais pas, je pensais que j'étais, c'était un truc original, que personne ne le faisait, moi. Ah. Alors, est-ce que, ouais, non, mais en France, il n'y a pas de mecs qui le font avec des trucs en français. Hein. Ah, d'accord. Ah, là, c'est tout américain, ce que vous donnez. Américain. Ah, non, là, bah, des français, ouais, non, je connais pas, non. Ouais. Ah, attends, il y en a peut-être un que tu connais, qu'on est en ligne avec nous, c'est MB14. Ouais, tu connais MB14, Romano? Bah oui, c'est qui? Je l'ai vu à la télé. Salut MB14. Ah, et avec Wawad aussi. Ouais, c'est Wawad qu'on a là. Ah, salut. Salut Wawad. Salut. Et on se rappelle de toi, tu étais venu nous voir avec Big Flo et Oli, toi. Ouais, plein de fois. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est là, il fait des bruits avec sa bouche. Ah ouais, là, ouais. Et tout. Toi, tu déchires, Wawad. Ah ouais. Merci, merci beaucoup. Je te présente Richard, le Marseillais. Ouais, ça va, quoi, c'est bon. Et ouais. Ça va et toi? Donc tu vois, lui c'est un Français qui fait des trucs. T'es même venu les faire dans le studio dans l'émission là. Ouais. Et il fait d'accord, son groupe, ouais, avec MB14 dont on parlait d'ailleurs. Donc MB14. Oui, oui. MB14 c'est le gars de The Voice. Ouais, MB14 c'est le gars avec sa boîte qui fait de la musique dans The Voice. C'est ça, c'est le gars qui fait des poutchi-poutchi. Attends, aussi tu fais des poutchi-poutchi. En fait, t'as vu, on les fait bien aussi les poutchi-poutchi. Hein. Mais je crois que je vais être le quatrième. Avec Romano avec ses dents à 13 000 euros, là, il Ah, t'as vu un peu le poutchi-poutchi. Ah, il est bien. Vous avez entendu Wawad et MB14 ce que fait Richard? Ouais, on a entendu, ouais. C'est pas mal. On a entendu. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais comment vous vous êtes fait connaître tous les deux là? Donc Wawad, bon, on t'a connu à Sky, mais vous êtes allé sur, ouais, le net, vous avez fait des vidéos, vous avez mis des trucs sur YouTube, vous avez fait quoi? Ouais, franchement, c'est les vidéos en fait qui fait connaître, surtout avec ce qu'on fait, tout vocal et tout, c'est vraiment c'est les vidéos, quoi. Il faut que les gens voient ta bouche, il faut qu'ils voient un peu tout, tu vois. Un peu comme il a fait sur sa vidéo, ouais, c'est là. Comme ce qu'il a fait, c'est pas mal. Ouais. Et vous avez galéré? Ouais, vous avez galéré au début là pour avoir des vues et tout ça? Ouais, bien sûr, bien sûr. Au début, c'était vraiment galère. Là, on va dire le beatbox, ça fait deux belles années qu'on va dire, ça commence à vraiment se démocratiser. Donc avant ça, c'était vraiment galère, quoi, de faire des vues tout ça. Mais là, ça fait un an que ça va, quoi. Il y a déjà des mecs en France qui ont fait des albums que de beatbox, tout en beatbox. Il me semble qu'il y avait Eclipse. Ouais, Eclipse. Ouais. Ah, si, si, il a fait un album. Ah, ça, oui. Là, c'est vrai qu'Eclipse. Après, très très fort. Gros big up à lui, parce que c'est un ami à moi. Gros big up à Eclipse. Il était passé dans l'émission, ouais, Eclipse. Déchire. Ouais. Après, il y a un groupe français, d'ailleurs, big up à lui, qui s'appelle Under Control. Donc, ils sont champions du monde 2009. Les Beatbox. Ah, ouais, ils ont fait un album, 100% vocal, totalement, ouais, vocal. Il y a aussi les Science Super Crew, ils ont grave populaire. Ah, oui. Ouais. Ah, ouais, comme ceux qui avaient fait Angela. C'est vrai, ouais. Angela. Pendant papa là. Angela. On le fait bien, nous aussi. Je peux faire du beatbox, moi aussi. C'est pas mal. Ta-da-ta-ta-ta. Ah, ça y est, Wawad est en forme. Wawad est déchaîné. Fais-nous un klaxon, Wawad, allez, vas-y. Magnifique. Le mec, tout ça avec la bouche. C'est génial, Wawad. Il y a bien ce klaxon en bouche. Et ouais, et MB14 est à côté de toi, là, avec son espèce de, ouais, de truc, on l'a, salut, vu dans, bah, The là, Voice. Je suis avec ma machine, là, je suis dans la rue avec, je vous attendais. Non, mais tu balades avec ta machine. Ouais, vous êtes taré. Vous êtes des malades. Il y a Godifool qui nous dit, Godifool 16 ans, il nous dit, il y a aussi Pentatonix qui fait. Pentatonix, oui, monsieur. C'est ça? C'est le groupe a cappella le plus connu au monde, en fait. D'accord. Ben voilà, Godifool il connaît. Il y a aussi, grosse référence, c'est Naturally Seven que vous avez accueilli dans vos studios il y a quelques années. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ils avaient repris une chanson de Phil Collins, je crois. Ouais, c'est ça. Feel it. C'est grâce à vous que j'ai connu ce groupe-là qui m'a donné envie de faire ça. C'est pas vrai. Ah ouais, donc toi. J'ai suivi Naturally Seven. Ah ouais, donc toi, t'avais écouté Naturally Seven, t'aimais bien. Après, ils sont passés dans l'émission et tu t'es dit, je vais essayer de faire la même chose. Et ouais, c'est grâce à vous qu'il a fait ce truc. Tiens, c'est ça, écoute. Ah, c'était lourd. Ah, il était bien, ce morceau, c'est vrai. Tiens, là, juste un petit bout, allez. Ça beatbox sur Skyrock. I can feel it coming. c'est fort, hein. Ouais, c'est nickel. Ah, mais... Non, mais faudrait peut-être faire un album de rap français avec, avec du beatbox. Y a pas pensé, bah, je sais pas, Wawad, MB14, vous y avez pas pensé à ça? Là, c'est, disons que, là, on commence à se poser la question. On a des projets pour, Bah, justement, en fait, on est dans cette démarche-là, c'est d'être ouvert très musicalement. Moi, personnellement, j'ai commencé à rapper avant de faire du beatbox. Ensuite, ouais. Je me suis intéressé au beatbox et pour moi, c'est bien de fusionner tous ces genres vocaux et d'en faire un espèce de truc hybride, tu vois. Non, mais ça peut être sympa, regarde, ce morceau, il était bien. Hein. Ah, ouais, canon. Et oui. Reponcé celui-là. Bon, ben bah, parfait, faut venir nous voir, les gars, là, ouais. Pour le prochain jour. Ouais, on fera un battle avec comme vous, les gars. Ouais, moi, bah, je suis chaud pour faire un battle. Allez, on fera un battle, vas-y. Ouais, moi aussi, ouais. Je prends 2-3 cachetons avant l'émission, 2-3 cachetons de cortisone. Je peux vous dire que le machin, je vais vous le faire, mais. Mais en plus, vous êtes quoi? Vous êtes 3 ou 4 non, dans votre groupe? C'est quoi? Ouais, on est un groupe, on est 4, ouais. Ah, 4, ouais, c'est ça. C'est quoi le nom du groupe? Donc, il y a Wawad, MB14, c'est qui les autres? Berry Wam. Alors, Berry Wam, c'est le nom du groupe. C'est ça. Et du coup, on fait ben, on a fait des reprises, des interprétations. Là, dernièrement, on a une vidéo avec dont on reprend la bohème. En fait, on aime bien revisiter un peu tous les styles, tout ça, quoi. Ah, écoute, c'est marrant. Ah, c'est canon. Bah, on vous attend, hein. Ouais, vous êtes les bienvenus. Venez nous voir. Ah, ben, ça marche. Bon, Wawad, on t'embrasse. MB14, des bisous. Allez, et vous tous, d'ailleurs. Je vais vous faire un beatbox. Oh, ah, tu vas faire un ouais. Un bisou box. Allez, bah, bientôt tout le monde. Salut les gars, ciao. Bisous. Ciao les gars. Et t'as entendu les conseils, Richard, hein? D'abord, ils ont trouvé que c'était bien ce que tu faisais. Ouais. Et c'est quand même des spécialistes. Ah bah, ouais, je les connaissais pas, tu vois, mais j'irai voir sur YouTube et tout ce qu'ils font. Non, ouais, c'est vrai que là, ce DJ MB14, là, dans The Voice, un des morceaux qu'il avait bien fait, c'était le Coolio Gangsta Paradise. Ah ouais, il était canon. Et il me semble qu'on l'avait montré cette vidéo, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis. Non, mais il assure, lui. C'est ça que t'avais fait, MB14, c'est Gangsta Paradise. Bah, ouais, entre autres, hein. T'avais fait Gangsta Paradise, moi j'ai pas vu The Voice. C'est un des premiers morceaux que j'ai appris à faire à la loupe il y a au moins 3-4 ans de ça. Donc, c'était impressionnant ton truc, hein. Mais c'est celui que t'avais fait au casting, non? Ouais, c'est ça, à l'audition à l'aveugle. Ouais, c'est à ce moment-là qu'ils se sont retournés en appuyant sur le bouton. Ouais, c'était impressionnant ton truc là, ouais. Non, c'est pas J'achète. C'est pas le même. Ouais, ils auraient pu l'acheter quand même. Moi, sinon, j'ai une copine qui a grave kiffé sur toi, mais 14, donc. Quand tu viendras, je vais la ramener. Très bien. Tu vas pas dans la merde, mec. Tu vas pas te déçu du voyage, ouais. Une copine folle, tu vas voir. On va te présenter une bonne dingue, MB14. Et du coup, c'est quoi sa page Facebook? C'est quoi son truc? Eh ben gros, c'est MB14. C'est bon. Tout ça. MB14. Ça va, ben, je t'enverrai un message. Et toi, ta page? Richard, ta page, c'est quoi, toi? Moi, c'est ma page Facebook, c'est BRE. Oui. LI. SI. LI. LI. Comme Laurent. LI, ah ouais. Ah, Brelli, tiré du 6. Tiret K. Et voilà, les vidéos sur Facebook, c'est Brelli au Mike, c'est ça? Brelli au Mike. Brelli au Mike. Ouais, Brelli tiret K au Mike. C'est ça. Donc, et de toute façon, on va te faire de la pub, tu vas avoir du monde. Donc tu te payes. Merci, Sky, merci. Franchement, Diffoul, c'est. On va te mettre. Chapeau. Merci. Non, mais genre, t'as compris, c'est gentil, vraiment. Pas de soucis. Et on va te faire de la pub. Donc allez le voir, faites-lui un maximum de vues. On va le mettre sur tous les réseaux de Skyrock, donc sur le réseau de. Sur Facebook, sur Twitter, Instagram. On vous met l'adresse YouTube, on nous demande l'adresse, on vous met les deux. Là. On te mettra ton Facebook et puis les vidéos, tout ça donc à aller voir sur le Skyrock FM partout. Ouais. Partout. Bon, merci Richard, tu nous tiens au courant et puis tu nous prépares un petit truc. Bah ouais, écoute, moi si tu m'invites, je viens, je suis là. Et bah viens quand ils viennent, viens quand ils viennent. Ouais, d'accord. Non, sinon on peut demander un truc à vous qui nous écoutez. Vous aimeriez qu'ils fassent quoi en beatbox, Richard? Ouais, voilà, ouais. Eh, vas-y, tu veux pas faire un MHD? Okay. Ah bah là je peux pas parce que c'est superposé. Après, tu vois, c'est. Non, mais prochainement, prochaine vidéo. Un exemple. Ah ouais, prochaine vidéo. Bah écoute, elle est déjà sortie, MHD, je l'ai faite. Il y a déjà fait. T'as fait laquelle? J'ai fait avec The Shinsekai, je suis désolé. Mais tu veux pas faire Champions League, ouais. C'est la Champions League. En fait, j'ai voulu la faire, celle-là. Mais elle est vraiment trop simple à faire. Non, trop simple. Ah. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'instruments. Et en plus, la musique, elle date un peu, tu vois. Donc, du coup, j'ai pas fait celle-là. Tu peux faire un truc, genre, je sais pas, Drake, par exemple, pour l'écouter tout à l'heure. Ben, je peux faire Drake, mais le problème, c'est que je parle pas anglais. Et DJ Snake. Ah ouais, donc pareil, pas anglais non plus. Ah ouais, c'est la merde.

Party Full. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, en direct depuis 21h, on a eu le match de foot des Bleus. Bon, c'est pas un match qui va nous laisser des grands, grands souvenirs. Hein. Non, c'est pas le meilleur. On va même essayer de vite, vite l'oublier. 0-0 contre la Biélorussie. On n'y pensait pas, mais pourtant, ils l'ont fait. 0-0. Quel match c'est, c'est le premier match. Hein. Ouais. Il y en aura d'autres, il en reste. Ça c'est bien ce que tu dis Samy, parce qu'au moins tu nous remontes le moral, ça fait plaisir. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ah oui, ça. C'est vrai, bon 0-0, personne s'y attendait, on pensait tous qu'on allait gagner. Ah non, non, bon, ça ne s'attendait pas, non. Eh ben on n'a pas gagné. Bon, on a les places pour Soprano à vous offrir, place pour Soprano à vous faire gagner. Demain, je vous rappelle qu'on aura la suite des aventures de notre couple Xavier et Clara. Ouais. En direct de Barcelone. En direct du club échangiste le plus grand d'Europe. Ah bah, ouais, il y avait 8 personnes. Attends, tout à l'heure, 8 personnes. Oui, ils étaient quasiment pleins. T'imagines 8 personnes dans le club échangiste. Ah la merde. Dans le truc le plus grand d'Europe, ouais, ça fait pas grand monde. Non, c'est vrai. Ouais, pas trop, ouais. Donc, c'est vrai que ça va se remplir. Il nous a dit que le top du top, c'était vers 1h, 1h30. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, demain, on aura une grosse ambiance, ouais. Demain, on aura déjà la suite. Grosse ambiance, ils sont 10. Ouais, cool. Ouais, c'est clair. Mais Clara avait déjà sucé. Ouais, il y a eu des petits trucs, quoi. Ouais, c'était tous les deux, quoi. Elle s'était fait bouffer la chatte. C'est Xavier qui l'a dit tel quel. Il y a eu les deux. Bon, la suite de leurs aventures. Et puis, écoutez, c'est pas fini, parce qu'on fait tourner la roulette maintenant. Skyrock t'offre 200 places de concert Soprano. 200 places à gagner sur Skyrock. Grande tournée de Soprano dans toute la France. On est qui démarre l'année prochaine. On a Thomas en direct avec nous. On file dans le 92. Thomas, 19 ans, à Vanves. Salut Thomas. Salut, ça va l'équipe? Ça va bien Thomas. Thomas. Salut Thomas. Salut. Bienvenue sur Skyrock. On a parlé aussi des dames d'un certain âge qui peuvent vous exciter. Ouais. Des filles avec des formes qui peuvent vous exciter, ouais, aussi. Ouais, des parano aussi. Des mecs qui mettent toutes les nanas dans le même sac. On a une belle soirée ce soir. Hein. Bon, et elle se termine bien la soirée pour toi Thomas, puisqu'on fait tourner la roulette. C'est parti. Tu fais quoi dans la vie Thomas, 19 ans? Je suis étudiant en deuxième année en cycle ingénieur. Très bien. Ça va, bon. Bravo. Ouais, ça va, ça va. Ouais, mais il faut se détendre, donc il faut des places de concert, là, allez. Ah, ça ferait plaisir, je sais pas. Quand tu veux, tu dis stop. Stop! Stop! Et on va s'arrêter sur... Bah voilà, c'est logique, hein. 2 places pour aller voir Soprano. Oh, c'est merde. Bravo. Et ouais, bravo à toi. Merci beaucoup. Donc 2 places pour aller voir Soprano, il passe à Bercy, évidemment. De toute façon, il passe partout en France. Hein. Ouais, il va se prendre une grosse tournée. À Paris, je pense. Bah, t'es à Vanves dans le 9-2, ce serait un peu con de pas profiter de Bercy. Donc. C'est ouais, bah oui, voilà. C'est ça. Bravo Thomas, 2 places pour aller voir Soprano. Merci beaucoup l'équipe. Et avec qui t'y vas? J'aimerais savoir avec qui vous y allez. Ah oh, bah... Là, je sais pas encore, mais je pense que ça va se décider vite. Ça va se décider vite parce qu'il y a ma copine. Donc Très bien. Alors, la copine, faut être gentil avec Thomas. Sinon, il prend un pote. Et les potes, soyez sympas avec lui, on sait jamais. Ouais. Voilà. Si le concert a lieu le jour d'une embrouille avec ta copine, ça peut être. Ça peut passer, ouais. On t'embrasse, Thomas. Ça devrait aller. Ciao Thomas. Ciao Thomas. Salut Ciao. Thomas. Merci Salut. Beaucoup. T'as pas une petite blague du Karim Comedy Club, Karim? Oh là, c'est la panique. Il a pas ouvert son dossier. Ouais, il a pas ouvert ses notes. Ah, allez, improvisation. T'en fais une sur la gueule de Cédric. On se marre et on se marre. C'est ça, ouais. Allez, man, j'en ai une de Méline, mais c'est pas sur Cédric. Oh, que la déception. Remboursé. Remboursé. C'est un mec qui regarde les. C'est la blague de Méline de 15 ans de Dole. Alors c'est un mec, en fait, il regarde les infos et là il appelle sa meuf, il lui dit: putain, fais attention sur la A36, il y a un mec qui roule en sens inverse. Et là sa meuf, elle lui dit: putain, mais ils sont trop cons, il y en a plusieurs qui roulent en sens inverse. Femme au volant, hein, vous connaissez. Ouais, pas mal. Bon retournant. Pas mal. Bon bah tu vois, belle improvisation. Ouais. Femme dans le fossé, bravo, j'ai écarté. Et aussi. Oh, bonne route. Bonne route. Et bonne nuit, vous allez passer la nuit avec Maxime, Urban Music Non-Stop, le son de Skyrock, toute Justin la nuit. Timberlake. Et Justin Timberlake pour démarrer. Cette nuit de son, nous revient à 5h du matin avec le replay du morning, à 6h avec le morning en direct. Oui. Ah, j'ai eu peur parce que j'ai cru que t'allais dire à 5h du matin. J'ai dit, pas au courant. T'as fait les gros yeux. C'est un peu plus tôt. 5h, c'est les meilleurs et les pires moments du morning que vous retrouvez. Et à 6h, on arrive en direct avec vos chèques de 1500 €. Et puis venez faire les comptes demain matin avec nous. On a eu une super matinée ce matin. Demain matin, on remet ça. Oui. Super soirée aussi. La prochaine, c'est demain soir entre 21h. Et minuit, dès que vous avez un truc à dire tous les soirs, venez sur Skyrock, la première radio libre de France. Oui, ouais. C'est ça. Et vous pouvez envoyer des mails, hein, difool@skyrock.com. Oui. Pour si vous voulez passer demain soir. Ça, c'est si très bien, Roman. N'hésitez pas. La totale, quoi. Allez, passez une bonne nuit avec Maxime. on vous embrasse, on vous remercie. Et rendez-vous demain. Allez, salut. Ciao. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 20 000 euros en cash.

I'm on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Skyrock Urban Music Non-Stop toute la nuit avec les 21 Pilots. C'était Ride à l'instant. Demain, enfin tout à l'heure, à partir de 6h et entre 6h et 9h, Difool sera là pour vous réveiller avec ses chèques de 1 500 €. Écoutez, quelle est ta radio préférée, Anthony? Skyrock. Eh ben c'est gagné. Eh bien oui, bravo. Eh oui, bravo. 1 500 € cash dès le réveil si vous répondez Skyrock dès qu'on vous parle radio au téléphone. Vous pouvez largement augmenter vos chances avec un petit SMS. Maintenant, les inscriptions sont ouvertes toute la nuit. 1 500 que vous envoyez au 7 20 20. 1 500 au 7 20 20, des chèques de 1 500 € à gratter toutes les 30 minutes cette semaine chez Difool et l'iPhone 7. Soyez les premiers à repartir avec votre iPhone 7. On est premier sur le cash et premier sur les portables qui déchirent entre 6h et 9h dans le morning de Difool sur Skyrock. Voici l'énorme tube découvert en premier chez nous de l'été 2015, c'est Linon, Major Lazer, DJ Snake et Mo, suivi de Shy, PMW sur Skyrock. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grandes